Un grand merci. Il y avait Sébastien, Camille, Mickaël, Yervin, Marie pour toutes ces ses meilleurs souvenirs, ses pires souvenirs de Saint-Valentin. Vous pouvez continuer de les raconter aussi sur Facebook et sur Twitter, partager tout. On va retrouver là maintenant, je vous l'ai dit, l'émission est un petit peu plus courte que d'habitude puisque maintenant normalement nous allons nous connecter. Connexion avec Mickaël en direct. Oh là ! En direct du salon Star Wars. Dark Vador est avec eux, je l'entends actuellement. Mais Dark Vador et Mickaël, je crois. Bonsoir Dark. Non, pas du tout. Contre toute attente, Dark Vador et Polo. Ouais, c'est ça. Ah, voilà. Je suis magnifique. Et oui, contre toute attente. Oh, je viens de mettre la photo sur le Facebook. Comme ça, vous allez pouvoir aller voir. On a fait ça dans la petite photo avec. T'as la musique derrière et tout. Ah, tout est là, ne t'inquiète pas. Ah, c'est génial. Nous sommes totalement bien équipés. D'ailleurs, photo à l'appui. Hein. Vous pouvez voir, on a même les sabres laser. Tout est là. Et beau gosse, Mickaël. Et t'as vu un peu? Classe, hein? Ah ouais, classe. Allez voir sur la page de Mickaël. Moi, je suis en Luc. Voilà, donc et Mickaël officiel, si vous voulez aller voir, il y a pas de souci. Bon, et donc on va prendre le relais là maintenant. On va partir jusqu'à 23h et puis techniquement jusqu'à 2h du mat. Jusqu'à 23h en direct donc de Star Wars Identities. Et puis à partir de 23h en direct des studios pour une émission normale de Mickaël No Limit. Bon, ça s'est bien passé, vous? Pas trop dur la petite heure là? Non, écoute, un peu fatigué, un peu patraque. Mais c'est bientôt les vacances là pour tout le monde. Hein. D'ailleurs, bonnes vacances à tout le monde. Oui, je comprends, c'est difficile. Une heure, c'est compliqué. Et on vous retrouve lundi à partir de 20h. Ah, moi je pensais que vous alliez passer dire bonjour là ici. Ah, mais on arrive. Ouais, c'est ça, ouais, je vous attends encore. Ouais, c'est ça, ouais, d'accord, ok. Bah, merci Karima hein, qui avait dit qu'elle viendrait. Je vois qu'elle n'a qu'une parole. Bah, oui. Je viendrai la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Bon, allez, Lito, bonne soirée. Derrière toi, on est là. Oui, derrière moi. Ouais, je suis sous un casque, trouve-moi. Ouais. Derrière moi, il y a Dark Vador. Je suis quelque part sous un casque. Gros allez, bisous, bonne émission. Bonne soirée au Doc, bonne soirée à tout le monde. Salut. Et puis nous, on est parti. Là maintenant, c'est parti jusqu'à 23h pour une spéciale Star Wars. Ciao. Salut à toi, jeune Padawan. Ce soir, Mickaël No Limit est en direct de l'expo Star Wars. Je te vois devenir le plus grand de tous les Jedi. En exclusivité interplanétaire sur Fun Radio. Eh oui, il y a d'autres planètes qui ont voulu avoir l'expo. On leur a dit d'aller se faire voir. Hein. Que ce soit clair et net, c'est on sur Fun Radio rien, que ça se passe. On restait rien. Complètement. Bienvenue tout le monde, Mickaël No Limit spécial Star Wars avec Chewbacca qui est avec nous ce soir. Quelle horreur. Qui est ridicule. Ah, complètement, ouais. Bon, Chewbacca, vous avez deviné, c'était off hein, pour ceux qui ont vu la photo sur Mickaël officiel. Sur je le suis Facebook. Très beau, je me suis plu en me regardant. Non, mais par contre, pour expliquer un petit peu les choses, hein, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter Love in Fun d'habitude à Starcy, bon, d'habitude, on va de 23h à 2h du mat. C'est Mickaël No Limit. Et donc Yatov qui quand on a été en Picardie ce week-end s'était déguisé en lapin pour être pépère avec toutes les meufs en fait. Et là il s'est mis en Chewbacca. Qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les meufs sont venues pour faire une photo avec Chewbacca. Je kiffe. J'adore ce costume, je crois que je vais le garder. Quel pervers. Bon, Polo qui est lui en mode Darth Vader. Hein. Ouais, c'est un peu normal. Hein. Ah bah oui, j'ai envie de dire, effectivement. Et puis Yoda est avec nous. Hein. Là, je suis. C'est ça, non? Ouais, c'est ça. C'est ça, non? Voilà, donc Sandro. Quoi, Yoda? Sandro en mode Yoda. Mais t'as pas ta tête verte, Yoda, là? Comment mais, ça se fait? Je vois pas bien avec. Mets le masque, c'est mieux. Ouais, mets le masque, mal c'est je mieux. Vois. Ouais, voilà, mal je vois. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, et puis vous aussi, si vous voulez parler avec nous, vous êtes les bienvenus. Si vous avez des questions à poser à propos de Star Wars, de l'exposition, évidemment on en parlera de l'exposition Star Wars Identities qui on est là évidemment en exclu. Il y a des auditeurs qui sont passés également et on va leur demander leur avis bien entendu dès qu'ils vont passer toutes les places qu'on vous a filées la semaine dernière et également des places qu'on aura à vous offrir ce soir bien entendu jusqu'à 23h. C'est Kassim qui pousse les boutons, hein. Lui il est là. Kassim, il va bien? Je suis là, ça va très bien. T'as pas l'impression de t'être fait enfler par les autres? Ouais, hein, parce que toute l'équipe de Love in Fun s'est barrée et puis bah Kassim lui il est puni, hein, il est resté au coin. Karima vient de me dire attends je vais aller faire un dîner avec des potes là, elle est ouais, tranquille, elle est ouais, au top, c'est ça. Hein. Alors qu'elle n'a pas de parole, elle devait venir. Bah, je la retiens. Je suis en route. Oui, bah c'est ça. Ouais. Elle est en route pour chez elle. Bon, et donc si vous voulez nous joindre, bah, n'hésitez pas, même numéro que d'habitude, 01 42 48 5000. Vous pouvez aussi envoyer Mickaël par SMS au 64 900. Et puis bien entendu, ça fonctionne aussi. Les Facebook, Twitter, Instagram, tout est ok. Et vous pouvez bien sûr nous rejoindre en tapant Mickaël officiel. On aura évidemment du son d'Insplore, spécial Star Wars, vous l'avez deviné. Et puis on accueille également le premier de ce soir, Jacques-André Dupont, qui est le président et producteur exécutif de X3 Productions et donc qui est le commissaire de l'exposition Star Wars Identities. C'est ça? Salut Mickaël. Eh ben salut à toi, comment ça va? Très bien, très content d'être avec vous à Fun Radio. Très bien, oui, alors canadien alors? Québécois. Québécois, ah, c'est, bah, pas pareil, c'est pas pareil, tu mélanges tout. C'est pas pareil. Oui, mais les Français disent canadien, nous on dit québécois, mais c'est la même chose. Ah oui, bah c'est oui, d'accord. Mais alors le Québec, c'est comme les Corses, est-ce que le Québec est enfin libre? Ouais, on a toujours été libre, c'est dans notre tête que ça se passe. D'accord, ok, très bien. Bon, on va essayer de pas le faire avec l'accent québécois, parce que de toute façon, je pense que nous avons un mauvais accent québécois. Très mauvais, hein. Très bien. Je sais qu'on a déjà essayé. D'ailleurs, on salue tous ceux qui nous écoutent, hein, à Québec, à Montréal. Il y en a pas mal qui réagissent tous les soirs. Et ben voilà, on a quelqu'un de chez vous, justement, Jacques-André Dupont. Donc, qu'est-ce que tu fais concrètement ici Ben, je suis venu pour la première européenne. Évidemment. Très, très content d'être ici à Paris. On a travaillé très fort pour que les cousins aient le premier regard sur l'exposition après le Canada. D'accord, ok. Alors effectivement, j'ai appris que vous aviez envoyé 15 semi-remorques pour transporter tout le matériel qu'il y a dans l'exposition. Évidemment, exposition, on en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. C'est une grosse, grosse production de plusieurs millions d'euros. Et on a travaillé très fort pour vous arriver avec une exposition qui va exciter les fans et tout le grand public parisien. D'accord. Alors, qui a eu l'idée de monter l'expo déjà? Ben, c'est Lucasfilm qui s'est promené et cherchait des bonnes idées. Et il a invité des firmes à travers le monde. D'accord. Et nous, on s'est présenté avec notre idée, notre concept. Et il y avait une dizaine de firmes qui venaient d'Europe, des États-Unis et la seule du Canada, la nôtre. Et puis, à la fin de notre présentation, ils se sont levés, ils ont applaudi, ils ont dit « c'est vous ». D'accord. Alors, comme tu es un grand spécialiste, que penses-tu justement de notre déguisement? Attends, je vais mettre... Oh, moi, je suis Luc, donc... Non, je vois plus rien. Tu fais plus lutin que d'autres choses. Ah, bah d'accord. Ok, bah comme ça, hein, 20h, 21h05, déjà... Allez, bim. On est bien reçu. Alors, Yoda. Yoda, bon, elle est charmante. Mais si tu te présentes dans un restaurant, ils vont avoir peur, peut-être que tu les braques, alors attention. Hein. Alors Dark Vador alias Polo. Darth Vader, ben j'aime la barbe. Je trouve qu'il y a un côté très Darth Vader à la barbe. Ah, j'aime beaucoup. Hein. C'est pas mal. Et vous avez remarqué que la barbe est assortie. Ouais, au... En fait, c'est gris et gris et noir. J'aurais pu être Obi-Wan. Ouais, voilà. Oui, ouais, mais on sent le côté obscur quand même. Ouais. Et alors le dernier, en fait, hein, évidemment, Chewbacca, alias Toff. Magnifique tapis. Ah, oh, magnifique tapis. Oui, ouais, mais c'était devant un feu de bois et tout. Ouais, le vent chiné, je dois être magnifique. Bon, alors... Mais très allergène, par contre. Ah ben complètement. Bah, surtout lui, même en temps normal. Bon, alors Jacques-André, justement, quel est ton épisode préféré de Star Wars? Ben, le premier film quand j'avais 13 ans et que j'ai découvert Princesse Leia. Ah oui. Qui m'a ouvert les yeux. Juste les yeux, oui. Et tout le reste. La guerre des étoiles, quoi. Non, voilà. Mais sérieusement, j'avais 13 ans, on était dans une petite ville du Québec. C'était le premier film que je voyais et je suis tombé à terre. Et même tomber amoureux de Princesse Léa. Oh, un peu aussi. Évidemment, c'est après, normal. Après, ça a été Ginny, mais ça, c'est une autre histoire. Oui, c'est un autre détail, effectivement. D'ailleurs, dites-nous, tiens, vous, quel est votre épisode préféré de Star Wars? Je vais mettre le post sur le Facebook, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Alors, cette expo qui a fait donc le tour du monde, comment ça se fait qu'elle arrive seulement maintenant en France Mais elle arrive quand même en Europe, en premier en France, donc on va c'est pas vrai. Chialer quand même. Non, on chiale pas. Ce que j'aime bien avec les Québécois, c'est ceux qui vont, ils y vont. Ouais, direct. Mais ils ont raison. Ils posent pas de questions. Mais non, mais moi je croyais que c'était le pays où on pouvait s'engueuler un peu. Ah bah oui, on a le spécial mondial de l'engueulade. Mais attends, t'es arrivé pile poil au moment des taxis. Mais tu vas arrêter de nous prendre la tête, enculé. Non mais alors, est-ce que c'est fini ces conneries maintenant là? Pays de l'engueulade. Voilà. On arrive maintenant parce que on l'a créé à Montréal. Et ça tenait de sens de faire deux, trois villes au Canada. Et puis après ça, tout de suite, on n'est même pas allé aux États-Unis. On est venu voir avant, donc quand même. Non, mais c'est bien. Et on apprécie le geste. Voilà. On apprécie le geste. Et il y a une tournée après en Europe ou... Oui, on fait plusieurs villes en Europe. Et puis après ça, on s'en va vers l'Asie. D'accord. La région du Pacifique, l'Australie. Et ces enculés d'Américains, ils l'auront dernier. Et voilà. C'est bien fait pour eux. Et voilà. Bon, et alors, l'expo, justement, on en parlait. Pour les fans de Star Wars qui sont derrière leur radio, là, ou connectés sur Internet, est-ce qu'il y a vraiment des choses qu'ils peuvent voir en exclu et qu'ils pourront jamais voir ailleurs? Ben, il y a beaucoup. Il y a 200 objets qui viennent de la collection personnelle de George Lucas. Ouais. Dont plusieurs ne sont jamais sortis. D'accord. Donc, c'est vraiment une primeur. Lesquels? Il y a beaucoup des dessins qu'on voit qui ont servi à la création des personnages. Donc il y a beaucoup d'œuvres assez intéressantes dans l'exposition. Il y a les maquettes aussi, elles sont sublimes. Les maquettes sont extraordinaires. Ouais. Et tout ce que les maquettes sont énormes. Ouais. Ah, ouais. Tout ce que vous voyez dans l'expo sont des vrais objets qui ont servi au tournage des films ou à la création des films. Donc il n'y a pas de copie, il n'y a pas de reproduction, c'est des vrais objets qui proviennent de la collection de George personnel. Il y a même le Dark Vador qui est vrai. Hein. Donc, il attend là, Vador, et il est là. Le vrai Yoda, le vrai Chewbacca, les Jedi et tout. Le vrai Luke, c'est moi. On le savait. Bah, on a bien remarqué directement. Pour ceux qui ont découvert Star Wars, parce que c'est passé sur M6 la semaine dernière et ainsi de suite, pourquoi il ne faut pas manquer cette expo? Ben, c'est une expo qui est d'abord, je pense qu'on a du fun à venir la voir. Ouais. Je pense que vous allez apprendre des choses et je pense que vous allez découvrir tout le processus créatif de George Lucas. Je pense que c'est très intéressant de voir le travail qui est fait derrière la création de ces films. Et même si on n'est pas forcément, même si on n'a pas spécialement vu les Star Wars, ça vaut la peine de au moins découvrir et éventuellement après peut-être voir les films si jamais on l'a pas vu. C'est pas forcément, faut pas forcément faire les films dans l'ordre et puis après l'exposition. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc on peut venir sans problème. Alors dans l'expo justement, il y a un parcours pour créer son personnage Star Wars. On peut le partager sur Facebook. Oui, quand vous arrivez, on vous donne un bracelet RFID qui est une technologie qui emmagasine l'information. Ouais. Et donc, durant l'exposition, on vous pose des questions, on vous demande de faire des choix et vous créez votre propre personnage ou héros Star Wars. Il y a 50 millions de possibilités de personnages différents. Donc, vraiment, vous pouvez trouver votre propre identité Star Wars. Et à la fin de l'exposition, on vous le montre en format géant sur écran géant. Mais vous pouvez nous laisser votre mail et on vous envoie votre pedigree, votre photo. Ah, c'est cool. On a fait les nôtres tout à l'heure. Ouais, mais on sait pas encore. On n'a pas été jusqu'au bout exprès. On le découvrira en direct. Donc on a fait tout le tour. On attend juste d'y aller tout à l'heure pour voir en vrai et en direct quel sera notre personnage Star Wars et à chaque année. Il faut que tu commences tout de suite à réfléchir de quel côté de la force tu vas aller. Hein. Ouais, ouais, par c'est contre, vrai. On sait très bien que tu as fait du côté obscur. Complètement. Très obscur même. En tout cas, on est là. Vous êtes là pendant combien de temps l'exposition Star Wars jusqu'en juin. Jusqu'en juin. En juin, donc ça, vous avez un petit peu de temps quand même. Moi, j'ai une question là pour les suites. Comment ça se passe, les suites des... Vous êtes un peu au courant, vous avez vu George? Les suites de quoi? Les suites de Star Wars, les nouveaux Star Wars. Ouais, mais faudrait que je vous tue après alors, non. Ah merde, bah, en même temps c'est Dark Vador. Vous pouvez me tuer, moi c'est pas grave. Ouais. Pour un scoop, on est prêt à tout. Complètement. Bah, merci beaucoup en tout cas Jacques-André Dupont d'être passé avec grand plaisir. Merci pour l'exposition et puis bah j'espère que vous serez nombreux à venir la voir, ça vaut le coup. On est arrivé tout à l'heure. Absolument. Et on a fait un petit tour plutôt sympa. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne chance pour l'exposition et puis bah restez bien là. C'est Fun Radio, Mickaël No Limit spécial Star Wars. On est là jusqu'à 23h sur Fun Radio. Et puis Cassim va me confirmer puisqu'on a eu quelques petits problèmes d'internet. C'est bien Folwad qui va débarquer Cassim. Oui, absolument. Pas. Je sais pas. D'accord. Je sais même pas de quoi tu me parles en fait. Bah, on est en mode tranquille alors. Bah, mets un disque, mets de la musique, on s'en fout. Dimitri Vegas pour le titre Stampede. Et ben si tu veux, c'est parfait aussi. Dimitri Vegas et Stampede. On va prendre Camille aussi qui sera avec nous. Pascal et puis vous, si vous voulez nous appeler, vous êtes les bienvenus. 01 42 48 5000. Et puis vous pouvez aussi venir sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKAELOfficiel. Mickaël No Limit, on est en direct de la Star Wars Identities jusqu'à 23h. Son sabre laser, son vaisseau spatial, en route pour l'aventure sur Fun Radio. Et oui, on est en route pour l'aventure, on est en direct de l'exposition Star Wars Identities qui démarre là à Paris, évidemment, spécial Star Wars bien sûr. Ce sera l'exposition va durer jusqu'au mois de juin. On devra avoir Patrice Giraud dans quelques minutes qui est spécialiste lui de Star Wars. Donc si vous avez des questions à poser, eh ben c'est le moment ou jamais. Il suffit simplement de nous appeler 01 42 48 5000. Vous composez le numéro de téléphone, vous passerez en direct avec nous. On est là jusqu'à 23h, on a mis la photo d'ailleurs, hein. Vous pouvez aller voir la photo de toute l'équipe, évidemment avec Dark Vador, avec Chewbacca, avec Yoda également en mode Sandro, et puis avec moi en mode... alors j'ai essayé d'être en mode Luke Skywalker, mais bon apparemment on m'a traité de lutin, donc on m'a dit que je ressemblais plus à un lutin qu'à autre chose. Mais non, ça va très bien. Mais oui, bah je sais tu pas. Tu dois te balader tous les jours comme ça. Ouais, mais écoute, je vais y réfléchir. Ouais. La force serait avec toi. Ah bah j'espère bien, ouais. Bon, il y a Camille aussi qui est avec nous là, de Quimper. Salut Camille. Salut Gaël, ça va? Ça va et toi? Salut. Bah ouais, ça va. Bon, en mode spécial ce soir, hein, puisqu'on est en direct donc de la Star Wars Identities. Est-ce que t'as déjà vu les Star Wars toi? Non. Non, tu peux. Oui, c'est ça. Tu peux dire non. Hein, y a pas de souci. Comment tu peux faire? Mais c'est ça en fait. Alors évidemment, ça dure longtemps. Il y a beaucoup d'épisodes, mais je te conseille quand même de te mettre dedans, Camille. Même si effectivement, moi non plus, j'aime pas trop la science-fiction. Et puis j'ai regardé le premier. En fait, tu te prends directement dedans. En fait, c'est la vraie vie. T'es c'est direct pas la dedans. Puis t'enchaînes deuxième, troisième, quatrième, et puis ainsi de suite. Donc à voir, Camille. Et éventuellement, si tu passes à Paris avant le mois de juin, bah il y a l'exposition qui est là. On a d'ailleurs des places à vous offrir. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez appeler maintenant le standard 01 42 48 5000. On aura des places à vous offrir, vous allez pouvoir venir quand vous voulez jusqu'au mois de juin. Donc si vous voulez venir pendant les vacances, tout ça, il n'y a aucun souci. Donc 01 42 48 5000. Bon, Camille, puisqu'on est quand même en direct de chez Star Wars, on n'est pas obligé de parler que de Star Wars, bien entendu. Qu'est-ce qui t'arrive, Camille, toi? Bah, ma meilleure amie, elle est en kiff sur un garçon du même lycée qu'elle, seulement bah, elle n'ose pas lui parler, puis bah, elle est malheureuse et... Ça m'embête un petit peu. Ah, si tu veux, on peut t'envoyer Chewbacca qui peut venir pour l'aider. Hein. Eh bien sûr. Voilà. Parce que je suis très câlin. Ah oui, bah comme je l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, je sais pas si t'es là, mais Toff c'est donc déguisé en Chewbacca. uniquement dans le but que des filles viennent pour dire ah oh, on va faire une photo avec Chewbacca. Mais, et non mais elle se colle, c'est ça qui est bon. Ah oui bah c'est oui, ça, oui. C'est ça qui est bon. Elle est d'habitude. Paroisse, donc pourquoi pas. Hein. Ah bah voilà c'est ça ouais. Tu vois d'habitude elle voit ma tête, elle se colle pas. Là il y a un masque donc forcément. Ouais. Ouais. Là on voit pas, on voit pas avec le masque, ça, ouais, on voit ça, pas. C'est ça, ça m'aide. Il y a moins de charme. Ah bah je confirme, je confirme. Bon et du coup ben t'as qu'à simplement lui expliquer qu'elle arrête de t'en parler constamment en fait tout simplement. Elle a qu'à faire sa life, pourquoi elle t'en parle tout le temps. C'est pas ça, c'est que elle n'ose pas lui parler. Elle a envie de lui parler, mais elle ne sait pas comment faire pour lui parler. Avec des mots. Elle ouvre la bouche. Oui, c'est ça, elle arrive. Ou alors elle peut essayer avec le sabre laser, mais je suis pas sûr que ça marche aussi bien. Voilà, ouais. On a le sabre laser. On coupe un bras et puis on en parle. Ouais. Ça aussi, ouais. Bah, enfin, dites-nous les autres, hein, si vous avez des conseils à filer, là, pourquoi pas, on est là. Hein. Des trucs, ouais, voilà, des trucs d'approche, quoi, pour essayer de lui parler. Bah oui, mais c'est quoi. Donc ils sont ensemble au bahut, c'est ça. Ouais, dans la même section. Dans la même section. Donc ils se voient tous les jours. Ouais. Bah voilà, elle a qu'à y aller, elle a peur de quoi? Elle a peur de se prendre un vent. Ça me rappelle l'histoire d'un mec, ça. De quoi? Bah qui en fait tous les jours il voyait la même meuf qu'il avait envie. Non mais ça n'a rien à voir, moi c'était totalement différent. C'était totalement différent. Qu'est-ce qui se passe, Tof? T'es un peu énervé là, vas-y. Non, je suis pas énervé, je disais juste ça me rappelait l'histoire d'un mec. Et de qui tu parles? Quelqu'un que je connais d'assez proche, qui fait de la radio le soir sur Fun Radio, enfin bon. Et donc tous les jours il voyait cette meuf et tout le monde. Non mais non, elle a pas envie de moi, mais non. Et donc il faut savoir quand même qu'ils allaient à l'école ensemble, ils revenaient de l'école ensemble, enfin ils passaient. Mais justement, c'était parce qu'on passait trop de temps ensemble, alors du coup, il fallait pas passer du côté ami, tu vois. Oui, oui, voilà. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai un conseil, tu n'as qu'à lui dire qu'elle utilise la force. Voilà, oui, elle peut utiliser la force. Non, mais sérieusement. Et donc, cet ami a mis 6 mois quand même à serrer. Ouais, ça fait combien de temps, toi, Camille? Là, ça fait depuis novembre. Ah bah 6 mois. Ah bah voilà, ça va se faire. Allez, 4 on va dire. Mais Camille, non, écoute, idéalement, ce serait bien de la voir elle au téléphone. Pourquoi est-ce qu'elle n'y va pas? Elle a peur de quoi en fait? De se prendre une tôle, c'est ça? Bah ouais. Bah c'est vrai que si on pourrait l'appeler. Oui, bah ça on peut faire. Tu veux pas? Elle veut pas qu'on appelle le mec direct. On l'appelle elle et on appelle le mec direct. C'est pas con ça. Comment il s'appelle le mec? Lucas. Il s'appelle George. Très bien, parfait. George Lucas, parfait. Bon, mais vaut mieux pas l'appeler lui. Hein. La copine veut bien, mais on va déjà essayer avec elle et puis après on verra bien. Reste avec nous, Camille. Je te repasse. Ouais, okay. Je te repasse au standard. La bouge pas de là. Il y a aussi Pascal avec nous de Perpignan. Comment ça va, Pascal? Ça va. Bonjour, Mika. Mais ça va bien. Salut. Ah ça va, il n'y a pas de souci, tout va bien. Bon parfait, est-ce que tu connais Star Wars? Enfin on connaît trop oui, mais est-ce que tu es fan de Star Wars? Est-ce que tu as vu les épisodes déjà ou pas? Je les ai tous vus, je pense que le mieux c'est le 1. Ah toi c'est le 1 le mieux? Ah ouais. Je pense. D'accord, alors il faut savoir que la particularité de Star Wars évidemment c'est que c'est pas dans l'ordre. Oui. C'est-à-dire que le 3 est sorti en premier, puis le 4, puis le 5, puis 1, 2, 3. C'est ça. Mais je pense que le 1 c'est un des meilleurs. Le 1 c'est un des meilleurs, d'accord, ok. Ouais. Bon c'est ton choix en tout cas, la question dans quelques minutes sur le Facebook pour voir un petit peu ce que vous en pensez vous. Quel est pour vous justement votre épisode préféré? Alors Pascal, c'est quoi toi, dis-moi ton Moi c'est une petite anecdote, comme on dit quand on est gosse on est con, je vais te le prouver. Ah, c'est-à-dire? C'est-à-dire on était trois, donc deux gamins et deux mecs et une nana. Oui. De 12-15 ans, quoi. D'accord. Et la fille nous a mis, elle s'appelle Sandrine, elle se reconnaîtra de toute façon. Ouais. Elle nous a mis au défi, à moi et à mon collègue, de monter sur un poteau électrique en béton. Tu sais, ces poteaux qu'ils avaient à l'ancienne avec des escaliers, là. Ouais. Ah oui. De monter tout en haut et de redescendre le premier pour avoir un bisou. N'importe quoi. Et tu l'as fait, bien évidemment. Pour te dire que c'est grave, qu'on est vraiment con, enfin moi en l'occurrence. Ouais. Je suis monté le premier en haut du poteau et arrivé en haut, je me suis lassé. C'est bon ça. À l'arrivée, 48 fractures, 3 mois d'hôpital et pas de bisous. Hey, en parlant de ça, j'ai mis une vidéo tout à l'heure sur le Facebook de l'émission pour aller voir. C'est au Japon. Non, au Japon, au Shanghai. Oh, je sais plus. La tour la plus haute, 650 mètres, elle fait. Et les mecs vont jusqu'en haut, en fait, pour juste se prendre en photo, ils sont contents. C'est des psychos. 650 mètres, mais il faut savoir que la tour est en construction, donc à un moment, t'as une grue qui va vraiment. Dans le vide en fait, ils sont à 650 mètres et il n'y a rien en dessous, c'est de la folie. Donc allez voir si vous voulez, mais ça peut donner ça donne le vertige. Ah, moi je suis malade rien qu'à voir la vidéo. Une angoisse totale, une angoisse. Bon bah très bien, et alors Pascal t'as réussi quand même à avoir le bisou quand même. Ah même pas du tout, même pas venu nous voir à l'hôpital la gare. Oh la honte, on aurait pu faire un effort, c'est mal, c'est mal. Plâtré des pieds jusqu'à la tête pendant 3 mois. Ah ouais, bah c'est quand on fait le malin. Et bah c'est quand on fait le malin, ça très bien. Bon bah merci Pascal d'être passé, tu reviens quand tu veux. Allez, ça roule. Bisous. Salut. Et bonne soirée. Merci Pascal. À bientôt. Ciao. On va récupérer Camille. On a le numéro de téléphone dans quelques minutes. Gaël qui est avec nous également là. Bonsoir Gaël. Bonsoir Gaël. T'appelles de Blois toi. Ça va bien? Ça va et toi? Oui. Tu veux des places pour l'exposition Star Wars Identities? Oui. T'es fan de Star Wars ou c'est ton copain ou ton frère ou? C'est mon petit garçon. Le petit garçon qui est fan de Star Wars. Et oui. C'est valable aussi pour les plus jeunes. On en a vu plein des petits qui passaient à gauche à droite tout à l'heure. Donc c'est possible. Il y a pas de problème. On a également notre ami Fonf de chez Bruno qui est passé nous voir là. Ah pour ça il est là. Hein. Il est là. Il est collé au bar. Ah il est collé au Star Bar hein, d'ailleurs. Hein, c'est le cas de le dire. Non mais pour picoler et bouffer il y a du monde. Pour picoler et bouffer il y a du monde. Hein. Comment ça va Fonf? Ça va très bien. En forme. Ouais. Bon alors pas fatigué du matin. Si. Ah d'accord, ok, mais bon pour ouais, voilà, enfin il est arrivé tard ce matin. Ouais c'est ça ouais. Je suis arrivé à 4h30. Ouais voir un peu plus parce que je suis parti à 4h30, t'étais pas là. Non, 4h35. Arrête, il va se faire engueuler par Bruno, il arrive en retard. Non, 4h30, oui. Il est arrivé. Bon donc Fonf qui est fan de Star Wars aussi. Alors quel est ton épisode préféré toi? Mon préféré c'est le 5. Le 5 pourquoi? Ouais. Je sais pas, c'est mon préféré, c'est comme ça. L'attaque des clones? Non. Non, c'est l'Empire contre-attaque. D'accord. Ah oui, dans les vieux. Dans l'attaque des clones, il est pas. C'est pas mon préféré. Non. 1, 2, ils sont pas top. Le 3 est canon, mais vraiment, c'est le 5 mon préféré. D'accord, ok. Parce que je sais pas, il y a un truc. Il y a quelque chose. Ouais, il y a quelque chose. C'est là qui révèle que c'est son père. Ouais, voilà, je suis ton père. Non, mais il y a une ambiance, il y a la neige au début, voilà, je suis fan de ski. Ça va être ça. Oh le truc qui n'a rien à voir. Il y a la neige au début, je suis fan de ski. Mais ouais, non, ils sont sur haute. Sur la palette de glace. N'importe quoi. C'est capturé par le Yeti. Bah oui c'est exactement. Ça. Bon et attends, il y a aussi Nathanaël qui est avec nous là maintenant là. Bonsoir Nathanaël. Bonsoir. Comment ça va? Reste avec nous Gaël, hein, bouge pas. Hein. Bon oui, alors oui. Nathanaël, sois la bienvenue. T'appelles d'où toi, dis-moi? Non, moi je suis un garçon. Hein. T'es un garçon parce que je vois marqué Nathanaël avec deux LE à la fin, donc c'est pour ça. Mais c'est pas grave Nathanaël. Bon évidemment après la voix prête à confusion. Hein. Oui c'est vrai. Non, c'est vrai. Bon qu'est-ce qui se passe Nathanaël? Tu voulais parler de Star Wars? Ouais. On t'écoute, qu'est-ce qui se passe? Bah alors, je voulais vous poser une question, c'est que devient ce Catano après Clone Wars? Ouh, alors là, peut-être que Polo peut y répondre, moi je sais pas c'est qu'elle est là-dedans. Elle veut qui? Elle veut quoi? C'est quoi la question? Que devient ce Catano après Clone Wars? Je ne comprends rien, est-ce que tu peux sortir le téléphone de ta bouche? Mais qui est qui s'attaque à Annie? De quoi? Attends Nathan, ce qu'on va faire c'est qu'on va te reprendre en antenne pour écrire la question parce que je comprends pas en fait, comme tu as le téléphone à mon avis collé à ta bouche, en fait on entend pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou. C'est très compliqué, donc bouge pas Nathanaël. Gaël, toi par contre on va te filer des places pour que tu puisses venir avec le petit hein, Gaël, sans problème. Mais avec plaisir Nathanaël. Gaël, pardon, je suis perdu moi avec tous les L là partout là. Donc Gaël, pas de problème, deux places, tu vas pouvoir venir quand tu veux avant le mois de juin évidemment. Merci. Avec plaisir à la Star Wars Identities qui a lieu donc à Paris, Paris Saint-Denis. Donc si vous voulez venir, vous êtes bien sûr les bienvenus. Gros bisous Gaël. Bisous. Je t'embrasse, à bientôt Gaël. Et puis si vous voulez vos places aussi, vous nous appelez hein, 01 42 48 5000. On aura Patrice Giraud dans quelques minutes, spécialiste de Star Wars et qui pourra probablement répondre à la question de Nathanaël. Si vous avez des questions, eh ben c'est le moment ou jamais, hein, vous n'hésitez pas, 01 42 48 5000. Et puis toujours au cœur d'une heure sans pub, cette spéciale ce soir de Mickaël No Limites, spéciale Star Wars sur Fan Radio jusqu'à 23h. Et puis à 23h évidemment, on reviendra jusqu'à la radio et on fera l'émission normale de Mickaël No Limites de 23h à 2h du mat. Et si on écoutait le son de Cache-Cache maintenant, c'est Take Me Home sur Fan Radio. Allez, 21h24, la bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël No Limites en direct de la Star Wars Identities. Ce soir, Mickaël Skywalker, Ewok Polo, Lupa. Sandro Chewbacca et la princesse Toph passent en mode Star Wars sur Fan Radio. Exactement. Que la force soit avec toi. Oui, bah exactement, tout à fait. Que la force soit avec nous. On est là jusqu'à 23h sur Fan Radio. Bienvenue tout le monde. On est en direct de la Star Wars Identity spéciale. Donc Star Wars ce soir, la place de Levin Fun, hein, qui a été là. Une grosse journée ils ont eu là. Oh là là, 20h21h, pardon. Ils étaient. C'est dur. Voilà, mais Levin Fun revient bien sûr dès lundi à partir de 20h sur Fan Radio. Donc nous on parle spécialement Star Wars, hein, avec des auditeurs qui sont passés. Comment ça va les gars? Ça va bien toi? En forme? Nickel. Alors vous avez pensé quoi de l'expo là, Star Wars Identity? Est-ce que vous avez déjà fait le tour ou pas encore? Oui, on a déjà fait le tour. Ah très bien, vous arrivez à quelle heure? On est arrivé, il était 20h. 20h, d'accord, ça va, vous avez kiffé? Franchement, c'est super sympa, ouais. Bon, vous êtes qui là? C'est quoi votre personnage? Alors nous on l'a fait, mais on n'a pas encore été validé le personnage, donc on sait pas encore qui on est justement. Parce que je rappelle qu'en faisant le tour de l'expo, à la fin on a un petit badge, et donc en faisant toutes les, je veux dire, pas dire les épreuves, mais en tout cas toutes les questions, il y a les bornes, etc. On arrive à savoir quel personnage de Star Wars on est réellement. Et donc vous êtes qui vous? Moi je suis côté obscur. Étant fan de Toff, j'ai pris le côté obscur. Oh, quelle horreur. Fan de Toff. Et toi t'es quoi? Moi je suis côté obscur, j'ai hésité sur la fin mais ah ouais. Mais la petite danse du côté obscur m'a bah tiré, ouais, je comprends. Bah, vous verrez évidemment de quoi on parle si vous venez à l'expo qui a donc lieu actuellement, hein. C'est à Paris, c'est jusqu'au mois de juin, on a encore des places à vous offrir au 01 42 48 5000 si vous voulez nous appeler, n'hésitez pas, vous pouvez aussi envoyer Mickaël par SMS au 64 900 et je vous ai posé la question également sur le Facebook et sur le Twitter de l'émission, quel est votre épisode de Star Wars préféré? Alors, le vôtre, c'est quoi? L'épisode 3. L'épisode 3, pourquoi? Il y a une raison particulière? Là où Anakin devient Dark Vador, c'est juste pour moi magique. Quoi. C'est... D'accord. Moi, c'est pareil, c'est l'épisode 3. L'épisode 3 aussi. Sandro, quel épisode préféré de Star Wars? Le dernier? Ouais. L'attaque des clowns. Ah ouais, on sent qu'elle est au taquet là. L'attaque des clowns, c'est ça? L'attaque... Ouais, ouais, c'est celui que tu préfères. La dernière attaque, La dernière attaque, ouais, c'est le nouvel épisode, c'est la dernière attaque. Oui. La meilleure, c'est la meilleure attaque. N'importe quoi. L'Empire Nutella, elle aime bien aussi. Oui, l'Empire Nutella, ouais. Bon, reste avec nous tous les deux. Patrice Giraud qui est avec nous également. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Ben, merci d'être là Patrice. Donc spécialiste France de Star Wars. Eh oui. Ah là là. Dur titre à porter. Alors j'ai une question, pourquoi très dur France titre. C'est des championnats du monde de... Non, pas encore, mais il faudrait instaurer ça. Ouais. Ah, c'est une bonne idée. C'est une spécificité de la France? Non, c'est que moi j'ai eu un parcours un peu atypique dans le monde en fait. Je suis un peu un alien dans déjà l'univers Star Wars. Ah bon, qui fait que, pourquoi? Parce que je suis un espèce de mix entre un fan et un industriel. Donc c'est ce qui m'a permis de monter le magazine de Star Wars. J'étais le premier à l'international à l'époque. Hein. D'accord. Et puis bah, depuis, j'ai jamais décroché cet univers. Très bien, voilà. Donc Star Wars à fond. Alors ça tombe bien parce que donc avant de faire connaissance avec toi, il y a une auditrice qui est avec un auditeur, excuse-moi, Nathanaël qui est là et qui lui a une question. Bon alors évidemment on connaît Star Wars mais on n'est pas non plus autant calé que toi. Certainement pas d'ailleurs. Alors Nathanaël, ça tombe très bien que t'appelles maintenant, puisque Patrice est là, spécialiste France de Star Wars. Donc Nathanaël, si lui ne peut pas répondre, je pense que personne pourra le faire. Ouais, peut-être Georges. Oui, peut-être Georges, éventuellement. Bon, Nathanaël, vas-y. Patrice est là, il écoute ta question. Ok, alors, que devient Ahsoka Tano après Clone Wars? Sacrée bon, question. Oui. Bah, il va falloir attendre de voir la saison 6 de Clone Wars, qui va bientôt, on ne sait pas encore quand elle va diffuser, mais... prochainement, ils viennent juste de la terminer chez Lucasfilm, voilà. Ah bah voilà, bon bah tu n'auras pas ta réponse maintenant Nathanaël. C'est encore secret tout ça. Ah désolé Nathanaël. Je suis sûr qu'il sait et c'est ça qui est honteux. Ouais. Non, me torturez pas. Vu le sourire en coin qu'il a eu, il est au courant déjà, il a la réponse. Bon, ce qu'on peut dire c'est que quelque part donc ça se passe avant en certains films et elle disparaît donc que lui arrive-t-il? On ne sait pas. Enfin, nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Nous, bah, si, mais toi, quelqu'un autour de cette table sait. Oui, quelqu'un autour. Je ne sais pas qui. Mais juste pour les non-spécialistes, c'est qui cette personne? Parce que moi qui m'y connais un peu en Star Wars, je ne connais pas. C'est une apprentie Jedi, mais dans la série The Clone Wars, et qui travaille de pair avec Anakin Skywalker, mais avant qu'il devienne Dark Vador. D'accord, ok, très bien. Ben voilà, Nathanaël, hein, j'espère qu'on a pu répondre à ta question. Il y a d'ailleurs dans l'expo quelques dessins de pré-production de ce personnage. Très bien. Voilà. Et ben voilà, Nathanaël, passe une bonne soirée à l'écoute de Fun. À bientôt, Nat. Merci, bonne soirée, au revoir. Ciao, il y aura Tony aussi dans quelques minutes. Et donc Patrice Giraud, donc, qui est le spécialiste France de Star Wars et qui est avec nous, qui est donc tellement fan, il nous en a parlé qu'il a fait le magazine Star Wars. Ouais. Voilà, et qui, pour pouvoir rencontrer George Lucas, et c'est pour ça que tu l'as fait, ou pas? Un peu, peut-être, quelque part. Et j'ai réussi mon coup. Et effectivement, puisque Patrice est un ami de George Lucas. Évidemment, sûr, évidemment. En sur son yacht en vacances. Il est comment, George, alors? Écoutez, c'est quelqu'un de... low profile, c'est-à-dire que il a beau être George Lucas, moi ce que j'admire c'est que moi en tant que fan j'allais sur les tournages, à chaque fois alors qu'il a énormément de boulot il a pris le temps de nous rencontrer, de répondre à nos questions et de déjeuner avec nous. Ah. Et pour ça je le remercie parce que c'était quelque part un respect de sa part envers la communauté des fans. Ouais. Et il l'a fait. Je ne suis pas sûr que certains réalisateurs en France prendraient le temps de faire ça. C'est sûr. Je ne donnerai pas de nom. Non, non, mais ça c'est certain. Voilà, non, mais on est d'accord. Voilà. Comme ça, allez, on balance. Non, puis une fois de plus, il a une armada, il aurait pu dire à son producteur, occupe-toi d'eux, à son attaché de presse. Non, non, il l'a fait lui-même. C'est bien. Et apparemment, t'as pu jouer aussi, une petite apparition. Hein. Oui, c'était un petit clin d'œil de Lucasfilm, sympathique à tous les gens qui faisaient les magazines de par le monde, de dire, allez. Bonne nouvelle, déjà vous venez sur Star Wars et en plus faxez-nous rapidement vos dimensions, on vous fait un costume, vous allez être figurant dans le film. Ça ouais. C'est bon ça. Ça c'est un bon souvenir. On te voit dans quel? On me voit pas parce que. Il est en Starship Trooper donc du coup. Mais ce qui était marrant c'est que à l'époque on savait pas, c'était comme aujourd'hui avec le prochain épisode, on ne savait pas, on était dans l'attente. on rêvait de Dark Vador, les nouveaux Stormtroopers. Et là, on arrive sur le tournage, ville de Renaissance italienne. Moi, mon costume, on montre, j'ai l'air de Jean Marais dans Le Capitan. Qu'est-ce que c'est que ce film? Ah oui, vu comme ça, oui, effectivement. Voilà. Mais c'était marrant, c'était un choc culturel. Bon, et toi qui connais bien l'univers de Star Wars, justement, c'est quoi le plus de l'expo? Ah bah le plus, moi je. Bon, au-delà des objets qui sont fantastiques, l'interactivité qui est une nouveauté, le travail de scénographie est phénoménal. Quoi. Ouais. C'est-à-dire que c'est bien beau de montrer un objet dans une exposition, mais quand vous le montrez bien, c'est-à-dire que là, quel que soit l'objet des archives de Lucas, c'est montré comme un bijou dans un écrin, quoi. Donc tout de suite, ça prend une autre ampleur et c'est magnifique à regarder. Non, c'est super beau. Pour le coup, effectivement, même on en a parlé tout à l'heure, les maquettes, etc. Mmh. Tout est assez impressionnant. Il y a un truc qui est impressionnant aussi. Il y a le vaisseau de Anakin quand il est petit, quand il fait les courses. C'est une vraie maquette. Enfin, c'est tout ce qui est dans l'expo est vrai. C'est donc le podresseur original d'Anakin Skywalker pour l'épisode 1. Faut voir. À l'époque, ils avaient fabriqué le numérique n'était pas encore complètement au point. Ils avaient fabriqué beaucoup des pods pour la course. Ça a été construit à Londres et il a fallu d'avoir affrété l'avion, le cargo plus gros russe, là je sais plus le nom, pour tout emmener en Tunisie. Quoi. Donc, voilà. C'est vrai que la spécificité de Star Wars, c'est qu'il y a beaucoup, c'est que des maquettes les trois premiers, non? Il y a très peu d'effets spéciaux. Les ordinateurs n'étaient pas du tout au point. Là. Donc, par contre, ils ont inventé pour Star Wars la caméra pilotée par ordinateur qui a permis de faire les premiers plans, comme ça, où enfin on pouvait faire un mouvement avec du trucage, ce qui était impossible avant. Et effectivement, d'ailleurs, on voit l'évolution au fur et à mesure, puisqu'il y a quand même pas mal d'années entre les premiers et les derniers en date. Alors, par contre, vous trompez pas, hein, si jamais vous avez jamais été voir Star Wars, commencez pas par le premier, parce qu'arriver au troisième, ça va vous faire un choc. Hein. En termes de alors technique. le premier de l'épisode 1 en fait, qui n'est pas l'épisode 1 puisque ça a commencé au 3ème. Parce que moi le premier que j'ai vu au cinéma c'est l'épisode 4 hein, c'est oui voilà c'est ça. Ah oui, vous n'avez pas perdre vos auditeurs, mais attendez, mais non, c'est vrai c'est l'épisode 4 alors c'est vrai, mais donc voilà, donc effectivement vous trompez pas, vous juste trompez pour pas. Rappeler le numéro 1 de l'épisode, c'est le retour du Jedi, c'est ça? Si vous êtes bourré, oui. Dans la suite, comme on a commencé par celui-là. Le tout premier a été l'épisode 4, la guerre des étoiles. C'est la guerre des étoiles. C'est ça, exactement. Donc si on veut s'y mettre, on regarde l'épisode 4. Voilà, 4-5. Ouais. Ah, il y a deux écoles. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui restent nostalgiques. Les puristes. 4-5-6, puis 1-2-3. Moi, je pense qu'un enfant aujourd'hui a tout intérêt à regarder quand même dans l'ordre. Ah ouais ? C'est plus facile pour comprendre l'histoire. C'est vrai que c'est plus facile pour comprendre l'histoire, mais c'est pas comme ça que ça a été fait. Voilà. C'est pas comme ça que ça a été prévu à la base. Il y a deux écoles, effectivement. Bon, il y a François aussi qui a une petite question Star Wars. Il y a Tony également, je l'avais promis, de Bordeaux. Patrice, t'as un petit peu de temps, je lui dis ça. Bien sûr. Bon, bah parfait. Bah, Patrice va rester un petit peu avec nous alors. On va également écouter du son. Si jamais vous avez envie d'écouter quelque chose, n'hésitez pas. Vous balancez vos messages. Hashtag Mickaël, comme d'habitude. On est toujours en direct donc de la Star Wars Identities. C'est l'exposition qui a lieu jusqu'au mois de juin. Vous pouvez venir. On a des places aussi à vous offrir. Comme Sophie qui est avec nous de Lille. Là. Bonsoir Sophie. Ah. Oui, bonsoir. Comment vas-tu? Ça va. Tu veux des places pour venir à la Star Wars Identities? Ben écoute, oui, j'ai deux loulous qui ont 10 et 8 ans qui sont fans. Ah ouais, grave, c'est bien ça. Très bien, et on va te filer tes deux places alors sans problème. C'est super cool, merci. Avec plaisir. Bah écoute, tu vas pouvoir venir quand tu veux jusqu'au mois de juin, d'accord? Ok. Salut okay. Sophie, gros bisous. Merci, bonne soirée. Merci. Allez, je t'embrasse. Ciao, à bientôt. Bye bye. Lille, c'est un peu une planète de Star Wars quand même, non? Non, c'est un boutade. Par contre, je sais pas si t'as remarqué, mais il y a le vrai Dark Vador qui est là. Il a quand même vachement plus de gueule. Je l'emmerde. Je vais le fumer. Viens ici, espèce de chien. Je t'éclate. Viens ici. Allez, restez là. On va revenir en direct sur Fun Radio, spécial donc Star Wars, comme je le disais, jusqu'à 23h. À 23h, évidemment, on reprendra l'émission normale, bien sûr, entre 23h et 2h. On sera de retour dans les studios de Fun Radio et on revient juste après la pub sur Fun Radio, ne bougez pas de là. Même Chewbacca est fan de Mickaël No Limit sur Fun Radio. Oui, on sait, toi aussi R2. Mickaël No Limit. En direct de l'exposition Star Wars Identity à la Cité du Cinéma sur Fun Radio. Exact, et on est là jusqu'à 23h avec cette spéciale Star Wars sur Fun Radio, avec plein de questions qui sont arrivées là. Alors là, comment dire, Patrice, Il y a du monde, comme on sait que t'es un spécialiste maintenant là. Il y a du lourd. Il y a du lourd, il y a des questions, je te le confirme, je te le confirme. Bon, Patrice donc qui est donc le spécialiste France de Star Wars et qui nous fait la gentillesse de rester avec nous quelques minutes. Bien sûr. Encore. Avec oui, j'ai appris aussi que George Lucas aussi avait fait une petite apparition, il s'est fait plaisir dans un des épisodes. Oui. Dans lequel? Ah bah je ne sais pas justement, c'est la question que je te pose. Épisode 3, la revanche des Sith, il avait toujours fusé et puis avec ses enfants, il est tout en bleu dans la séquence de l'opéra et c'est le baron Papa Noïda. D'accord, ok. En fait, c'est qu'il y a plein de pride jokes en fait dans le. C'est ce que les Américains appellent les Easter eggs, les œufs de Pâques. Ouais. Il y en a dans tous les films, des baskets dans les Astéroïdes, des patates, enfin. D'accord. Il y a même un lave-linge au début de l'épisode 3 qui passe devant un vaisseau. Ouais, il s'amuse. Bon, il y a également François avec nous de Limoges. Bonsoir François. Bonsoir Mika. Comment ça va? Très bien. Bon, bah, bienvenue à toi François. T'appelles de Limoges, donc aussi une petite question sur Star Wars. Oui, ben en fait c'est une question par rapport à Daft Punk et Star Wars. Ouais. Ce serait en fait pour savoir poser la question à M. Giraud son avis sur le fait que Star Wars pourrait avoir un rôle plus ou moins dans le prochain Star Wars. Les Daft Punk? Oui. Ah bon? Avec leur le rappel du costume de Stormtrooper quand ils ont fait les Grammy Awards. Non, je crois pas. Je crois que c'est beaucoup d'imagination dans l'imagination de beaucoup de gens. Non, mais voilà, tout le monde peut fantasmer. Savoir que Michael Jackson avait fait du lobbying au point d'appeler George Lucas tous les jours pour avoir le rôle de Jar Jar Binks à l'époque, parce que Jackson était un méga fan de Star Wars. Il avait travaillé avec Lucas sur Captain Neo. Ouais. Et il paraît qu'il appelait George Orange. Ah, je veux le rôle de Jar Jar Binks. Tu veux jouer dans le prochain Star Wars? Et Lucas, c'est pas qu'il voulait pas de Michael Jackson, mais il a dit: si je te prends Michael, on va surtout parler de Michael Jackson dans Star Wars et on va pas parler de Star Wars. Bah oui, donc je dirais que si on applique ça au Daft Punk, bon. Et y a, oui, c'est pas pareil encore, mais oui. Mais sachant qu'en plus, Jar Jar Binks, c'est le pire héros de. Oui, mais de ça, on l'a su après. Oui, mais donc. Peut-être que Michael Jackson a aimé. Il a bien fait de pas le faire, voilà. Voilà. Ben voilà, François, t'as la réponse à ta question. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Passe une bonne soirée. Allez, merci d'écouter Fun. À bientôt, François. Ciao. Au bye. Bonsoir. À plus. Dans l'expo, il y a aussi une réplique du Faucon Millennium, là, qui est le vaisseau de Han Solo. C'est vrai que Lucas a eu l'idée de ça en mangeant un burger. C'est ce qu'on a lu, hein, nous, après. Mais vous lisez quoi? Bon, des conneries sur Internet, à gauche, à droite. Il a eu l'idée du passage en vitesse lumière avec un hamburger. La forme du vaisseau. Oui, je pense que c'est un peu plus complexe que ça. ça vient, c'est une forme de soucoupe volante. Initialement, le vaisseau ne ressemblait pas à ça. Il ressemble en fait au vaisseau qui est au tout début du film, que poursuit l'Empire, petit vaisseau. Et à l'époque, ils ont une crainte, c'est que ça ressemblait beaucoup aux aigles de la série Cosmos 99. D'accord. Et quand ils ont eu peur, ils ont fait on change un peu. Et on va faire cette sorte de soucoupe avec le cockpit désaxé. Et Yoda aussi, qui apparemment a été créé à l'effigie d'Einstein, c'est vrai ça ou pas? Alors, le personnage, c'est Stuart Freeborn qui a sculpté le personnage. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que ça ressemble à Stuart Freeborn, il a ce petit nez, ce petit visage. Effectivement, pour conférer au personnage cette intelligence d'un personnage de 900 ans, il a fait des yeux d'Einstein et ses rides autour. D'accord, et ben voilà, on dormira moins con ce soir, hein, je vous le dis, moi. On fera un petit quiz aussi tout à l'heure à base de Star Wars, hein, si vous voulez participer, repartir avec des entrées probablement aussi. Vous pouvez nous appeler 01 42 48 5000, et puis Tony avec nous de Bordeaux maintenant. Bonsoir Tony. Salut Mickaël. Comment vas-tu? Bah, très très bien. Bon, très bien. Tant mieux Tony. T'avais une petite question Star Wars aussi? Ouais, mais pour Patrice, je voulais juste savoir si dans la nouvelle trilogie, il allait avoir la famille de Darth Maul, le personnage, un seigneur noir qui venait d'Iridonia ou pas du tout. Bon, déjà, je savais pas qu'il avait une famille dans ce moment. Il avait des enfants. Je l'ai pas vu à l'école. Non, aujourd'hui, on ne sait rien sur les nouveaux films, donc c'est même pas la peine de lire les rumeurs d'Internet. Tout est bidon. Donc il faut qu'une seule chose, soit vous guettez ma page officielle sur Facebook, soit mon Twitter. Quelle est la page officielle? Alors c'est Patrice Giraud officiel, et sur Twitter c'est Giraud Patrice. Voilà, Giraud avec OD à la OD, fin, voilà. Pas U. Et sinon le StarWars.com, hein, parce que de toute façon, je crois qu'ils mettent tout en place, surtout Abrams qui est le roi du secret, on a vu sur les Star Trek. Ouais. Tout va être annoncé sur StarWars.com ou dans les grands médias, mais je pense qu'avant, on va vraiment rien trouver. Voilà, donc StarWarsFan.fr.fm.com/quelque chose, et non. C'est mort. Il vaut mieux. C'est ça, voilà. Bon, ben voilà, Tony. Ben, merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Je suis d'avoir des places pour Loïc et Chanet, ce serait cool. Laisse-moi réfléchir. Ouais. Ben non. Non, non, okay. Si, si, c'est bon, on s'en dit, attends, c'est pas de problème. Merci beaucoup. Salut, Tony. Merci, Michel. À bientôt. Allez, à bientôt, bye. Bye bye. David aussi qui est là pour quasiment terminer. David de Maubeuge. Comment ça va, David? Salut, Michel. Ça va bien? Fan de Star Wars ou pas, toi? Ah, fan à fond, à quel fond, est ton fond. Épisode préféré? Bah, à vrai dire, j'en ai pas de préféré, je les aime bien tous. Je crois qu'il y a des adoré. J'en ai pas vu. Oui, moi, j'aime pas Star Wars. C'est ça. J'avais une question sur Star Trek. Bah... mais je sais pas s'il va savoir, moi je crois que c'est des rumeurs aussi, parce que moi j'avais entendu apparemment. Ouais, mais c'est quoi ton épisode préféré? Oui, il a dit qu'il en avait pas spécialement, qu'il avait tout. Voilà. Ouais, mais c'est quoi ton épisode préféré? C'est bon. Bon, et qu'est-ce que tu voulais dire encore? Bah moi pareil, j'avais entendu qu'ils allaient faire un film sur la vie de Diodome, et c'est des rumeurs aussi, des ragots. Je crois. Hélas, que tout ça sont des fausses rumeurs. Ouais, malheureusement, mais on verra, le futur nous dira. Ah bah c'est ça, on sait jamais, hein, pourquoi pas. Bon, David, tu voulais des places aussi, toi, c'est pour ça que tu nous appelles. Ah ouais. Les places pour Star Wars Identities. J'ai une question sur Yoda. Ouais. Est-ce que Yoda, il a déjà pécho une meuf? Parce qu'on le voit tout seul. Écoutez, dans l'épisode 1, il y a des séquences même qui ont été coupées sur le Blu-ray. On voyait Yaddle. C'était un Yoda, mais jaune. Ah ouais, sans rides. Maintenant, je ne sais pas plus. En fait, ce qui est marrant, c'est le personnage le plus énigmatique de la saga. Mais oui, Lucas a refusé de donner le nom de la planète. De qui voilà, c'est quelque part un mythe. Il est là, mais il est là. Voilà, il est là. Il faut faire avec, tout simplement. Ben voilà, David, on va te filer tes deux places. Il y a pas de problème. Tu vas pouvoir venir jusqu'au mois de juin. La Star Wars Identities. Donc c'est à Paris que ça se passe. Paris Saint-Denis. Voilà. Salut, David. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, avec plaisir. À bientôt, David. Et puis pour terminer aussi, il y a aussi des nouvelles scènes qui ont été ajoutées dans l'Empire contre-attaque après le tournage de l'épisode 3. Oui. Oui. L'Empire contre-attaque. C'est une question à la base. Je crois que c'est jamais de si avec Jamel. Il y a eu Jean Lucas a fait des rajouts au moment de l'édition spéciale en 97. À ma connaissance, la seule modification qu'il a fait après l'épisode 3, c'est à la fin du Jedi où on voyait les trois personnages en esprit, Obi-Wan, Anakin et Yoda. À l'époque, c'était Sébastien Shaw, l'homme qui était sous le casque de Dark Vador, qui était un acteur shakespearien. Et là, pour créer une continuité avec les nouveaux films et l'acteur Hayden Christensen, il a effectivement effacé l'acteur et remplacé par la tête d'Hayden Christensen. Et ça, c'est uniquement dans les sorties Blu-ray. D'accord. Bon, ben voilà, comme ça, vous savez tout. Et alors, dans un épisode de la nouvelle trilogie aussi, il y a une apparition de E.T. en guest. Oui, dans le Sénat Galactique. Il sait tout, c'est où? C'est un clin d'œil parce que Spielberg avait lui-même fait un clin d'œil à Star Wars en mettant Yoda dans la scène d'Halloween où E.T. rencontre Yoda dans la rue. Ouais. Et là, Lucas a mis Yoda dans le Sénat Galactique puisque c'est toutes les planètes et pourquoi pas la planète d'E.T. aussi. Voilà. Effectivement, voilà. Et puis, il y a aussi, j'ai lu aussi le fameux « Je suis ton père ». Je suis ton père. Voilà, qui a été rajouté au montage pour éviter les fuites avant la sortie de l'Empire contre-attaque. Oui, dans le scénario original, et d'ailleurs... on y disait que c'est ton père. Ouais, c'est Obi-Wan qui a tué ton père, voilà ce qu'ils ont dit au tournage. Ouais. Et simplement que 10 minutes avant le tournage, Irving Keschner, qui est trois personnes au courant, le réalisateur, le scénariste et le producteur. Et 10 minutes avant le tournage, Irving Keschner allait voir Mark Hamill en disant au fait, Vador va te dire quelque chose, mais en fait, il va te dire que c'est lui le père. D'accord. Alors, pour pas qu'il y ait de fuite, et donc, ils ont tourné la tête en disant un autre dialogue. Et après, ça a été en post-synchro, ils ont changé la voix. Les enfoirés, c'est bon ça. Ah ouais, il n'y avait pas internet à l'époque. Hein. Non, heureusement, sinon c'était mort, hein, ça c'est donc clair. C'est vraiment le culte du secret pour jusqu'au bout, quoi. Ah oui. Ah ouais, complètement. Bah, c'était quand même, ça reste un des plus grands cliffhangers du cinéma, quoi, cette séquence. Hein. Et puis la dernière question, là, si Lucas n'avait pas proposé à Harrison Ford de faire Star Wars, il aurait vraiment fait menuisier? Ah, c'est sûr que son destin, il serait peut-être menuisier aujourd'hui, hein, chez Ikea. Hein. Ouais, Excusez-moi de citer de marque. Mais... Oui, bah, la vie, des fois, il suffit pas de grand-chose. Hein. Ouais, parce que c'est ça qu'il voulait faire, Lucas, en fait, Harrison Ford. Harrison Ford avait travaillé pour Lucas sur American Graffiti, et Lucas ne voulait pas le reprendre sur son nouveau film, parce qu'il dit, je veux pas avoir des acteurs à coller à mes films. D'accord. Bon, il s'avère que au moment du casting chez Fred Roos, le producteur de Coppola, ce jour-là, il faisait un meuble pour Fred Roos. Et à un moment, il a dit, dis donc, Harrison, tu peux pas donner la réplique. Et donc, toute la journée, Harrison a donné les répliques aux autres acteurs qui venaient auditionner. Et puis, ils trouvaient pas. Et puis, ils ont dit, il est pas mal quand même, Harrison Ford. Et voilà. Comme quoi, il faut pas grand-chose. Hein. Peut-être que toi, t'as Fabien Chewbacca, ouais. Là, peut-être qu'il y a peut-être quelqu'un qui va passer ici. Va dire, oui, va tiens, mettez-moi ça à la poubelle. Mais... bah, j'espérais croiser Besson, mais il est pas venu. Ah merde, dommage. Ah, pourtant, sinon, j'avais tout répété. Et ah, tout, bah, oui. Ah oui, dommage. On avait répété un combat de sabre avec Toff. Ouais. C'est ça. On était là. Il finissait, vous savez où, hein, le sabre. Hein, ah bah, évidemment, voilà. Évidemment. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Patrice, d'être venu nous avoir accordé quelques minutes. Et puis, attends, juste une petite. Il y a encore Anthony qui a une petite question Star Wars. Pas de problème. Allô, Anthony, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Bon, t'appelles d'Épinal, toi, dans les Vosges, et t'avais une question aussi Star Wars. Alors, profites-en, justement, Patrice est là. Oui, c'est ça. J'aurais voulu savoir si vous comptez refaire des autres épisodes. Attends, on n'entend rien. Ouais. Tu dis, Anthony, mets-toi un petit peu. Bouge un petit peu, peut-être, tout près de la fenêtre, je sais pas. J'aurais voulu savoir s'il comptait refaire des autres épisodes. S'il comptait refaire de nouveaux épisodes. Oui. Georges Lucas. Patrice. Oui. Alors Georges Lucas, lui, il a pris sa retraite. Hein. Ouais. Il a dit qu'il aiderait en tant que consultant s'ils avaient un problème. N'hésitez pas à m'appeler, je vous donnerai des conseils. Mais aujourd'hui, oui, Disney va, et sa filiale Lucasfilm, va donc produire des nouveaux épisodes. Et ça a fait peur à beaucoup de fans d'ailleurs que Disney reprenne oui, le flambeau. Vous savez, c'est la crainte du futur, ça fait toujours peur aux gens. La réalité, c'est que le meilleur est peut-être devant nous. Peut-être qu'on va voir le meilleur Star Wars de tous les temps dans 5 ans. Personne ne peut le dire. C'est vrai que celui qui a été élu le meilleur de tous par les fans, enfin les vrais fans, c'est quand même le troisième, donc qui est en réalité le dernier. L'aventure des Ewoks avec Dorothée. Non mais si c'est le deuxième, si c'est pas le premier, c'est le troisième. Voilà, c'est l'Empire contre-attaque, effectivement, voilà. Qui est beaucoup apprécié par les fans, qui est vraiment un très bon film. Mais voilà, moi je suis très ouvert, faut être très optimiste et voilà, faut quand même comprendre que genre j'avais dit qu'il n'y aurait plus Star Wars, donc c'est déjà une bonne chose. Oui, qui s'est mis le couvert. Moi, en tant que fan, je suis ravi. Voilà. Et que j'imagine. Maintenant, j'imagine. Les gens qui n'aiment pas, faut pas qu'ils y aillent. Hein. Mais juste, ils voulaient en faire 9 dès le départ. Donc déjà 12. À 12. Ah, ils voulaient à Marc Hamill sur le tournage en Tunisie. Oui, ma saga, si ça marche, j'en ferai 12. Ah, carrément. Oui, voilà. Et il voyait grand, lui. Hein, ça, c'est. Voilà. Mais il les a préparés, les six derniers. Ou pas? Non. D'accord. Ah, c'est dommage. Bon. Ah ouais, voilà, Anthony. Ça, il a dit 12 comme ça, quoi. Ouais. Je l'appelle. Ouais, c'est ça. Bon, ben voilà, Anthony. Merci à toi d'être passé. Tu reviens quand tu veux sur Fun. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. À bientôt, ciao. Et alors, le dernier, cette fois après, c'est fini, promis. Christophe qui est avec nous, 28 ans de Nantes. Salut, Christophe. Salut, Mickaël. Salut, Christophe. T'avais une question aussi à poser à Christophe. Ah, Patrice, pardon. Ouais, exactement. J'aurais voulu savoir si c'était une rumeur ou pas. Qu'il avait fait un script sur la vie de Han Solo au début. S'il avait fait quoi, tu dis? Toute la vie d'Han Solo avant qu'il connaisse Chewie. Avant qu'ils connaissent Chewbacca. Ils sont pas en couple, ouais. Hein, c'est pas. Mais quoi qu'il aurait fait récemment là pour les nouveaux films. Hein. Je crois que c'est des rumeurs. Oui, parce que j'avais entendu parler de ça il y a super longtemps et. Ben ça reste encore dans le fantasme. Voilà. Okay. Ça fait beaucoup fantasmer. Mais tu penses qu'en fait Chewie et Han Solo sont mariés à la base, c'est ça? Je vais vous faire rire parce que vous savez que le film était over budget à l'époque, c'était un gros problème chez Fox, personne ne comprenait. Et la crainte des exécutifs qui venaient sur le plateau à Londres, c'était de dire mon Dieu, mais Chewbacca, il a pas de culotte. Chewbacca, ils avaient peur des ligues puritaines américaines. Voilà. C'était leur. Ils avaient pourtant d'autres problèmes financiers, de production, mais la crainte, c'était la grosse problème. Chewbacca est à poil. Mais ouais, c'est clair. Alors que nous, on avait 10 ans, on voyait le film. Mais oui, bien sûr, évidemment. Ben voilà, Christophe. Merci. Ok, merci. Salut à toi, passe une bonne soirée à l'écoute de Fun, à bientôt. À bientôt. Salut Christophe. Il y aura Sylvain et Nadia dans quelques minutes pour faire le quiz. Et puis donc merci beaucoup Patrice de nous avoir quand même 25 minutes. Hein. Wow, t'as vu un peu là? Je suis fort. Ouais, très très fort. En tout cas pas mal. Je rappelle donc on peut te retrouver sur le Facebook donc. Hein, Patrice Giraud officiel ou Twitter @GiraudPatrice. Voilà donc GIROD et pas AUD. Ne confondez pas bien évidemment. Merci beaucoup Patrice. Merci à vous. Et je rappelle bonne que soirée. Vous pouvez. Bonne soirée à toi. Et je vous rappelle que vous pouvez venir évidemment jusque fin juin. Star Wars Identities, c'est à Paris, j'ai des places encore à vous offrir, n'hésitez pas. 01 42 48 5000, c'est le numéro du standard de Fun, vous pouvez nous appeler, spécial donc Star Wars jusqu'à 23h, et puis Lovin Fun reviendra bien sûr à partir de lundi en direct avec le doc Karima et Karel. On va s'écouter le son de Tony Junior maintenant sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde, on est au cœur d'une heure sans pub, c'est Mickaël No Limit, spécial Star Wars. Viens ce soir, un chevalier Jedi pour la spéciale Star Wars. C'est Mickaël No Limit. Sur Fun Radio. Oui, spécial Star Wars. Donc on est là jusqu'à 23h sur Fun Radio. Et bah, continuez à nous appeler hein, si vous voulez. 01 42 48 5000. Vous connaissez le numéro du standard de Fun. Et bah allez-y, profitez-en. Il y a le quiz qu'on va faire dans quelques minutes pour vous offrir peut-être vos places pour venir assister justement à cette expo Star Wars Identities. On est en direct de cette expo justement jusqu'à 23h. Ce sera dispo jusque juin hein, à peu près hein, mois de juin. Oui, donc vous allez pouvoir venir quand vous voulez hein, pendant les vacances ou pas, il n'y a pas de problème. Il y a Céline justement qui veut des places. Salut Céline. Salut Mickaël. Comment ça salut, va Céline? Ah bah ça va très très bien, quand je t'entends tout va bien. Oh c'est gentil Céline. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ma belle? Oh je rêve. Je souhaiterais d'avoir deux places pour Star Wars. Tu rêves, oh. Je souhaiterais. Qu'est-ce que ça veut dire, je rêve, souhaiterais? Je rêve, souhaiterais, bah c'est les deux quoi. J'aurais souhaiterais. Ça c'est pas mal encore mieux. C'est encore mieux ça, c'est. J'aurais souhaiterais. C'est pas mal. C'est marrant ça. Bon, tu veux toi vouloir place pour Star Wars, c'est ça? Ouais. Hey, Yoda. Oui, oui. Hey, Yoda, vas-y, elle veut des places pour Star Wars, comme on dit en Yoda. Des places elle veut pour Star Wars. Mais non, c'est bon là. Pour Star Wars, tu vas la faire rendre ouf. Tu vas la faire rendre ouf. Bon, allez, on va te filer des... One, un petit place. De quoi Céline? J'ai dit jeune Padawan, donne-moi une petite place, deux même. Mais deux, oui, on va t'enfiler deux, il n'y a pas de problème, c'est vendu par deux de toute façon, donc on va te les filer. Oh vendu, façon de parler quoi. Super, ouais. On va t'enfiler deux, Céline, sans problème, tu vas rester au standard, on va prendre tes coordonnées, t'envoyer ça rapidement, d'accord? Oh merci Mickaël, je t'embrasse, merci. Salut super. Céline, à bientôt. Salut, allez, ciao. Salut à tout fun. Ciao. Allez, restez sur Fun Radio, il y a Elliot qui va parler avec nous dans quelques minutes, et puis il y a Nadia maintenant, Nadia et Sylvain. Salut Nadia de Nancy, comment ça va? Bonsoir Mickaël. En forme? En forme, bien sûr. Bon, fan de Star Wars? Comment dire, un petit peu. Un petit peu? Est-ce que ton rêve était de faire une photo avec Choubi? Oui, pourquoi pas, ça pourrait. Eh bien, je suis là. Oui, Toff est là également, déguisé en Chewbacca, et il a choisi évidemment cette tenue, puisque c'est une des seules tenues où on ne voit vraiment pas sa gueule. Voilà, ouais, c'est ça. Mais j'avais pensé aux Troopers aussi, mais je me suis dit, il y en aura déjà plein pour faire la sécu. Donc alors que là, je suis le seul Chewbacca de la soirée. Oui, c'est étonnant. Hein. T'as vu, un peu, personne n'a voulu se mettre en Chewbacca. C'est bizarre. Bon, vous pouvez voir la photo, d'ailleurs, on l'a mise hein, sur le Facebook de l'émission. Vous pouvez aller voir facebook.com/mikl officiel. Sylvain est avec nous également de Charleville-Mézières. Bonsoir Sylvain. Salut Mickaël. Comment vas-tu? Bah bien et toi? Bah très très bien aussi Sylvain. Bon, on va faire un petit battle évidemment maintenant hein. Battle donc Star Wars. Ouais. Ouais, donc je rappelle qu'il y a 5 questions. Le premier qui arrive à faire évidemment à faire plus que l'autre, hein, en l'occurrence minimum 3 hein, normalement, repartira donc avec les deux places. Nadia, Sylvain, est-ce que vous êtes prêts? Ouais, c'est parti. On y va. Dans Star Wars, qui sont les sites? Des webmasters qui fabriquent des sites pour les Jedi, des clones qui font des sittings contre les Jedi, ou les seigneurs noirs qui luttent contre les Jedi? Les Jedi, pardon. Les seigneurs noirs. Attends, donnez votre prénom. J'ai vu que Nadia avait répondu en premier, mais donnez bien votre prénom. Nadia. Ok. Nadia, donc les seigneurs noirs. Les seigneurs noirs. Les seigneurs noirs, c'est une bonne réponse. C'est bien, très bien. D'où deviennent Darth Maul et Dark Vador et l'Empereur. Voilà, un point pour toi Nadia, on enchaîne. Qui est C3PO? Un nouveau modèle de chez Citroën, un droïde de protocole, ou c'est un produit dopant proche de l'EPO? Sylvain. Alors attention Nadia, il faut d'abord donner son prénom et puis donner la réponse. Parce que là pour le coup, si par exemple Sylvain n'avait pas eu la bonne réponse, eh ben il l'avait peut-être. Donc du coup Sylvain? Un droïde de protocole. Un droïde de protocole, effectivement, c'est une bonne réponse. Bravo. Un partout. Troisième question. Qui est le père de Luke Skywalker? A. Chewbacca. B. Dark Vador. C. Le mari de sa mère. Sylvain. Dark Vador, c'est une bonne réponse. Le mari de sa mère aussi marchait. Aussi, ouais. Effectivement. 2-1 donc Sylvain. Attention, on continue. Que fait Yoda dans la vie? Il est passe-partout version galactique de Fort Boyard. Il est nain de jardin ou il est maître Jedi? Sylvain. Maître Jedi. Il est maître Jedi, c'est une bonne réponse. Et enfin, en quoi Anakin Skywalker se transforme-t-il? En femme, en Superman ou en Dark Vador? Sylvain. Dark Vador. En Dark Vador, c'est une bonne réponse. Sylvain, comment te dire que tu viens d'écraser Nadia? Ah ouais. Oh, bonne réponse contre une seulement pour Nadia. Nadia, tu n'as pas été mauvaise, tu as été très mauvaise. Très très très mauvaise. Mais c'est pas grave, écoute. Tu rejoues avec nous quand tu veux Nadia, d'accord? Ok, d'accord. Je te fais des gros bisous, à bientôt Nadia. À bientôt. Salut. Bon bah Sylvain, bravo à toi, hein. 2 places pour toi, félicitations. Nickel. Eh bah avec plaisir. Et puis on va encore faire... Contre, ouais. Nickel, vu que j'ai gagné 2 places, je peux faire une petite dédicace? Non. Wow. Dédicace bon. Ou les places? Allez, vas-y, il y a une seule personne, choisis la bonne. Bah, moi, je fais une dédicace à la team B. Très bien. Parce que, voilà. Bah, voilà. Eh ben, le message est passé, il n'y a pas de problème. Salut, Sylvain. Salut, bonne soirée. À bientôt, ciao à toi Sylvain. Et puis on va continuer à parler évidemment de Star Wars puisqu'on est en direct de cette exposition, la Star Wars Identities sur Fun Radio et jusqu'à 23h. À 23h on reprendra l'horaire normal, l'émission normale, Mickaël No Limite, 23h, 2h sur Fun Radio avec le canular du jeudi, avec vous en direct évidemment, avec la colle, avec les dernières places à gagner aussi, les derniers sous-vêtements à gagner offerts par... Mesdessous.fr. Voilà, c'est ça. On aura l'occasion de vous offrir ça tout à l'heure, donc à partir de 23h. Et bien sûr, les Jeux Olympiques de Sochi. Ah, ouais. J'ai beaucoup souffert. Où ouais. Toff a beaucoup souffert. Mais alors, il en est où le pied cassé d'hier là? Bah, t'as pas vu la photo que j'ai mis sur Instagram? Ah non, j'ai pas vu, non. Ah, j'ai les deux orteils complètement mauves. Non, c'est de la saleté, oh, ça, Toff. Ouais, oui, c'est ça, c'est juste ça. C'est tout. C'est juste que. Ah non, c'est. Non, franchement. Genre, il est cassé là? Mais c'est violent. Non, c'est pas cassé, mais en fait, je pense que je me suis éclaté un vaisseau à l'intérieur. C'est où, Toff? C'est là. C'est là. Aïe! Oh, ça va, quel cinéma, je te jure. Non, mais c'est violent, parce que moi, je me suis fait mal à la fesse aussi. Oh la fesse, là là, regardez, les deux sportifs des Jeux Olympiques. Si y a une jeune fille qui veut me masser les fesses, je suis preneur. J'imagine. Bon, on va récupérer Camille aussi, qui voulait appeler sa pote, qui est en kiff sur un mec depuis 6 mois, et elle n'arrête pas de lui en parler, du coup, ça la saoule un petit peu, ce qui est normal, n'est-ce pas, Camille? Camille? Oui? Donc, je disais, n'est-ce pas, Camille? Qu'est-ce que je viens de dire? Ah bah je sais pas, je t'écoutais pas. J'ai écouté. Ah bah bravo Camille. Ah bah bravo Camille, t'as de la chance que j'ai pas des claques ici. Il hein. Y avait une bataille de shampoing à l'internat, donc en gros vu qu'ils étaient plein de bruit, j'étais voir qu'est-ce qu'il y avait. Évidemment, évidemment, évidemment. Évidemment, ça, c'est les... Voilà, c'est vrai, mais finalement j'ai retrouvé ma claque. Voilà, bon, c'est pas grave Camille. Je disais qu'on allait appeler ta copine dans quelques minutes. Tu restes là? Ouais, t'inquiète. Bah j'espère bien que tu vas rester là. Et si vous avez encore des questions à poser, si vous voulez parler avec nous de Star Wars hein, puisque c'est là le lancement VIP ce soir de Star Wars Identities, des auditeurs ont gagné leur place également et qui sont avec nous. Comment ça va les gars? Ça va bien et toi? Toujours en pleine forme? Bah, et c'est vrai que je vous ai pas posé la question, mais si vous avez des questions à poser là par rapport à Star Wars, vous connaissez tout ou pas? Ouais, ça va. Ça va, vous gérez bien? On se démerde pas mal. Bon, ça va, nous voilà rassurés alors. Dans l'épisode au moins, on est tranquille. 3, qu'est-ce que mange Yoda? Un fruit. Un fruit. Nous vérifierons. Allez, restez avec nous. C'est la spéciale donc Star Wars sur Fun Radio. Et puis on va se mettre maintenant au cœur d'une heure sans pub. Le son de DJ Fresh sur Fun Radio avec DBDB Sound. Salut à toi, jeune Padawan. Ce soir, Mickaël No Limite est en direct de l'expo Star Wars. Je te vois devenir le plus grand de tous les Jedi. En exclusivité interplanétaire sur Fun Radio. Et on est en direct effectivement jusqu'à 23h sur Fun Radio, en direct de l'OP de l'exposition Star Wars Identities qui aura lieu jusqu'au mois de juin. Si d'ailleurs vous voulez venir, on a des places à vous offrir. Hein. Il suffit d'appeler le standard maintenant 01 42 48 5000. On fera encore un autre quiz dans quelques minutes pour les fans de Star Wars. On aura des places encore à vous offrir donc avec ce quiz. Si vous répondez correctement au quiz, évidemment, on va faire un petit battle entre deux auditeurs. 01 42 48 5000. N'hésitez pas. Il y a Théo dans quelques minutes pour une petite question sur Star Wars. Et puis Camille qui est de retour là de Quimper. Camille? Oui. Oui, très bien. Camille donc qui nous avait appelé tout à l'heure avant qu'on parle évidemment de Star Wars plus en détail avec ta pote qui est en kiff sur un mec depuis 6 mois. Elle arrête pas de t'en parler en fait et ça te saoule, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, donc tu voulais qu'on l'appelle en direct. Comment elle s'appelle elle? Elle s'appelle Colline. Elle s'appelle Colline, très bien. Donc on va l'appeler en direct. Tu lui as déjà dit en fait qu'elle arrête de te saouler parce qu'il y a un moment t'as autre chose à foutre, non? Non, c'est même pas ça. C'est en fait, c'est qu'elle se rend malade limite pour lui. Enfin, la semaine dernière. Mais l'amoureuse. Mais oui, c'était son anniversaire, puis il était malade. Et puis elle s'en est rendue malade. Mais c'est surtout en fait, je voudrais savoir, parce que moi je suis pas non plus très bonne dans ce truc-là, des conseils pour qu'elle puisse lui parler, comme ça au moins toi c'est réglé quoi. Mais qu'elle fonce, elle a rien à perdre. Au pire elle se prend elle se mange un mur, bah c'est pas grave, au moins après elle peut passer à autre chose. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire que là, elle est en train de se rendre malade, elle est en train de se rendre malade à se dire ah oui mais qu'est-ce que je dois faire, est-ce que lui ça. Bon si elle va lui demander et qu'elle fait le premier pas, faut y aller, hein, faut pas avoir peur, qu'est-ce qu'elle risque? Pas grand chose. Écoute c'est quoi, on va l'appeler, ce sera plus simple. Attends, bouge pas. Hop là, c'est parti. On y va, on l'appelle. Et. Parfait, au moins ça sonne, c'est déjà pas le répondeur, c'est toujours cette prise, puis Allô? Allô? Allô Colline? Oui. Salut, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio, ça va? Oui, et toi? Ben oui, très bien, Colline. Dis-moi, il y a Camille qui est avec nous au téléphone, là, et apparemment, tu lui prends la tête à cause d'un mec. Bah, je lui prends pas vraiment la tête. Est-ce que t'es sérieuse, Colline? Pour un mec, sans déconner, c'est Colline. C'est ça, un connard de plus. Oui, peut-être, en plus. Non, mais cela dit, elle nous avait expliqué que t'arrivais pas à savoir si lui aussi ressentait des trucs pour toi, c'est ça? Bah, en fait, je ne le prends pas vraiment à la tête, mais c'est que depuis un moment, en fait, bah, ça me perturbe et puis ça la perturbe aussi parce que bah, elle me voit un peu mal à l'aise. Ah, parce que nous, dans, pas... moi dans le standard, il y a marqué sa copine n'arrête pas de lui en parler, ça la saoule. Donc, Colline, je pense que nous n'avons pas la même version. Ah bah non, enfin moi je suis en tout cas, moi j'ai jamais dit que je la saoulais avec ça, mais... Oui voilà, mais non mais c'est ça, mais non mais imagine c'est parce qu'elle quoi. Avait oublié. Oui voilà, non mais c'est surtout qu'elle voulait peut-être pas te blesser, mais bon, il y a un moment, si t'arrêtes pas de lui parler de lui, fonce. Qu'est-ce que t'as peur de quoi, Colline? De rien? Non, mais je lui parle presque jamais de lui, mais bon, enfin en fait... Mais tu veux qu'on l'appelle? Non, c'est bon. Mais si, je peux pas savoir, je préfère rester. On l'appelle, tu lui dis voilà, écoute, je te kiffe. Si t'oses pas, Mickaël le fait. Et bien comme ça, sûr, tu seras fixé. Avec plaisir. Moi, si je peux rendre service, c'est toujours un plaisir. Non, j'ai même pas son numéro. Elle a pas non plus. Oui, Colline. Bon, allez, c'est pas grave. Passons. Bon, qu'est-ce qui t'empêche d'aller de faire ce fameux premier pas? Il y a rien à peur. C'est normal. En fait, je suis extrêmement timide et on se parle jamais. Alors du coup, bah c'est ça le blème en fait. Il faut pas avoir peur. Fonce. Oublie que t'as aucune chance. Mais non, mais regarde. C'est marrant d'un conseil d'un mec qui n'a jamais dragué une meuf de sa vie, puisqu'il récupère tout ce qu'il peut en profitant de sa notoriété, car monsieur est un personnage public. Bah, il est Chewbacca surtout. Bah, grave, moi, c'est à dire que si j'avais pas fait de radio, j'aurais jamais serré de meuf. Exactement. Ça, c'est sûr. Bon, bref. Donc, c'est Colline, beaucoup plus dur pour la petite. Colline. Oui. Tout ça pour dire qu'il y a un moment, si tu fonces pas, tu sauras pas. C'est-à-dire que si lui fait pas le premier pas et que tu le fais pas non plus, tu vas rester sur un point d'interrogation en disant ah, ça se trouve, peut-être que si, peut-être que peut-être, peut-être, peut-être. Alors que si tu fonces, soit ça se passe bien et tant mieux, t'as tout gagné, soit ça se passe mal et t'as gagné aussi puisque tu peux passer à autre chose. Donc tout est bénef. Fais-lui à l'envers, enfin à l'envers. Puisque t'es une femme, tu es obligé de lui faire à l'envers. Donc tu vas y aller doucement, tu lui dis pas tout de suite que tu kiffes, d'accord? Ouais, sinon il va se braquer. Voilà, tu vas essayer de faire un petit peu d'amitié bidon. Et ensuite, mais pas trop, sinon tu vas devenir la meilleure. Ouais, exactement, pas trop d'amitié bidon, vous sortez un peu ensemble, et hop, tu sais faire, hein, t'es une femme, tu sais en fumer, non? Voilà, Colline, faut faire ça maintenant. Hein. Bon. Ouais, mais enfin, le truc, c'est que juste que je sais pas trop comment lui parler. Parce que, mais avec des mots? Tu lui dis salut, ça va, déjà va lui parler simplement, salut, ça va. Ouais. Essaye de transmettre, de savoir ce qu'il aime. Voilà. Un mec, ça rejette jamais une meuf. Hein. Non, bah, j'espère quoi. Pour toi. Je me suis pris beaucoup de vent dans ma vie, donc du coup. Non, il n'y a aucun mec, une meuf qui vient le voir juste pour discuter, il l'envoie pas chier. Si, c'est possible, c'est possible. Ouais, quand t'es une resta pourrie qui s'en bat les couilles, mais sinon les gens normaux, ils envoient pas les chier. Voilà, ça dépend. Mais tu le connais d'où le mec, toi? Mais du bahut en plus. Ah, c'est un mec de ton lycée? Oui, ils sont vraiment même. Ouais, vous avez forcément des potes en commun ou des gens qui le connaissent? Tu vas bouffer à la cantine avec eux ou? Ouais, bah j'ai des potes en commun, bien sûr, mais. Et ben voilà. Eh ben fonce alors, y a que ça à faire, hein. Ouais, mais enfin... Un pote en commun qui ferait une soirée chez lui, écoute, un truc comme ça. Sache que si tu ne le fais pas, tu vas le regretter toute ta exactement. Vie. Exactement, et t'inquiète pas qu'il y en a une autre qui va passer devant toi. Et j'en suis bon exemple. Plus, hein. Alors qu'une soirée chez un pote, un peu de bœuf, un peu d'alcool, oh, c'est fini. Oh, tof, chic, fonce celui-là alors. Voilà. Le mec qui ne sort jamais, qui n'a pas de pote, qui a jamais fumé de bœuf, et voilà, c'est ça exactement. Qui m'énerve. C'est pas une très mauvaise idée qu'il a de mon feu. Non, mais si, c'est très con, Colline, t'inquiète pas pour ça. C'est con comme ça, bon, Colline, tu fonces, je te rappelle lundi. Si jamais tu l'as pas fait, je me démerde pour avoir son numéro au téléphone et je lui dis moi-même, t'as compris? Comme ça au moins t'as la pression. Non mais ouais, il faut, sinon on va pas s'en sortir. Donc si jamais c'est pas fait lundi, Colline, je le fais moi-même et là tu vas te taper la honte. Donc autant que tu le fasses toi. Ouais, ok. Et t'inquiète pas que je me démerderai, j'aurai le numéro de téléphone, je te le garantis. D'accord? Ok, d'accord. Bon, Colline, à lundi. Oui. À lundi, Colline. Bon, bah Camille, je pense que la pression est mise là. Hein. On est jeudi, il lui reste demain, samedi, dimanche et lundi donc hein, pour le faire. Lundi soir, on l'appellera en direct si jamais elle n'a pas fait le premier pas. Ok, d'accord. Ok. Super. Très bien. Bon, eh ben, merci beaucoup. Hein. Bah, je t'en prie, Camille, avec plaisir. Pour la fin de dédicace. Vas-y, profite. À une seule personne, hein. Choisis la bonne. Une seule personne. Ouais, choisis la bonne. C'est une dédicace à Winnie. Oh, bah très bien. Bah, le message est passé, pas de problème. Salut à toi, gros bisous. Ok. Ah bah voilà, elle est partie. Salut à toi Camille, bye bye. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Tristan qui est avec nous également là. Salut Tristan. Salut. Comment ça va? Ça va la forme et toi? Bah écoute, plutôt pas mal hein. Plutôt pas mal même. On est là tranquille, Star Wars Identities. Là on a vu les trucs en premier. On s'est mis plutôt bien. J'ai vu les photos. Ah t'as vu hein, la photo que vous pouvez voir évidemment sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Bon Tristan, tu voulais des places pour venir toi justement la Star Wars Identities? Bah ouais, carrément, ouais. Eh bah carrément, on va t'enfiler deux, carrément alors, pas de problème. Avec plaisir. Alors, c'est carrément bien. Ah bah c'est carrément trop cool. Bah salut Tristan. Bah merci Mickaël. Je t'en prie, à bientôt, salut Tristan, ciao. Il y a Théo également de Bordeaux là, salut Théo. Salut. Salut, ça va? Ouais. Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. T'inquiète, ça va muer, hein. Ouais, t'inquiète. Non, bah oui, moi je m'inquiète pas, hein. Moi ça va, hein, mais c'est juste un jour au cas où. Tu vas te réveiller, tu vas voir tes testicules sont tombés, ouais. Tu vas avoir du poil, tu vas parler comme un homme, voilà. Et là ça va te changer la life. Ah, c'est ça. Bon, alors Théo, t'avais une question toi par rapport à Star Wars. Bah, ça tombe bien, on est là. Alors malheureusement, on a perdu Christophe entre temps. Je suis un spécialiste aussi. Oui, c'est ça. C'est vrai que. Patrice, je dis Christophe, ce que je voyais Toff là. Qui ne s'appelle pas Christophe, hein, il s'appelle Toff. Oui. Christophe s'appelle Toff. Voilà, c'est ça. Bon, alors c'est quoi ta question, Théo? Dis-nous. Alors, Dark Vador, en fait, c'est qui? J'ai pas compris, en fait, l'histoire, là. Eh bah alors, je vais t'expliquer. Dark Vador, c'est le père de Luke Skywalker. Voilà, c'est le mec, en fait, il est né à un moment, mais comme sa grand-mère s'appelait Michel, il y a un moment, il a dû changer de nom, et il a eu un petit accident. En fait, il s'était coupé en se rasant, du coup, il a eu honte, il a mis un masque. Il s'est coupé la carotide et il a mis un masque, parce que, voilà, il était laid. Non, mais t'as jamais vu là, Star Wars? Si, mais j'ai regardé, mais vite fait, voilà, en coup de vent, en fait. En coup de vent. D'accord, ok. Alors c'est compliqué de te résumer Star Wars comme ça, hein, parce que c'est quand même relativement complexe. Mais non, c'est simple, c'est le bien contre le mal. Les Jedi, qui sont des chevaliers, qui combattent les méchants, les seigneurs Sith. Voilà, dont fait partie Dark Vador. Voilà, Dark Vador est le méchant. Mais avant, c'était un gentil. Non. Enfin, il était enfant. Oui, quand il était enfant, il mangeait des petits bonbons, voilà. Il pouvait pas être méchant. Un enfant, c'est pas méchant. T'as vu lequel? Ça jamais méchant. T'as vu lequel? On en a deux là, qui sont devant nous là. Ils ont pas l'air méchants, hein. Non, ils ont pas l'air méchants. Ils ont pas l'air méchants. Et pas, on sait pas à qui ils sont, donc on va dire qu'ils ont pas l'air méchants. Bon, Théo. Ouais. Théo. T'as vu lequel toi? J'ai vu le 1. Attends, lequel 1? Le vrai 1 ou le faux? Ah, parce qu'il y en a un vrai et un faux. Non. Oui, alors techniquement, il y a le premier qui est en fait le quatrième, ou alors il y a le premier qui est le premier. Oui, je sais, c'est un peu compliqué. C'est chaud. Mais... C'est chaud. Alors, j'ai vu le premier, mais je sais pas lequel en fait. Attends, est-ce que l'image avait l'air un peu vieille ou avait l'air un peu récente? C'est un vaisseau, c'est une course de vaisseau là. Ah, c'est une course de vaisseau, oui, tout à fait. C'est l'un, c'est l'épisode 1. C'est l'épisode 1, ouais. Donc le 1 de 1. Et c'est un petit garçon qui court dedans, qui court sur le petit vaisseau, c'est ça? Ouais. D'accord, ouais, c'est le 1. Alors vu que t'as vu celui-là, il va falloir enchaîner le 2, 3, 4, 5. Et bah c'est Dark Vador quand il est petit. Voilà, c'est ça. Quand il est gentil. Quand il est gentil. Oh, parce qu'il n'est pas encore Dark Vador. Exactement, tout à fait. Donc voilà Théo, donc continue à voir les autres, tu vas voir, tu vas tout comprendre au fur et à mesure et tu vas comprendre qui est Dark Vador du coup. D'accord. Est-ce que je peux avoir d'autres places pour Star Wars? Dis donc Théo, t'es pas en train d'essayer de m'enfumer là? Hein? Avec une question bizarre et puis après tu veux des places pour la Star Wars Identity? Ouais, j'aimerais bien y aller. Ah oui, t'aimerais bien y aller, ouais. Mais tu sais que c'est à Paris, Théo. Comme t'es à Bordeaux, je te dis ça. Ouais. Ah ouais, bah ouais. Mais pour les vacances, je vais venir. Ah bah ouais. Bon, écoute. Ouais, c'est ça. Bon, vois avec les parents, si jamais ils sont ok de venir avec toi, c'est pas la peine de les gâcher, tu vois. Si tu reçois tes deux places et que tu viens jamais, c'est pas la peine. Donc vois avec les parents si c'est d'accord. Et si c'est d'accord, on t'enfile deux, d'accord? Je peux faire une dédie? Allez, vas-y, Théo. À une seule personne, choisis la bonne. Ok. Bah, je fais une dédie à tout le collège de François Mitterrand et voilà. D'accord, eh ben le message est passé. Salut Théo. Salut. À bientôt, salut, ciao. Et puis dernier quiz maintenant avec Kevin et Manon avant d'écouter Asie avec Born Again. Vous êtes là, Manon, Kevin, ça va bien? Oui. Salut Mickaël. Bon, Kevin qui appelle d'Antibes et Manon qui appelle de Lille. C'est ouais. Le Nord contre le Sud. Le Nord. Exactement. Lequel des deux va repartir avec les deux places donc pour venir à la Star Wars Identity? C'est l'exposition qui est ici à Paris-Saint-Denis jusque fin juin et on a des places à vous offrir. On est d'ailleurs en direct de cette exposition depuis 21h ce soir. On va donc y aller. Kevin, Manon, je vous pose 5 questions. Ouais. Si vous avez ouais. la bonne réponse, et avant de donner la bonne réponse, il faut impérativement donner son prénom d'abord. Ok, okay. D'accord. Bon, on y va. Qu'est-ce qu'un padawan? Un gâteau avec des morceaux d'astéroïdes, la moitié d'un padatou ou un apprenti Jedi? Kevin. Kevin. Un apprenti Jedi. C'est une bonne réponse. Deuxième question. Ah si maintenant. Deuxième question. Qui y a-t-il sur la planète Coruscant? Coruscant. Coruscant. Voilà. Un McDo intersidéral, une station service pour vaisseau ou alors le siège du temple Jedi? Kevin. Kevin. Le siège du temple Jedi. Le siège du temple Jedi, c'est une bonne réponse. C'est un sans faute pour le moment, c'est un sans faute. C'est un sans faute. Manon, c'est quand tu veux, hein. Bah, je parle, hein. Ah bah oui, mais pas, mais trop tard, Manon. Ouais, mais faut que t'ailles plus vite. Bon, question suivante. Qu'a dit Dark Vador à Luke Skywalker? A. Je suis ta mère. B. Serre-moi un café, petit con. C. Je suis ton père. Kevin. Manon. Mais non. Je suis ton père. Oh, bonne réponse. Je suis ton père. Exactement. Question suivante, l'avant-dernière. Attention, Manon, il faut répondre correctement, sinon t'es dans la merde. La menace fantôme est le premier épisode, le cinquième épisode ou le dixième épisode? Kevin. Manon. Kevin. Comment le cinquième? Le premier. Bravo Manon. Mais non, ouais. C'est une bonne réponse. Ah si Kevin, bah, c'est bravo, comme ça Kevin. Bravo. Oui, j'ai changé la règle, c'était le deuxième qui donnait la voilà. qui donnait mais son prénom. Tu redis pont les des Jedi, nous tu nous parles pas comme ça, on te fume. Eh hey, reste calme Kevin. Et oui, hein, là on a une égalité. J'ai pas pour t'as bon, t'as bon Manon, c'est une égalité. Et là attention, égalité. Oh là là. Bon, Kevin et Manon, question suivante et la dernière. Vous êtes prêts? Ouais. Oui. Lequel de ces titres n'est pas un épisode de Star Wars? Attention. L'Empire, j'allais dire pas de proposition, mais comme j'ai dit lequel de ces titres, j'ai l'air un peu con. L'Empire contre-attaque, le retour du jeudi ou la menace fantôme? Kevin. Manon. Mais la menace fantôme. Mais Manon, t'es sérieuse? Mais on t'a suraidé là. Arrêtez de rigoler, c'est pas drôle. Bah si, c'est drôle. Bah attends, écoute, entre l'Empire contre-attaque, non. Le retour du jeudi ou la menace fantôme, tu me sors que le menace fantôme la n'existe première. Pas. La première, c'est l'Empire contre-attaque. Donc, Kevin. Moi, je suis d'accord le avec Manon. Le retour du jeudi. Eh ben, bravo Manon, c'est gagné. Le retour du jeudi, c'est une bonne réponse. Mais n'importe quoi. Bon, ça va, on va vous filer vos deux places à vous deux, là, Kevin, Manon, là. Voilà. Ah, trop gentil. Oh, avec plaisir. Pourtant, t'as été mauvaise, hein, parce que dire que c'est la menace fantôme qui n'existe pas, Manon. Ouais, tu connais pas, c'est bien ce que je te reproche, Manon, hein. Ouais mais je suis fidèle à vous. Eh ben ouais mais bon mais comme ça tu vas pouvoir suivre et tout apprendre pour la prochaine fois Manon, d'accord? Eh Manon, ah ouais ton préféré c'est Polo. Ouais Manon. Tu parles. Dark Vador, c'est Dark Vador. Bon salut Manon, salut Kevin, à bientôt. Allez, salut, ciao. Allez, restez sur Fun Radio évidemment, c'est toujours la spéciale Star Wars encore pendant 30 minutes. Et ben juste après on fera l'émission normale, hein, Mickaël Delimite pour ceux qui ont l'habitude, à partir de 23h sur Fun Radio avec tous les rendez-vous du jeudi, avec le canular que nous ferons également tout à l'heure, avec les JO bien entendu, hein, comme on fait depuis lundi. Et puis on va se faire le son de Asie maintenant, c'est Born Again sur Fun Radio, on est toujours au cœur d'une heure sans pub. Et rassurez-vous, le VinFun revient bien sûr lundi à partir de 20h sur Fun Radio. Mickaël devient ce soir un chevalier Jedi pour la spéciale Star Wars. C'est Mickaël No Limit. Exactement, et on est toujours en direct donc de ce Star Wars Identity, c'est l'exposition, et je suis déjà trompé de côté, c'est parfait. Donc on va un peu se balader là maintenant dans l'expo où on est à côté des vaisseaux, etc. etc. Et surtout, comme je vous le disais, quand vous faites le tour de l'exposition, en fait, il y a plein de petites questions. Vous avez un petit bracelet électronique qui vous permet tout simplement de savoir quelle personnalité vous êtes, en fait, tout simplement. Donc on a fait tout à l'heure, que cet après-midi, quand on est arrivé dans l'expo, on n'a pas été jusqu'au bout pour qu'on puisse découvrir en direct, en fait, hein, en direct ce qu'il advienne nos personnages. À ton avis, Polo, il sera quoi, Tof? Une merde. Oui, ça c'est sûr. Mais sidéral. Oui, complètement. Et donc là, je suis à côté du vrai Dark Vador là, qui fout un peu les jetons quand même. Faut dire ce qui est, c'est clair. Ouais, il fait un donc, peu peur. Là, il fait un peu peur. Donc là, on est dans la pièce finale justement où il y a, comme on l'expliquait tout à l'heure, deux écrans géants. Et on va savoir maintenant en fait quel personnage on est. Il y a Tristan qui est avec nous également au téléphone là. Salut Tristan. Ouais, salut. Comment vas-tu? Ça va toujours. Bon, tant mieux. Écoute, sois le bienvenu, Tristan. Donc là, on est dans l'expo dans laquelle tu viendras, puisque tu voulais deux places, c'est ça? Ouais, c'est tout à fait ça, ouais. Et ben voilà, donc toi, tu seras quel personnage, à ton avis, tu penses? Je sais pas trop, un rebelle sûrement. Un rebelle, oui, peut-être. Écoute, bon, genre. En tout cas, on a eu tout à l'heure l'organisateur justement de l'expo qui nous a dit qu'il y avait plus de 50 millions de possibilités. Donc on verra. On est pas mal. On va tester directement avec Sandro, hein, la première. Hein, on met pas tous ensemble? Ah, tous ensemble tu veux? D'accord, bah, ok. Ouais, alors, alors tous ensemble. Attends, attention, moi, donc alors je vous explique. Donc, on a reçu un petit bracelet électronique. On va le mettre devant le capteur. Et à ce moment-là, eh bien nous verrons quel personnage nous sommes. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Hop là. C'est bien, bon. Évidemment, le mien ne marche pas. Si, c'est bon, c'est bon. Ah si, c'est bon, parfait. Alors, on se recule un petit peu. On va vous expliquer. Ah putain, moi je suis un nounours. Et moi, je suis resté fidèle à moi-même. Et je tu as fait Chewbacca. Je suis Chewbacca fermier. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est pas mal. Hein. Polo qui ressemble à un être humain normal. Ouais, hein. Un vrai guerrier Jedi. Voilà. Je suis magnifique. Voilà, moi, je suis un ours plutôt Dark Vador. Polo est plutôt Yoda. Avec Yoda. Sandro est avec Yoda également, mais elle a une tête un peu bizarre. Et puis, bah, Tofbacca et Tofbacca, hein, Chewbacca. Ouais. On va vous montrer ça évidemment sur le Facebook. En tout cas, c'est très pratique. Ça donne vos petits avatars comme ça. Quand vous avez terminé l'expo, c'est le petit côté en plus. Voilà, donc si vous voulez choper vos places, justement, vous faites comme Tristan, vous appelez le 01 42 48 5000. Tristan, en tout cas, on va te filer tes deux places, il n'y a pas de problème. Bah, c'est super cool. Je me kiffe. Avec grand plaisir. T'as vu tous les épisodes de Star Wars? Enfin, tous ceux disponibles, ah, évidemment. Ah, ouais, ouais. Vu et revu, même. Ah, vu et revu. Et c'est lequel ton préféré? Ouais, je sais pas. Je dirais le 6, parce que. Le 6 c'est la fin. Ouais. Pourquoi le 6? Bah parce que je trouve que la fin est bien et enfin voilà, c'est le meilleur de Luc, donc. C'est le meilleur, d'accord, ok, très bien. C'est le meilleur. Bon, eh ben écoute, parfait. Bah Tristan, avec plaisir, tu repasses sur Fun Radio quand tu veux. Y'a pas de soucis. Salut, à bientôt. Salut Mika. Ciao, ciao, ciao. Et donc là je suis en train en direct de rentrer mon adresse mail pour que on puisse m'envoyer mon petit avatar. Ouais, et vous allez pouvoir faire pareil évidemment quand vous serez venu. Vous allez pouvoir avoir votre avatar également sur votre mail. Je le mettrai sur le Facebook de l'émission, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. En plus il y a un descriptif de ton personnage après qui va arriver. Donc t'auras tes qualités, tes défauts. Ah ça t'auras, c'est cool. T'auras une espèce de petit mini bio de ton perso. Voilà, donc l'envoi sur mikael@funradio.fr, c'est réussi. Hop, c'est plié, on va pouvoir rentrer dans le studio maintenant, c'est cool. On a également quelqu'un d'autre qui est avec nous dans le standard, mais j'ai oublié son prénom, Kassim. Est-ce que tu peux m'aider, Kassim, qui pousse les boutons à la radio? Aurélien, exactement. Comment ça va, Aurélien? Salut Mickaël, ça va et ça? En forme? Très très bien, ouais, très très bien, Aurélien. Tiens, attends, on va demander aussi à Fonf qui pousse les boutons le matin chez Bruno. T'es quel personnage toi, Fonf? T'as déjà fait? Je suis un Wookie, moi. Ah, t'es un Wookie, toi? Je suis un Wookie, ouais. Mais ça m'étonne pas vu ta barbe. Ouais, bah c'est ça. C'est pour ça que j'ai pris ça. Bah écoute, c'est un Wookie. Et Toff, il a pas pu s'empêcher de te mettre partout, hein, ouais, regarde, je vais mettre sur tous les écrans. Ouais, ça. C'est ça. Qui est con, ouais. Ouais, bah ça, on peut faire uniquement quand on est à la fin de la journée. Parce que sinon, il y a un peu plus de monde, évidemment. Ils sont déjà en train de tout couper. T'as vu ta tête? Non, mais ils ont dû voir, tu sais, dans les PC sécurité. Ouais, ouais. Ils vont dire, il y a un connard qui s'amuse en bas, là. C'est ça. Bon, donc du coup, Aurélien, tu es fan aussi, toi, de Star Wars? Ouais, carrément. Parfait. Quel est ton épisode préféré? Le 1 de... Je me suis perdu, les gars. Attends, viens nous rejoindre, Polo. Il s'est paumé, là. C'est quoi tu m'as dit, Aurélien? Le premier épisode de la seconde série. Donc le 1-1, quoi. Tout à fait. Pas le 1-4, puisque ça commence à 4 à la base, il faut le savoir. D'accord, ok, très bien. Eh ben écoute, on va te filer tes places en tout cas. Tu vas pouvoir venir avec la personne de ton choix. Tu vas venir avec qui? Tu connais quelqu'un qui est fan de Star Wars aussi? Soit ma copine, soit ma meilleure pote, je sais pas encore, toi bien. Soit ta copine, soit meilleure pote. D'accord. Eh ben écoute, il n'y a pas de soucis. On va te filer tes places maintenant. Et puis les autres, je crois qu'il doit peut-être encore rester un petit peu. S'il n'y en a pas, on trouvera bien. 01 42 48 5000. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous, il n'y a pas de problème. Mais tu crois qu'on peut piquer des trucs maintenant que c'est fermé? Non, Tof, tu touches absolument à rien du tout, surtout. Tu l'as j'ai pris à ça là. Mais je voulais un vrai sabre laser. J'ai pris la tunique de Anakin Skywalker. Non. Mon t-shirt pourri dessus à la place. Voilà, c'est ça. Bah, vous ne touchez à rien. Parce que je rappelle que l'expo est là jusqu'au mois de juin. Et qu'il y a un moment, il y a les fans qui voudront voir également. Voilà. Et puis si tu veux pas te prendre un coup de sabre. Voilà. Si tu veux pas te prendre un petit coup de sabre, il vaut mieux que tu laisses effectivement tout à sa place. Voilà. Bon, bah, salut Aurélien. Salut, bonne soirée, merci. Et à bientôt, ciao à toi Aurélien, bye. Ciao. Bon, alors ce qu'on va faire nous dans quelques minutes, c'est que déjà on va revenir en direct dans les studios, évidemment. Si vous avez encore quelques petites questions à propos de Star Wars, profitez-en. On est là donc jusqu'à 23h, encore pendant 20 minutes. Juste après, on fera l'émission normale, hein, Mickaël No Limit à partir de 23h. Si jamais vous avez envie de participer également, n'hésitez pas, hein, si vous voulez participer au JO qu'on fera tout à l'heure. Si vous voulez participer également à la colle pour pouvoir justement peut-être repartir avec les packs, c'est les derniers qu'on vous offre. Offrira toutes les 30 minutes à partir de 23h les boîtes à désir My Crazy Collection offertes par Toff. Et parti. Ah voilà, c'est ça, je me disais bien que je t'entendais mal. Par medesou.fr, voilà, vous pouvez vous inscrire maintenant, vous appelez le standard, donc 01 42 48 5000. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur le Facebook, donc facebook.com/mikl officiel. Je vous cale aussi le son de Eric Arborès dans quelques minutes avec Get Ready sur Fun Radio. Et puis je vous ai mis également un truc, puisque c'est la Saint-Valentin, je vous le rappelle, demain je viens de vous mettre également le top 29. Oui, c'est bizarre de faire 29, mais bon, top 29 des photos de mecs avec leur copine imaginaire. Voilà, on y croit croirait presque un mec qui a une espèce de fille qui est méga bombasse en carton et on a l'impression qu'il est vraiment sur son corps. Bref, allez voir facebook.com/mikl officiel Eric Arborès. On va s'écouter ça dans quelques minutes sur Fun Radio en direct. Bonne soirée tout le monde. Mikl, son sabre laser, son vaisseau spatial, en route pour l'aventure sur Fun Radio. Même Chewbacca est fan de Mikl No Limit sur Fun Radio. Oui, on sait, toi aussi R2. Mikl No Limit. En direct de l'exposition Star Wars Identity à la Cité du Cinéma sur Fun Radio. Exactement, et c'est la dernière ligne droite. On est toujours en direct donc de la Cité du Cinéma. Mmh. C'est à Paris, à Saint-Denis, Star Wars Identities, qui va durer comme ça jusqu'au mois de juin. On a fini pas mal de places, peut-être même un petit peu trop. Ouais, c'est... mais c'est pas grave, tant pis. En même temps, il y en a. On s'arrangera. Mais oui, on s'arrangera clairement. Bon, et on a Anan qui est avec nous maintenant. Là, comment ça va? Qui est hyper stressée parce qu'elle passe à la radio. C'est juste que c'est la première fois pour moi que je parle à la radio. Et ben voilà, tu vois, ça se passe très bien. Ouais, mais non, mais là, j'ai le cœur qui va, c'est affolant. Bah, c'est ce que tu veux que je te masse, Anan. Oui. Tu veux que je te masse le corps, comme ça. On va éviter. Pour te calmer. Je suis au travail. Bon, Et alors, moi aussi. Mais on peut se retrouver après si tu veux. Voilà. Non, ça va pas le faire non plus. Et Anan, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Alors, moi, je voulais juste passer un grand merci. Je voulais passer un petit message et dire un grand merci à toutes les équipes qui ont permis que cette soirée soit aussi réussie. Voilà, on peut applaudir. Oh, applaudissez merci. Les équipes là. Alors un grand merci à Yann Lemeur, le régisseur de l'exposition Star Wars, et aussi à l'agence Aélis qui et à ses belles hôtesses qui. Surtout qui la petite blonde, regardez là. Surtout la petite blonde qui était un peu partout sur l'événement. Elle est magnifique. Voilà. Très bien, et qui sait, si je ne m'abuse, qui a fait une petite photo avec Chewbacca? Oui, bah, il y en a plein qui ont fait des photos avec Chewbacca. Évidemment, d'ailleurs, toi, t'es ravi. Ah, bah, j'ai adoré, oh c'était là mon seul moment de gloire de la soirée. Tu m'étonnes. Bon, très bien. Encore, voilà, mais écoutez, merci beaucoup, et puis bonne soirée à vous. Et merci, avec grand plaisir, merci d'être passé, gros bisous à toi. Au revoir. À bientôt. Il y a Augustin qui est avec nous maintenant de Rouen, là. Salut Augustin. Salut Mikl. Comment ça va? 70 ans, Augustin, dis-moi. Non. Allez, t'en veux à tes parents ou pas pour le prénom, là? Non, pourquoi? Allons comme ça, parce qu'Augustin n'est peut-être pas forcément non plus le prénom le plus facile à porter en 2014, et bon, voilà. Moi, j'aime bien. Mais c'est le principal, Augustin. Au moins, il est quasiment sûr d'être le seul à le porter. Ah ouais, ça c'est clair qu'en classe, normalement, t'en auras pas deux. On est trois dans mon collège. Quoi? Ah, il y a une conspiration, en fait. Ah putain. Il y a trois Augustins dans le collège. Ouais. Pas mal, bah écoute, comme quoi tout arrive, hein, finalement. Bon, alors, Augustin, qu'est-ce qui t'amène? J'aimerais poser une question, s'il te plaît, Mikl. J'ai rien compris. Tu dis quoi? Poser une question. Ah bah vas-y, bah bien sûr, vas-y, profites-en. Alors on a Polo qui est le dernier spécialiste qui reste de Star Wars. Je vous écoute. Parce que bon, moi je maîtrise pas beaucoup, j'ai un diplôme, mais... de Star Wars. Oui, il est un grand fan, moi. Ah bah tant mieux, alors vas-y, on t'écoute, alors c'est quoi? J'aurais aimé avoir des informations au sujet de la trilogie donc qui allait bientôt sortir, là, j'ai entendu parler. Ouais. Donc je voulais savoir si c'était vrai ou pas que il allait avoir une suite à Star Wars. Oui, ah oui, c'est vrai, oui, c'est ça, ça a été racheté par Disney, parce que George Lucas voulait pas faire les suites, et donc comme ça appartient à Disney, ils vont faire les suites, sans George Lucas. Voilà. Il sera conseillé sur le... Voilà, merci à Patrice qu'on a reçu tout à l'heure, là, qui a raconté exactement pareil, mais on le sait, c'est vrai. Et puis voilà, et puis moi je jouerai dans un des Star Wars, je serai un nouveau personnage un peu plus puissant que les autres, je serai le méga. Voilà, il sera le bouffon, ouais, il sera dans un Star Wars, il sera le bouffon. Voilà. Le méga empereur. Info que vous ne retrouverez pas sur starwars.com. Surtout pas, non. Et certainement pas sur le Facebook de Patrice Giraud non plus, qu'on a reçu tout à l'heure, qui est donc le spécialiste de Star Wars. Ouais. J'ai écouté un petit peu. D'accord. Et t'as regardé quoi, toi? Tu les as tous regardés déjà, les épisodes? Revu des centaines de fois, tous. Qui t'a fait découvrir Star Wars? Mon père. Ton père. Mon père était un grand fan, et il avait été aux avant-premières, donc il m'avait fait regarder les DVD, tout ça. Donc, D'accord, ok, très bien. Bon, bah écoute, alors plutôt une bonne nouvelle, parfait, ouais. Augustin. Et elle? Oui, Augustin. Tu peux te demander une petite faveur, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un CD? Non, j'aimerais... Tu veux un DVD? Non. Pomme, tu veux un t-shirt? Non, tu veux... un pins? Tu veux... qu'est-ce que tu veux? Tu veux une canette de Coca? Non. Est-ce que tu veux un lion, peut-être? Non. Qu'est-ce que tu veux? Une photo dédicacée. J'aimerais dédicacée. Non. Mais chrono j'aimerais jusqu'au bien bout. Deux places pour aller voir l'exposition Star Wars. Pour aller voir quoi? Putain, ça a coupé. Eh bien, Top s'engage. Ah, tu vas pas dessiner. D'accord, on va te filer des places de ciné. Voilà. Non, tu veux quoi? Des places pour venir à l'expo? Oui, s'il te plaît. Tu vas venir avec ton père? T'habites où, toi? T'habites à Rouen? Oui, bon, ça va. À Rouen, 1h30. Oui, t'as déjà vu avec ton père? Oui, il serait d'accord, vous inquiétez pas. Ouais, mais t'es sûr, oui. Parce que oui, il sera d'accord. Certain. Oui, sûr. Parce que si on gaspille des places et qu'on t'enfile et que tu viens pas, ça va barder. Hein. Ah non, mais t'inquiète, moi je t'enverrai même une photo si tu veux. D'accord, ok, deal. Oui, je t'enverrai une photo, vas-y, deal, ok. Ok, sinon tu me rembourses les places en cash. Ouais, si tu veux. Ah, tu vois là, je sais pas, hein, c'était la contrepartie justement là, Augustin. Okay, okay. Bon, et bah parfait. Bon, bah salut Augustin, on va te filer tes deux places, tu vas gérer ça avec le standard, d'accord ? Ouais, continuez comme ça, vous êtes génial. Merci Augustin. En fait, oh, effectivement. Salut Augustin, à bientôt. Merci. Ciao, à bientôt, bye bye. Et puis on va se faire. On arrive à la fin déjà. Hein. Merci à tout le monde de nous avoir accueillis ce soir à la Star Wars Identities, tout à fait. Qu'est-ce qu'il fout encore là, monsieur Fonf là ? Monsieur Fonf ? Non mais mec, il est 22h52, demain matin, comment ça se passe avec Bruno là ? Et dormir. Bah il y a le temps là. Comment t'expliquer que tu restes dans 5 heures tu te lèves là. Ouais c'est ça, 5 heures. Voilà. Ça va ? Et alors comment c'est ça va se passer ? C'est vendredi demain. Difficilement. Ouais difficilement. Ouais. En fait il peut dormir dans sa barbe. Fonf c'est celui qui pousse les boutons le matin avec Bruno à partir de 6 heures. C'est plus que ça. C'est une légende. Ouais, c'est un homme. Wait for it. C'est plein de choses. Legendary. Exactement. Complètement. Bon alors pour terminer Fonf t'as fait le tour. Qu'est-ce qui t'a plu le plus ? J'ai fait le tour. Mais bien sûr, j'ai fait le tour. L'exposition. Non, ce qui m'a plu, c'est ouf, c'est sur les dessins d'avant de la découverte du film, de la préparation et tout, ça c'est ouf. Les costumes sont ouf, tout est ouf. Tout pour est les fans de Star Wars, c'est ouf. De Star Wars. Exactement, ouais, très bien. Est-ce que Dark Vador est fan de ta barbe ? Je sais pas, je l'ai pas vu. Il est pas merde. Venu me voir. Putain, t'aurais dû lui demander. Oh, c'est dommage. Bon, va parle pis, c'est pas grave. Je suis ton père. Et je suis fan de ta barbe. Ça aurait pu bien aussi. Bon, retour demain matin donc de Monsieur Fond, bien entendu. 6h-9h avec la légende pour la dernière de la semaine. Avant la dernière semaine, avant les vacances. Avant les vacances. Exactement. Une semaine. Ah bah oui. Et tu pars où ? Sur quelle constellation ? Au ski. Ah, au ski, d'accord. Ah, c'est bien pas aussi. Mal. Oui, bon, au ski dans sa barbe. Voilà, c'est ça. Il va skier dans la barbe. Bon bah voilà. Bruno dans la radio demain matin à partir de 6h du mat sur Fun Radio. Et puis bah nous on va démarrer dans quelques minutes avec Mickaël No Limit à partir de 23h. Alors plus ou moins évidemment. Il faut le temps qu'on parte. Plutôt plus que moins d'ailleurs. Bah, plutôt plus que moins. Ouais. Il faut le temps qu'on parte du studio. Les gars, il y a un vaisseau qui nous attend. C'est vrai qu'avec le vaisseau ça va plus vite. Ouais. Donc voilà, le temps de prendre le taxi, hop, d'arriver jusqu'à la radio. Évidemment, on vous a calé un chéri, je peux te faire cocu. Légende. De Legendary, exactement. Magnifique. On va se le mettre dans quelques minutes, justement. Vous allez pouvoir le réécouter. Pour ceux qui connaissent pas encore le chéri, je peux te faire cocu, le principe est très simple. Vous êtes, imaginons que c'est une fille qui veut le jouer, évidemment, mais ça marche dans les deux sens. Une fille veut jouer, il suffit simplement d'appeler son copain ou sa copine pour lui faire croire qu'elle a rencontré quelqu'un, en l'occurrence Michel, bien entendu, hein, homme beau, sous tout rapport, oui, agréable, grand, gentil, fort, etc., etc. Riche. Tout presque célèbre. Bah complètement. Et de lui faire croire en fait qu'elle a envie de coucher avec lui juste un soir. Voilà, tout simplement. Normal. On demande son autorisation en gros au mec. Donc si d'ailleurs vous voulez participer, on joue à ça tous les lundis, bien entendu. 01 42 48 5000. Vous pouvez nous appeler où que vous soyez en France, évidemment. Et vous pouvez venir nous rejoindre sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. En tout cas, je vous invite à venir voir cette exposition justement si vous êtes fan. Et même si vous n'êtes pas fan et que vous voulez découvrir. Voilà, si vous ne connaissez pas Star Wars, enfin vous connaissez pas, vous connaissez tous, mais vous n'avez pas encore forcément vu les films, bah vous pouvez venir la voir et vous certainement regarder les envie, films juste après, envie. Je pense, exactement, ouais. Passez une bonne soirée en tout cas pour ceux qui ont l'habitude d'écouter Love in Fun. Retour de Love in Fun lundi à partir de 20h. Merci à tous ceux qui nous ont accueillis ce soir. À Bruno qui a poussé les boutons, bravo, évidemment, Bruno. Comme d'habitude, grand talent, hein, grand talent, évidemment. Bon, il n'y en a que deux qui applaudissent, mais bon. Non, c'est pas vrai. Elle est restée là également. Petite, c'est beau, c'est beau. Voilà, on se retrouve dans quelques minutes en direct des studios de Fun Radio. A tout de suite pour Mickaël No Limit jusqu'à 2h du mat. Tous les soirs, 23h, 2h. Mickaël No Limit. Sur Fun Radio. Fun Radio. Attendez la suite. Mickaël No Limit. C'est tous les soirs sur Fun Radio. C'est parti, vas-y Pauline. Allô. Andy. Oui. Ouais, en fait, je t'appelle parce que la semaine dernière, j'ai rencontré quelqu'un. Ouais. Et tout à l'heure, tu dis que sortait. Et en fait, bah, c'est juste pour dire que, bah, en fait, j'étais chez lui. Comment ça, t'es chez lui ? Bah, voilà, quoi. Je suis avec lui à ce moment-là, et voilà. T'es avec lui ? Bah, ouais. J'avais peur par action, j'avais peur de tout ça, donc je n'ai pas pu le dire, et voilà. Pourquoi t'es chez lui ? On va faire un puzzle ! Oh là là ! Ouais, bah là, on va faire un Uno. C'est lui. Bah, après, voilà, je sais pas trop quoi te dire, je suis chez lui, et après, ça va pas te comprendre. Hein.

Bah elle va bien, mais excuse-toi et on oublie tout. Ouais, ouais, tout à fait, je me suis dit, ouais, tout à fait. T'as vu la verge, toi? Bah non, mais par contre, elle va voir ma verge, enfin, c'est un autre problème. Bon, mais allez. Donc, je suis lui. Mais excuse-toi et on oublie tout et, et on fait rien, voilà. Et genre, je vais te tuer. Non, mais déjà, non, mais... Déjà, toi aussi, quand tu vas rentrer. Bon, alors, Andy, donc tu préfères que je me tape ta meuf ce soir plutôt que tu me dises, ok, c'est bon, je m'excuse, Michel, pas de problème, merci, au revoir, adieu, et puis on n'en parle plus. Non, je préfère juste démonter ta gueule. Non, mais ouais, mais le problème, non, c'est que si ça, ce qui n'arrivera pas de toute façon, mais bon, ça voudra dire, que je me tape ta meuf quand même. Donc tu préfères que je me la tape. Là, je peux rien faire. Mais bah t'as juste à me dire, ok, c'est bon, je m'excuse, Michel, pas de problème, allez, à plus. Et basta, terminé. Il va voir les excuses. Voilà, allez, excuse-toi. Bah, je t'enculé, tu vas voir les excuses. Allez, excuse-toi. Oh là là. Vas-y. Connard, va. Ah, en plus, t'en rajoutes. Connard, va. Allez. Ça fait deux fois que tu le repasses. Excuse-toi. Connard, va. Ça fait trois fois maintenant. Connard, va. Ah, tu peux continuer, hein. Ah, bon, si tu veux, bon, après, j'ai pas de problème. Bon, tu veux pas t'excuser, alors? Tu veux pas t'excuser? Mais t'es dingue, toi. Mais non, mais excuse-toi et on arrête là, c'est tout, c'est terminé. Alors, tu me dis tu vas te taper ma copine et je m'excuse. Ben justement, parce que tu m'as insulté, tu m'as mal parlé deux, trois fois. Donc c'est pour ça, excuse-toi, je mets ta copine dans un taxi et il se passe rien. Voilà, hop, elle rentre à la maison, hop, ni vu ni connu, mais si, toi, je vais te connaître, toi. Bon, elle m'a déjà fait on va dire c'est les préliminaires, ça compte pas. Eh, hein. Tu vas voir, vous finir les préliminaires. Attends, je vais te connaître, moi. Bon, Andy. Quoi? Tu veux pas t'excuser, t'es sûr? Bien sûr, je suis sûr. Ah, t'as cru quoi? T'as vu, Pauline, il devrait s'excuser, t'es d'accord avec moi? Ouais. Ah, là, d'accord. Ouais, je suis d'accord, t'as manqué de respect en même temps. Ouais, envers Michel, ça se fait pas. Et là, c'est pas du manque de respect, ça, peut-être. Non, et ça se fait pas. Et ça se fait pas du tout. On demande l'autorisation avant. Bon, Andy. Vous avez l'autorisation du jour. Andy! Oh! Ta gueule. Oh! Concrètement, ferme-la. Oh! Quoi, oh? T'es en direct sur Fun Radio. T'es en direct sur Fun Radio. Oh là là, c'est une vanne. Si on peut plus rire 5 minutes maintenant. Oh là là. Mais arrête, quoi, tu crois que je vais rire avec toi? Mais oui, mais t'es oui. Sur Fun Radio, il s'est rien passé. Pauline est chez sa mère là. T'es chez ta mère, Pauline? Mais oui, je suis chez ma mère. 23h, 2h. Fuck! Mickaël No Limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. 23h, 2h. Test down. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est là, ça y est. Et yeah, ouais. Oh putain, la course. Ah. C'est bon. Non, on est bon, on a un peu couru, mais. Et c'est bon. Et en même temps, on a rien à foutre, on est jeunes, On est des warriors. On est des warriors, on a pas de soucis, putain, je suis mort. Comme on a de la chance, on a perdu Tof. Ouais. On a perdu ce sac à merde. Je pense que ça va me faire. Du sport. Là, oui, ça c'est sûr, mais je pense qu'on est bon pour. 100 mètres, mais d'ici quelques semaines. Ah, c'était quelque chose, hein. Ouais, on est bon là. Eh ben c'est ça, oui, bah on est en retard. Ouais, mais c'est bon. Ça peut arriver à tout le monde. Bon, il y a Victor qui est avec nous et on a Fabio aussi pour la colle là. Salut Victor. Salut tout le monde. Comment ça va? Ça va, très bien et vous? T'es en pleine forme? Ah ouais, autant que toi, je vais pas te courir le 100 mètres, mais ça va. Ouais, bah c'est clair. Et non, bah forcément, on est un peu à la bourre là. Donc, mais ça a bien se passer, on est bien, on est là, on est arrivé, tout va bien. On a toujours perdu Tant mieux. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, hein, il est toujours pas là, je sais pas où il est. Avec un peu de chance, il est mort. Avec un peu de bol, avec un peu de bol, effectivement. On va le retrouver dans le sac d'égout. Bon, oui, c'est ça, oui, peut-être, ouais. Bon, Victor, le temps qu'on reprenne notre souffle, tu appelles de Marseille, t'as 22 ans, toi, c'est ça? C'est ça. Très bien. Merde, Tof est là. Oh merde. Oh, merde. Je pensais qu'on l'avait paumé, mais en fait, non, pas du tout. Oh, la déception totale. Oh, désolé, les gars. Cherchez son maillot de bain. Mais oui, bah, c'est ça, ouais. Le maillot de bain que vous pouvez voir sur la vidéo, bien entendu, hein, la vidéo des Jeux Olympiques de Sochi, hein, ce sont nos Jeux Olympiques, en fait, tout simplement, en toute simplicité. Bon, de quoi on va parler avec toi, dis-moi, ami Victor? En fait, ma copine m'a proposé un plan libertinage pour la Saint-Valentin. Oh, oh, sympa! Quelle cochonne, cette demoiselle. Eh, ça va, non, hein, tu non, te mets non, bien, toi? Ouais, ça va, sauf que j'hésite encore, je sais pas. Pourquoi t'hésites? Parce que c'est ma copine, c'est avec un mec. Ça se refuse pas, mec. Non, c'est avec un mec. Un mec, elle m'a proposé des mecs, elle m'a proposé des filles. Non, le fais pas. Si c'est avec un mec, moi je suis dispo. Non, ça va. Mais toi, évidemment, comme tout bon mec qui se respecte, t'as envie de le faire, mais avec une meuf. C'est ça, exactement. Si ça doit se faire. Bah pourquoi t'hésites puisqu'elle t'a proposé? Non, parce qu'elle m'a proposé soit avec un mec ou un couple. Mais elle fait voilà. pas. De quoi? Ah, donc à 4 en l'occurrence alors. Ouais, soit à 4, soit qu'avec un mec. D'accord. Ah ouais, ok, ouais. Bah vu comme ça, effectivement, c'est différent, ouais. Bon, écoute, ouais. Et tu veux savoir quoi? S'il y a des gens qui ont déjà testé? C'est ça, qui ont déjà testé, qui vont dans les boîtes libertines. Bah écoute, alors, personnellement moi j'ai jamais testé parce que c'est pas un truc qui m'intéresse, les plans. Sur un plan 3 j'ai jamais essayé et franchement ma meuf me posera la question que je suis pas. Je suis pas plus intéressé que ça en fait, je m'en fous, j'ai pas spécialement envie. Je sais qu'il y en a qui vont trouver ça surréaliste et qui n'attendent peut-être que ça, mais si jamais ça m'arrive, moi je m'en fous. Bon Tof, c'est pas la peine de poser la question. Bah non, moi ça me dégoûte, moi j'aime pas ça. Oui c'est... oui bah bien sûr. Oui, d'accord. Moi je fonce tête baissée. Et c'est ça, la tête baissée, bien sûr. Oui, bite dressée. Oui. Bite dressée, exactement. Bon, écoute, on va poser la question à tout le monde. Polo, t'as déjà testé toi, plan plusieurs? Non, j'aurais bien voulu, mais j'ai jamais eu l'occasion. Jamais eu l'occasion, ouais. Bah, déjà, il faut arriver à en trouver une. Déjà une. Arriver à la première, quoi. Ouais, c'est ça, il faut arriver à trouver sur la première. Mec, alors, 4 d'un coup, t'imagines un peu la violence quand même, là. Ça doit pas être facile, c'est clair. Bon, et comment est-ce qu'elle t'a proposé ça, au fait? Bon, en fait, ça fait déjà plusieurs mois qu'elle me parlait d'aller dans un club libertin. Ouais. D'essayer avec un couple d'amical à elle et tout. Moi j'étais pas trop chaud. Et là en fait ça fait on va dire depuis un mois qu'elle me dit à Saint-Valentin ce serait bien qu'on fasse ça et voilà. Moi je sais pas quoi, je lui dis je sais pas. Bah il y a un moment il faut lui dire non quoi. Elle m'a même proposé des amis à moi et tout. Ah ouais carrément, donc en fait elle a fait. Donc, attends, mais elle est vraiment chiant en fait, c'est-à-dire qu'elle veut. Elle veut se faire fourrer. Non mais elle veut faire ça, mais parce que vraiment elle est. Elle est info. Non mais pas forcément, tu peux faire un plan à plusieurs sans pour autant être info. Ah c'est sûr, en plus ça fait plus d'un an que je suis avec elle et ça fait 5 mois qu'elle me parle de ça. Bah ouais, non mais voilà, c'est ça. Il y a Dédé qui dit Tof était déguisé en Chewbacca, mais avec sa tronche, je dirais plutôt qu'il était Chewbacca. Oui, ça c'est vrai aussi. Chewbacca, pardon, attends par moi. Il y a Christophe aussi qui dit un coup de pelle pour le retard. Oui, bon, ça va, j'ai pas ma pelle là. Attends, faut que j'aille la chercher dans la cave de la radio. Il y a Devers45 qui dit mec, si t'es essoufflé, il va falloir te mettre au sport plus souvent. Ouais, c'est vrai, à côté de ça, on était quand même, j'avais mon sac, tout le bordel, on était chargé, j'ai monté les 3 étages deux par deux, voire même 3 par 3 au niveau des marches. Donc voilà. Je sais pas si c'est une excuse. Moi je croyais que t'avais sauté toute la rampe d'un coup. Toute la rampe, j'ai essayé, mais il ça a pas bien volé. Mais oui. J'aurais pu. C'est Mickaël ou c'est pas Mickaël? Il a utilisé la force. Peut-être que c'est moi, mais quand même malgré tout, ça n'est pas possible. Bon, Victor, tu sais que tu vas te faire certainement insulter par beaucoup là, parce que. C'est-à-dire que des mecs qui souhaiteraient faire un truc à plusieurs, comment te dire qu'il y en a plein hein. Ah ouais, je me doute, mais ouais, mais bon. Mais y a le mec, c'est ça qui me pose problème en fait. Bah, et pourquoi pourquoi pas? Mais pourquoi tu proposes pas à ta meuf justement J'ai déjà proposé. Et qu'est-ce qu'elle dit? Ouais, elle est pas très chaude, c'est le bon terme en plus, c'est vrai, elle est pas très chaude, elle préfère aller avec un mec en fait. Oh, mais elle refuse. Voilà, c'est ça, ouais. Non, il faut elle me dit si tu veux une fille, on fait un plan avec un couple. On fait un plan avec un couple. Bon, écoute, voilà. T'as envie de dire. Ok, forcément un mec dedans, en fait. Oui, mais écoute, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en parler. C'est encore plus simple. Hein. On va en parler dans quelques minutes. Si vous avez envie de balancer vos avis, hein, vous avez déjà testé à plusieurs ou pas, appelez-nous 01 42 48 5000 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et puis demain, c'est donc le 14 février. Ah là là, on va en parler. Mon Dieu, on va en parler. Ne bougez pas de là. Et puis Victor, reste là aussi. On va se mettre le son de Pharrell Williams avec Happy maintenant, d'accord? Très bien. Vas-y, t'es d'accord. Bon, tant mieux. Oui, parfait. Allez, bouge pas de là, 23h26 sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit, on démarre avec un petit peu la bourre, mais c'est pas grave. On revient juste après le son de Pharrell Williams maintenant, c'est Happy sur Fun. Pour bien comprendre, Mickaël No Limit, c'est... Excusez-moi, on a été coupé, madame. C'est moi qui ai coupé, allez au diable. Et c'est aussi... Bah moi je vous emmerde et tu nous fais pas chier, tu nous fais abarder. Mickaël No Limit, de 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, bienvenue si vous venez de débarquer là, 23h31, c'est Mickaël No Limit. Et je le disais, ouais, demain c'est la... Oh mon Dieu. Saint-Valentin, ouais, yeah. Je sais, oui, ça fait c'est peur. C'est dans une demi-heure même. Oh, quelle horreur. Oh là là. Mais il faut savoir, attention, que le 13 février, c'est la Saint-Valentin des infidèles. Oh, bah non. Véridique, hein. Donc, comme ils doivent aussi faire la Saint-Valentin avec leur amoureuse officielle demain, etc., eh bien, ils le font avec leur maîtresse aujourd'hui. Ah. Donc, venez nous dire, les infidèles, là, comment est-ce que vous faites, vous, pour gérer un peu le bordel avec la Saint-Valentin? Ce soir, tu sors, donc. Ah, bah ouais, moi je rejoins une meuf après l'émission. Hein. Ah, bon, bah très bien, tu vas baiser. Bah oui. Évidemment, sinon ça ne sert à rien. Bon, dites-nous comment est-ce que vous gérez, vous, sinon je suis tombé aussi sur une autre info. C'est le nombre de passes chez les prostituées qui n'arrêtent pas de diminuer. Ah bah alors quoi, on va plus aux putes. Bah écoute, en fait, parce que les mecs préfèrent de plus en plus tromper leurs copines sur les sites de rencontres. Mais donc du coup, en fait, il y a une profession qui marche de mieux en mieux. À votre avis, c'est laquelle? Quelle profession marche de mieux en mieux? Fleuriste. Non, les gynécos. Les gynécos, non. Non, vas-y. C'est quoi la bonne réponse? Alors? Bah je sais pas, attends, laisse-moi réfléchir, c'est pas les gynécos, je sais pas, les fleuristes, non, on a déjà dit. Non, les fleuristes, on a déjà dit, non. Les bijoutiers. Non, les détectives privés, parce que bon, forcément, après, il faut enquêter. Bah oui. Eh bah voilà, c'est ça. Donc en attendant de voir si vous avez des bonnes idées, en l'occurrence, qu'est-ce qui pourrait bien marcher, hormis détective privé, quand on trompe sa meuf? Enfin, quand on trompe pas sa meuf, mais qu'est-ce qui pourrait bien marcher, justement? Eh bien, venez nous dire, justement, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Bon, Tof, tu vas appeler tes amis, là? Mais oui, allons-y. On va leur demander s'ils préfèrent tromper leur femme avec une pute ou avec une meuf rencontrée sur Internet. Eh ben voilà, allez, bon, voilà. On y va. Et toi, Victor, tu préfères quoi? Moi, je préfère, je sais pas, en fait. Hein. Tu sais pas. Merde. Bah, t'es dans la merde. Bon, de toute façon, t'as déjà une autre question, toi, avec ton plan à plusieurs, donc reste avec nous. On va faire les premiers appels maintenant avec les numéros que vous avez envoyés sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Reste avec nous, Victor. On fait le premier appel maintenant. Oh merde, excusez-moi, c'est Addicted to You, là, qui va débarquer d'ailleurs dans un instant. Hein. Voilà, j'avais mal mis au mauvais endroit. Voilà, celui-là il va débarquer dans quelques minutes sur Fun Radio, le son d'Avicii avec Addicted to You. Et donc le premier appel c'est maintenant et c'est avec Tof. On y va, c'est parti. Merci pour les numéros que vous avez déjà envoyés, c'est bien. Vous avez pris l'habitude d'envoyer même sans que je vous demande maintenant, c'est cool. Allez. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait je vous appelle parce que je voulais savoir, est-ce que vous préférez tromper votre femme avec une pute ou avec une femme rencontrée sur Internet? Non, arrête tes conneries là. Mais non! De sale face de rat là, que tu me veux là. Non, mais si tu, oui. Tu, avec une pute ou avec qui? Tu, je vais te chier à la gueule moi, tu vas voir. Tu vas tromper ma femme, gros PD que tu es. Ah non monsieur. Enculé, fils d'enculé que tu es toi. Toi tu dois pas avoir beaucoup d'amis dans ta vie, hein. Hein, tu dois y aimer les bons casques militaires dans ton cul toi, hein. Mais enfin tes monsieur. Gros glands là, arrête tes conneries. Mais parce que je veux savoir si vous trompez votre. Avec une pute ou avec une femme rencontrée sur Internet? Mais y a rien du tout, moi je trompe rien du tout, moi je la trompe avec ta mère, ça te va? Oui mais ma mère vous comptez... Franchement ta mère elle doit être bonne, non? Bah pas mal. Elle est bonne ta mère, franchement, ouais. Ah ouais? Ouais grave. Je crois que tu me la présentes, non? Bah je crois que vous la connaissiez déjà. Ah bah oui c'est vrai, je lui ai éjaculé à la gueule la dernière fois, mais c'est vrai, putain merde. Je suis con moi des fois. Bah oui. Ah, tu vois là, je suis un peu fatigué là, je suis encore au boulot et tu me casses les couilles là. Ah mais pas du tout. Tu me casses les couilles comme ça là. Mais je veux pas vous casser les couilles monsieur, je veux juste savoir. T'as envie de sentir mes couilles toucher tes couilles, c'est ça? Ah peut-être. Ah tu vas kiffer à mon avis hein, sentir mes couilles toucher tes couilles hein. Ah ça tu vas aimer à mon avis hein, mon c'est vrai petit gars. Ah à mon avis ouais, tu vas kiffer quand tu vas être à quatre pattes là. Hein. Ah oui. Tu vas en redemander hein. Et après tu sais ce que je vais faire, je vais t'attraper par tes deux oreilles. Oui. Hein, et je vais te violer la bouche, d'accord? Et je vais te casser les dents, ok? D'accord. Tu es content, je vais te violer la bouche là. Tellement que je vais te violer, après je vais te chier à la gueule. Ok? D'accord, monsieur. Alors viens plus me casser les couilles maintenant. Ok? Avec plaisir, monsieur. Petit fils d'enculé. Voilà, fils de putain même. Ok? D'accord. Ok, bon mais ça va. Allez, je t'emmerde, ok? À bientôt, hein? Sans amis, va. Je pense qu'on l'a compris. Sans amis, va. Je pense que nous avons compris. Oh là là, c'était bon. Il avait l'air un petit peu énervé, n'est-ce pas, Victor? Je crois que c'était bon. Ah ouais, putain, il va tuer. Un petit peu. On le rappelle ou pas? Ah bah oui. Ah oui, oui. Ah bah on rappelle chaud, encore un petit coup, là. On le rappelle encore un petit coup. Eh putain, enculé, va. Fils d'enculé, petit fils d'enculé. Oui, exactement. Allez hop, on le rappelle. À bientôt. Bouge pas, Victor. Allô? Oui, allô? Oh, encore toi, là, que tu me veux, là? Bah, je veux savoir si vous préférez être. Non, franchement, tu as pas d'amis. T'as vraiment pas d'amis quoi. Ah, ah. Tu cherches des amis ou quoi? Pourquoi je te plais? Tu me connais? On se connaît ou quoi? Non, non, on se connaît pas, mais peut-être qu'on pourrait plaire. Pourquoi tu as envie de sentir mes couilles toucher les tiennes, c'est ça en fait hein. Bah peut-être. Hein, parce que vu la voix que tu as, à mon avis, tu es un gros PD toi. Hein? Bah peut-être oui, enfin je me suis pas encore découvert alors. Mais qu'est-ce que tu me veux là? Mais qu'est-ce que tu veux? Bah, vas-y, dis-moi, raconte-moi. Mais non, je veux juste... si tu veux parler. Je sais pas, on dirait t'as un problème, non? Je sais pas, t'as pas autre chose à faire, je sais pas, non? Non, non, moi j'ai rien d'autre à faire. Ah ouais? Non. Putain, en plus tu me fais rire, espèce de con, va. Bah c'est déjà putain, ça. Putain, mais tu es vraiment con, hein, vas-y. Oh putain, mais qui c'est le mongolien que j'ai au téléphone là? Moi hein? Je m'appelle Tof. Tof comment? Bah Tof comme Tof. Stop. C'est ouais. quoi ce nom de merde là? Bah c'est mon nom. C'est ton nom, bah putain, t'as pas été gâté par la nature, hein. Et à ta naissance, t'avais pas un bec de lièvre pour avoir une voix comme ça? Non, mais par contre, j'ai pas de menton. T'as quoi? J'ai pas de menton. T'as pas de menton? Non. Ah, t'as, tu dois avoir une sale face de rat, quoi, en fait. Hein. Ouais, y a un peu de ça. T'es trop vilain, t'es une meuf, toi? T'as des meufs, non? T'es vilain, toi. Si tu savais. Si tu savais ce que je baise. Ah ouais? Ouais. Du thon? Rien. Ah, tu vas baiser du thon, toi. Hein. Du thon et de la sardine. Oh putain, en oh, mort de rire. MDR, quoi. Hein? Ouais. Bon. Oh putain, vas-y, qu'est-ce que t'as? Franchement, t'as pas d'amis, sérieux? Non, j'ai pas d'amis, mais je te rappelle. Allez. Tu me rappelles? Tiens, enculé, va. Ah, il était bon, lui, hein. Ah, il était chaud. Hein. Ah, il était. Il y a War Dragon qui dit aussi: je vais attraper tes deux oreilles et je vais te violer la bouche, petit fils d'enculé. Là. Petit fils MDR. D'enculé. Quelle violence. Ouais, alors à la fin aussi le MDR, mort de rire. Evelyne qui dit: merci de me faire rire, ma patiente. Attends, c'est quoi? Merci de me faire rire, ma patiente, l'équipe, elle oublie ses douleurs. Ah oui, la patiente, ouais. Et le bébé est pas pressé d'arriver, donc on est au taquet. Bon, bah, très bien. Il y a Simon aussi qui dit: ne me dites pas que c'est ce débile de Toff avec sa bête tête qui a mis le costume de Dark Vador. Si Win mérite un énorme coup de pelle dans sa gueule. Non, c'est Polo. Ouais, c'est Polo. Moi, j'ai mis Chewbacca. J'étais beaucoup plus beau. La photo est sur le Facebook. Hein. Vous pouvez aller voir pour les retardataires. Il y a Maxence qui dit: si sa meuf volait dans un club, c'est qu'elle a pas assez de sexe avec toi. T'as peut-être une petite bite, Victor. Non, ça va. Non, mais en même temps, ça n'a pas de rapport. Hein. Tu peux avoir un fantasme de d'avoir une relation à plusieurs sans pour autant avoir avoir un problème de cul à la maison. Hein. Il y a Simon aussi qui dit: sa meuf veut faire un plan à trois avec un mec, mais pas avec une meuf. Simple conclusion, elle veut se faire trancher par un autre mec. Ouais, ça doit être ça. Hein. Je sais pas, moi. Ah, non, ouais, elle m'a dit un couple, ça excite aussi. Un couple. Mais tu lui as posé la question de savoir déjà pourquoi est-ce qu'elle voulait pas faire avec une meuf? Parce qu'elle te propose un mec, c'est bien, mais pourquoi pas une meuf? Ben, je sais pas, elle kiffe la vérité. Ah. Moi, en fait, elle veut avec un mec ou un couple. En fait, moi, je m'occuperai de la fille, elle s'occuperait du mec, je crois. C'est d'accord. J'ai bien compris ce qu'elle m'a dit. D'accord, oui, ce serait bien d'avoir bien compris, effectivement. Ouais, attends, on va prendre. C'est mieux que si elle s'occupe de la meuf et toi du mec, quoi. Oui, c'est sûr. Bon, Fanny également avec nous de Toulon, là. Salut, Fanny. Bonsoir, Mickaël. Comment vas-tu? Bonsoir à tous. Ça va très bien. Bon, très bien. Fanny, sois la bienvenue. T'appelles de Toulon, tu voulais réagir à Victor, toi. On t'écoute. Oui, exactement. J'ai vraiment pris la conversation en cours pile poil, mais j'ai bien compris et j'ai bien ciblé le problème parce que je suis un peu dans le même cas que le monsieur. Moi, j'ai rencontré mon copain et lui, un peu les mêmes idées parce que c'était quelque chose qu'il pratiquait avant de me connaître. Il était libertin. D'accord. Donc, ouais. Moi, quand je me suis mise avec lui, ça a été très clair, net, précis, c'est mort. Je lui parlais de tout. Sinon, c'est même pas la peine. Tu fourras pas d'autres chats que la mienne. Ouais. Ah, mais complètement, c'est même pas la peine. Je le tue, je le flingue, enfin bref. Je tue donc, sa mère. Ah oui, t'es pas violente comme meuf. Non, elle est tranquille. T'as l'air bien, Fanny, toi. Hein. Non, on sent la nana pisse. Ah ouais. Bon, après, c'est pas quelque chose que je lui ai demandé. Il l'a fait de lui-même. D'accord. Je dirais, quand je me suis mise avec lui, de lui-même, il a tout arrêté. Et, parce que moi, bah, tu m'étonnes, il avait peur pour sa vie. Hein. Oui, bah, mais oui. Connaissant mon caractère et ma façon d'être, il s'est dit, bon, on va faire les choses bien. Cependant, c'est quand même quelque chose où on en parle, où on en discute. Et c'est vrai que, alors moi, je me mets un peu, enfin, je comprends un peu ce que la copine de Victor, c'est ça qui s'appelle, ouais, le jeune exact, homme. Exact, le jeune homme. Parce que lui, alors, pour moi, dans ma tête, moi, je pense pas comme lui. Moi, je suis quelqu'un, je suis d'entière. Moi, quand je suis avec mon copain, je suis avec lui, je partage pas. Je D'accord. reste avec lui, je fais avec l'amour avec lui, point barre. Lui, il voit pas du tout la chose comme ça. Lui, il voit plutôt, je pense, le plaisir du corps, le plaisir charnel. C'est une forme d'excitation et surtout pour mettre un peu de piment dans le couple. Ouais. Je dirais, si par exemple il pouvait faire ce genre de choses, ça changerait en rien à notre relation. Parce que pour lui, s'il m'a choisi, c'est qu'il m'aime. Ça ne retire en rien. Ou qu'il avait peut-être rien d'autre sous la main. Ouais, j'en sais rien. Ça ne retire en rien les sentiments qu'il a pour moi. D'accord. C'est juste que c'est un mec qui aime faire l'amour, qui aime le sexe. C'est plutôt vraiment pour mettre du piment. Alors après, est-ce que j'accepte ou j'accepterai pas? C'est hors de question pour moi, parce que pour moi, je ne peux pas partager le simple fait, par exemple, de penser que... Mais en tout cas, tu mets où? Ouais, tu partages pas quand tu le sais, quoi. Ah oui, mais même si je sais pas, parce que si elle sait pas, elle partage pas, mais bon. Ouais. Le problème, c'est que ce qui m'expliquait à l'ordre actuel, et c'est la vérité, beaucoup de personnes font ce genre de choses, mais font ça en arrière, donc ce qu'on appelle la tromperie. Non, ça s'appelle sodomie à l'arrière. Ouais, à l'arrière, c'est la sodomie, mais sinon la tromperie, c'est autre chose. Non, mais Fanny, attends, écoute, tu t'es en train de nous envoyer dans le mauvais chemin là, toi. C'est vrai. Hey, d'ailleurs, je t'interromps, Fanny, mais tu t'es déjà fait tromper, toi ? Oui. Et qu'est-ce que t'as fait comme vengeance ? Bah rien, je l'ai quitté, je suis partie. Oh, je suis déçu. Ah oui, oh boum. Ah, je suis déçu. Non, je posais la question parce qu'il y a un site qui vient de donner les bonnes manières pour se venger d'un ex. Alors la règle numéro 1, c'est de ne pas coucher avec quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mais évidemment un inconnu ou alors quelqu'un déjà en couple. Mais si vous voulez absolument que votre ex soit au courant, il ne faut évidemment pas le lui dire vous-même, genre moi aussi je t'ai trompé, parce que 9 fois sur 10, de toute façon on va dire oui, c'est ça. Donc il faut passer par un ami commun pour le faire savoir, hein, mais ne pas coucher avec cet ami commun évidemment. Hein. Donc du coup, je voulais savoir si vous vous étiez déjà vengé d'un ex, mais aussi d'un boss, d'un prof ou même d'un ex-ami éventuellement qui vous aurait fait un sale coup de pute. Bah venez nous raconter vos meilleures vengeances. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bon Fanny, reste avec nous, il y a Steven qui voulait réagir aussi, il y a Hugo, il y a Massimo qui voulait parler de la Saint-Valentin qui arrive à grands pas. On aura Fabio pour la colle et les premiers packs au bad également qu'on va vous offrir dans quelques minutes sur Fun Radio. On va également s'écouter le son d'Avicii. Ça va débarquer dans quelques minutes avec Addicted to You. Et comme chaque jeudi, on fera le canular également. Hein. Si vous voulez faire un canular ce soir avec nous, bah, n'hésitez pas, vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Vous pouvez aussi nous écrire directement par SMS. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S. Suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël, no limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te marres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Ouais, exactement. On doit essayer de faire le jeu, tiens, pour voir. Moi, je suis d'accord. Bah, j'imagine, hein, une bonne claque dans la gueule de tout le monde là. Voilà. Bon, allez, 23h48, c'est parti. Il y a plus de pub maintenant sur Fun Radio. Il y a Jenny qui dit bonsoir. Je vous ai découvert au boulot et franchement, l'émission déchire. Ça m'aide à passer ma vacation très très ennuyeuse. Bisous à toute l'équipe. Merci Jenny. Il y a Manu qui dit mort de rire. Il s'est fait tuer le tof tout à l'heure là, avec les appels. Vous êtes au top. Et Charlie qui dit excellent votre émission. Continuez comme ça. Et Xavier aussi. Bonsoir toute l'équipe. Excellente la photo de Star Wars. T'as vu un peu, moi j'étais Luke Skywalker. Enfin, on m'a dit que j'étais un moine, je ressemblais plus à un moine qu'autre chose, mais bon. Rémi aussi qui dit oh les on les largue la vieille et les reprendre après la Saint-Valentin. Bah bravo, tiens, c'est bien de réfléchir comme ça, tiens. On va récupérer, il y a du monde dans le standard ce soir, il y a Massimo là pour parler de la Saint-Valentin qui est avec nous. Et on va se faire la colle également avec Fabio, hein. On était un petit peu à la bourre, hein. Désolé, on a commencé un peu en retard. Alors Fabio, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Oui Fabio, très bien, sois le bienvenu. On va se faire la colle, Fabio. Eh bien, d'accord. Je te laisse poser ta question. Oui. Tous les voleurs me possèdent. Je viens en premier dans la vengeance, car je suis le centre de gravité. Qui suis-je ? Voilà. Bon, tous les voleurs me possèdent. Je viens en premier dans la vengeance et je suis le centre de gravité. Qui suis-je ? C'est ça, Fabio ? Oui. Très bien, si vous avez la bonne réponse, eh bien il y a 100 euros de sous-vêtements à gagner, hein, pour vous les filles. T'as une copine Fabio toi ou pas? Non. Bon bah c'est quand on aura une. Donc si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez aussi jouer sur le Facebook de l'émission, hein. Je vous ai mis la colle là, facebook.com/Mickaël officiel si vous voulez la lire. Tous les voleurs me possèdent, je viens en premier dans la vengeance et je suis le centre de gravité. Qui suis-je? Fabio, on te récupère et on donne la réponse avant minuit et demi, d'accord? D'accord. Allez, reste avec nous, Fabien. On va filer des packs au bad également offerts par Mesdessous.fr. Voilà, donc si vous voulez gagner tout ça, ce sera bien entendu ce soir encore sur Fun Radio. On fera plusieurs tirages au sort. Il nous reste encore quelques packs, hein, donc n'hésitez pas. On va se faire le canular également avec avec Romain dans quelques minutes. Le canular du jeudi soir. Mais avant cela, on va d'abord terminer avec l'histoire de Victor là qui nous appelle parce que sa meuf veut faire un plan libertin pour la Saint-Valentin. Il y a également Salomé avec nous de Clermont-Ferrand. Bonsoir Salomé. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Salomé, comment ça va? Ça va très bien. Bon, très bien. Salomé, qu'est-ce que c'est que cette voix? Salomé? Comment? Je dis qu'est-ce que c'est que cette voix, Salomé? Oh, pas grand-chose. D'accord, alors tout va bien. Mais alors, tu as une magnifique voix. D'ailleurs, toff à la Gaule. Non, t'entends mal, toi. Ah oui, je bande. Voilà. Je suis tout bon, chose. Alors, Salomé. Oui. Bon, qu'est-ce qui t'arrive? Toi, tu voulais réagir par rapport à Victor? Non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire? En fait, je recherche un plan gangbang, c'est-à-dire 10 mecs sur moi. Très bien. Écoute, déjà, il y a Toff qui est premier, là, si tu veux. Hein. Bien sûr. Voilà. Mais c'est pas 10 mètres dans toi, c'est juste on se branle et tu prends tout dans la gueule. Non, ça, c'est un bouquet avec Toff. Un bouquet avec. C'est un gangbang, ça se pèse. Ouais, un gangbang, ça pénètre. Ah oui, un gangbang, ça pénètre. D'accord. Hein. Ouais, bien sûr, tout à fait, ouais. Bah, tu peux nous envoyer une photo parce que moi, je veux bien prendre mon tour, mais si t'es pas à mon goût, je. Mais Salomé, tu es un garçon ou une fille? Un garçon. Un garçon, d'accord. Ouais, je passe mon tour. Donc, Polo veut bien la photo. Polo@radio.fr. Écoute, Salomé, tu sais ce qu'on va faire? Je vais passer mon tour parce que, en fait, j'ai une petite bite. C'est ça, ouais. Polo contre le reste du monde. Voilà, c'est ça, exactement. Polo tout seul, avec personne dans le reste du monde, exactement, ouais. Bon, et donc, Salomé, donc, tu cherches 10 mecs, toi, d'accord, ok, pourquoi pas. Salomé? Oui. Voilà, on va essayer de te trouver 10 mecs, hein, pas de problème. Eh, le standard, je suis sûr, va sonner. Oh là là, mais il sonne déjà. S'il y a une fille qui peut participer avec. Ouais, bien sûr, évidemment, mais il n'y a aucun problème si tu veux. Oui, ma copine. On s'arrangera, bah, par exemple, la copine de Victor. Ouais. Attends, bouge pas, Salomé. Il y a aussi Steven avec nous de Montpellier, là. Salut, Steven. Bonsoir, Mickaël. Comment ça va? Ça va très très bien. Merci. Bon, c'est bienvenue bon. À toi, Steven. Bon, on va très bien aussi, ouais. Il y a toujours Fanny qui est avec nous de Toulon, d'ailleurs, aussi, là, qui voulait réagir, Steven, par rapport à Victor, là, qui, sa meuf veut faire un plan en libertin pour la Saint-Valentin. Lui, il n'a pas l'air plus ouvert que ça. Non. Oui, bien sûr. Alors, d'abord, d'une part, est-ce que déjà, donc, il y a combien de temps qu'ils se connaissent? Qu'on se connaît ou qu'on est ensemble? Ouais, vous êtes ensemble, que vous connaissez. Bon, c'est un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an. Bon, ce qu'elle te propose, ça, c'est qu'elle a déjà fait, elle a déjà fréquenté. Et deuxièmement, si tu l'aimes, honnêtement, c'est même pas viable. Parce que c'est la perte du couple. Parce que quoi tu dis? La perte du couple. Non, j'entends rien, là, t'es parti à 15 km de ton téléphone, Steven. Comment? Je dis t'étais parti à 15 km de ton téléphone, je n'entendais rien du tout. Ah pardon. Moi je t'en prie. Comme je lui disais, donc c'est à 99% de la perte de son couple s'il fréquente ça. Parce que moi je les ai fréquentés pendant 11 ans. J'ai toujours eu des meufs indifférentes de la mienne et je n'étais pas pour que la mienne se fasse prendre par la mère de mes enfants et il était hors de question qu'elle fréquente ce milieu-là, quoi. Mais donc, évidemment que c'est un peu tendu quand même quand vous faites ce genre de truc, c'est évident. Exactement. Donc si vous gardez sa meuf, il vaut mieux qu'il se la garde. Ah bah oui. Et ne pas présenter ça, surtout pour la Saint-Valentin, quoi, je veux dire. En plus, c'est vrai que c'est un cadeau un peu particulier quand même. Hein. C'est vrai. Excusez-moi, mais le couple, c'est un peu fragile. Ça fait quand même qu'un an qu'ils sont ensemble. C'est pas comme si tu avais 10 ans derrière eux, voilà, qui se lassent un peu, qui veulent un peu pimenter leur vie sexuelle. Là, ça n'a rien à voir. T'es très derrière, toi. Hein. Elle adore tout ce qui passe par derrière. Non, mais c'est vrai, t'as l'air un peu... T'as l'air un peu derrière, quoi, ouais. Bah ouais, mais bon, c'est tout jeune, tout ça. Un an, bon, c'est pas comme si que ça faisait 10 ans qu'ils étaient ensemble et qu'ils se lassent un peu et qu'ils veulent goûter à autre chose, voir autre chose. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil, on est bien d'accord, effectivement, ouais. Bon, bah écoute, attends, il y a aussi l'avis d'Hugo, là, qui est là, de Toulouse, là. Salut, Hugo de Toulouse. Salut. Comment vas-tu? Salut, toute l'équipe. T'es en forme? Ça va, rendre du taf. Tu rends du taf, eh ben il faut que ça se fasse à un moment ou à un autre. Hein. Alors, payer facture. C'est exactement ça. Bon, alors vas-y, dis-nous, c'est quoi ton avis toi là-dessus, Hugo? Moi j'ai eu déjà le cas deux fois, donc une fois avec ma copine, avec deux autres mecs. Ouais. On était trois, bon, on était un peu arrachés, hein, on était pas tout à fait frais. Et franchement, je suis assez d'accord avec Steven, ça a un peu pourri mon couple. D'accord. Derrière, c'est parti en couille. Ouais, il y avait quelque chose qui avait changé. Je saurais pas dire quoi. Même après, voilà. Après coup, après, bon, par contre, c'est vraiment des gens que tu connais pas, c'est différent. Mais et après, avec Bonana, ça l'a pas torpillé de la même façon, mais ça a fini par arriver au bout. Mais ça a foutu la merde, quoi. Ouais. Franchement, ça a foutu la merde. Après, avec Bonana, bon, voilà, moi j'ai kiffé sur le moment, mais. Mais ça a tout foutu en l'air derrière. D'accord. Bon, pensais, ouais. Bah voilà, Victor, je pense que t'as toutes les infos là. C'est vrai, ce que je pensais, c'est qu'après, on regrettait après l'acte en fait. Bah ouais, et au début, on est chaud. Et... Ouais, mais voilà, c'est ça. Ouais, non, mais ça prend un moment, mais tu vois, voilà, je dirais un mois, deux mois après, peut-être, ça va ressurgir un moment, tu sauras pas comment, et, ouais. Et voilà. Tu vas sentir la différence. Il y a plus qu'à choisir, Victor. Hein. Fanny, encore un truc à ajouter? Moi, je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses entre les sentiments et le sexe et vraiment pas mélanger ces deux choses-là. Après, faire ça avec des amis, c'est Tu peux avoir des sentiments et faire du sexe aussi en même temps, Fanny. Hein. Oui, mais là, c'est là, pas là, parce que t'as des sentiments que tu dois te faire chier. Hein. Non, je suis d'accord, mais là, faire ça avec des amis qu'on connaît, il y a quand même un lien qui est assez fort et c'est souvent là que ça fout peut-être, la merde. Peut-être, c'est vrai. C'est vrai. Bon, ben, Fanny, Steven et Hugo, merci à vous d'être passés. Vous revenez quand vous voulez, en tout cas. Merci d'accord. À vous les gars. Salut. Super. À vous. Salut. Ciao. Et puis bah Victor, bah tu es au courant, hein, j'allais dire tiens-nous au jus aussi d'ailleurs. Ouais bah ouais, bah je vous rappellerai le 15 alors. Avec plaisir, ouais, ça marche. Salut Victor. Ciao à toi. Et puis bah si vous êtes intéressé par Salomé, hein, n'hésitez pas, hein, il est toujours disponible, on le laisse, on te tient au jus Salomé aussi toi. Très bien. Voilà, salut Salomé. Salut Salomé, il est déjà parti. On aura Massimo dans un instant pour parler de la Saint-Valentin. On aura les Paco Bad aussi. Tiens, on va en filer un maintenant. Tiens, hop là, j'avais dit qu'on offrirait toutes les 30 minutes, y compris dans la colle. On y va, c'est parti. On appelle maintenant la personne qui décroche. Maintenant, on repartira avec le Paco Bad d'une valeur de 100 euros offert par Medessous.fr. Voilà. Allô. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Aurélie. Salut Aurélie, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Ah, je suis trop content. Oh, c'est cool, moi aussi. J'aime bien quand on m'accueille comme ça. Ah oui. T'as vu, salut, c'est Mickaël. Oh, je suis trop contente. C'est cool. Aurélie, tu as quel âge? Tu es dans quelle ville? J'ai 22 ans et j'habite à Caen. D'accord, ok, très bien. Bon, tu t'es inscrite pour choper le pack au bas, les petits sous-vêtements là pour la Saint-Valentin? Oui, voilà, c'est t'es, ça. T'es hyper contente parce que t'es célibataire et que personne n'a pensé à toi? Ou parce que t'es maquée mais que ton mec n'a pas pensé à toi? Ou c'est un cadeau bonus? C'est un cadeau bonus. C'est un cadeau bonus. Bon bah écoute, alors c'est cool. Très bien, mais je te l'offre avec plaisir. Alors il n'y a pas de problème. Le pack Obad arrive chez toi. My Crazy Collection, offert par Medessous.fr. Voilà, ça a un peu bugué, mais c'est pas grave. Je te fais des gros bisous Aurélie. D'accord, merci. C'est la bande. C'est la bande emballée. Exactement, exactement. Retour avec Fabio et la colle dans quelques minutes. Avec vous toutes et vous tous en direct. Et puis avec le son d'Avicii, je vous l'avais promis, avec Addicted to You. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et le son d'Avicii promis maintenant, Addicted to You, c'est la nuit sans pub sur Fun. I don't know just how it happened. 23h, 2h. Mickaël, nos limites. T'as que ça à foutre, tête de mort. Sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio. Ah bah minuit, tiens. Hop là, on va se faire le canular dans quelques minutes avec Romain qui va débarquer. Et puis je voulais qu'on tenir à parler de la vengeance, justement. Bah ouais, c'est la Saint-Valentin. Oh, c'est la Saint-Valentin, ça y est. Ah, la musique de la Saint-Valentin. C'est là que vous allez en prendre plein la gueule les mecs toute la journée. Un bisou. Non non un bah non bisou. Ça va être ça va être quoi? Ça va être un ouais, tu m'as offert ça, tu m'as pris pour qui? Pourquoi tu m'as offert ça? Pourquoi tu m'as pas offert autre chose? Mais tu sais bien que ça sert à rien de m'offrir un truc pour la Saint-Valentin, moi je m'en fous, je tais-toi. Alors évidemment si tu n'offres rien, ça va être tu m'as rien offert, c'est ça? Hein? Tu m'as rien offert alors que je voulais un truc? Ouais mais j'avais imaginé que. Ouais mais de toute façon t'imagines toujours mal. Enfin bref, etc. etc. etc. Donc bon courage. Bonne Saint-Valentin. Je suis avec vous, hein, je suis avec vous, ne vous inquiétez pas. Bon courage à tous pour cette Saint-Valentin justement. Voilà, hop, ça c'est fait, c'est plié, la Saint-Valentin, on n'en parle plus. Enfin, on en parlera encore évidemment, parce que à mon avis dimanche soir. Il va y avoir des plaintes. Ah bah il va y avoir du dossier. Hein. Donc je voulais parler des vengeances, comme je l'ai dit tout à l'heure. De savoir ce que vous avez déjà fait comme vengeance quand vous étiez avec votre copain ou votre copine, si vous êtes rendu compte qu'elle vous a trompé par exemple. Qu'elle vous a trompé ou qu'il vous a trompé, qu'est-ce que vous avez fait, comment vous avez réagi. Appelez-nous maintenant 01 42 48 5000 et pour la Belgique donc le 02 851 4x0. Il y a Magda qui dit cadeau vraiment bizarre, je n'offrirai pas ce cadeau à mon chéri. Cadeau vraiment bizarre, de quoi? La partouze. La partouze. Ah pardon, oui, je suis con, et oui, autant pour moi, c'est vrai. Il y a Devers45 qui dit ah, mais allô quoi, le type veut se faire gangbanger, ça craint. Let's be freaks qui dit arrête de penser à moi, Toff. Comme ça tu banderas plus. Et Ludo qui dit je me suis déjà fait tromper et je lui ai fait un coup de merde. Elle était partie en vacances à la Réunion et elle me dit tu peux venir me chercher à Paris alors que j'ai 305 km, je lui dis ok. Et quand elle est arrivée à Paris, elle ne m'a jamais vu, normal, je n'y étais pas. J'étais tranquille au lit avec sa meilleure amie. Oh, c'est dégueulasse. Oh, les bâtards. Il y a Ariel aussi. Ça y est, il est minuit. C'est la Saint-Valentin. Back take my fucking Valentine. Et Sophie qui dit c'est un réel plaisir de t'écouter chaque soir. Toi et ton équipe, continuez comme ça. Merci Sophie, je te fais des gros bisous. Et DJ Gizmo qui dit aussi il faut changer les règles du jeu de la barbichette. Le premier qui rira aura un coup de pelle. C'est pas faux. On aurait pu. Bon, retour avec Fabio et la colle dans quelques minutes. Et on va se faire également dans quelques instants les teubés de la télé. Avant ça, il y a Romain qui est avec nous. Romain qui veut nous faire le petit canular du jeudi. Salut Romain. Salut, ça va Mickaël? Ça va et toi? Bah, ça va, impeccable. Bon, bah tant mieux Romain. Alors, tu nous appelles pour le canular du jeudi. C'est ça. Très bien. Bon, alors, comment ça va se passer? Qu'est-ce que tu qu'est-ce que t'as comme idée en tête, etc. On m'a parlé d'un frère de bateau. Oui. Alors? Que je voudrais appeler mon frère pour lui faire croire que on a un problème, que j'ai un pote qui a voulu se tirer avec le bateau alors que on Mais t'es marin toi? Oui, c'est ça. D'accord, ok. Bon, et donc du coup, t'es à Deauville et on va dire que le pote, donc en l'occurrence Michel, c'est-à-dire moi, a décidé de se barrer vers l'Angleterre et puis on improvisera la raison, etc. C'est ça? Ouais, ok. Bon. Ok, très bien. Allez, parfait. Il s'appelle comment ton frère? Jérémy. Très bien. Bon, on y va, on l'appelle. Bonne chance. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai quand même très très peur qu'on revive la même chose que la semaine dernière en termes de canular. Mais on verra, on verra. Bon, là, il nous entend pas. Hein. C'est pour ça qu'on peut se permettre de critiquer. Allez, on y va, c'est parti. Allô? Ouais, allô, Mini? Ouais, faux heure, ouais. Ouais, ça va? Eh, j'ai un problème là. Oh là là, il joue mal. J'ai un problème, je suis avec un pote et on a voulu partir en mer avec le bateau qui là il pète les plombs, il veut se barrer. Attends, arrête pas depuis le début, j'ai rien compris là. Et je suis parti avec un pote, j'ai peur. Il veut se barrer vers l'Angleterre, il dans ce coup, il a pris comme ça, donc... Il veut partir en Angleterre. Ouais, il met cap, là, on va se retrouver en Angleterre et tout. Qu'est-ce que je fais et tout, j'arrive pas à joindre personne, mais toi, je vais joindre. Et pourquoi tu m'appelles alors? Bah, je flippe, et que j'arrive à joindre personne d'autre. Qu'est-ce que tu fous au téléphone, là, putain, c'est la tempête. Avec le mauvais temps qu'on a et tout, c'est le bordel. Attends, je comprends pas tout parce que c'est qui gueule derrière? Ah, c'est mon pote Michel. Ouais, bah il gueule, j'entends rien. Qu'est-ce que tu me racontes? Bah ouais, bah je... C'est pas un pote. Mais si, c'est un pote. Je comprends rien ce que tu me dis. L'autre il gueule derrière, je comprends rien. Hé, t'es avec qui au téléphone? Je suis avec mon frère. Avec ton père? Avec mon frère. Ok, ben reprends la barre. Bah non. Allez, il y a plein de flottes partout là. C'est une blague, une blague comme ça? Bah non, j'arrive à joindre personne. Essaye de... Eh ben tu vas bosser, tu tiens ton poste et puis tu fais ce qu'il faut pour tenir la barre, c'est tout. Attends, l'enculé, mais tiens la barre. Tu me laisses tenir la barre, tu fais ce qu'il faut pour tenir ta barre. Non, l'enfoiré. Tu fais ce qu'il faut, dis quelque chose, rien à dire, tu tiens ta barre, tu tiens ton poste. Allô? Donc tu tiens ton poste, tu fais ce qu'il faut. Monsieur, je te dis. Il t'emmerde, je peux pas, je lui dis, tu appuies. Oh, quel mauvais comédien, quelle catastrophe. Je crois que le bateau coule. Oh putain, il est bizarre, jette l'ancre ou pas? Ouais. Bah pèse-y la gueule et puis il va se coucher. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, on verra quand on reviendra. Hey, là on est dans l'est. Et c'est qui gueule là? C'est une blague. Qu'est-ce qu'il dit? C'est qui est au téléphone là? Bon, c'est qui ton boss hein? Hey, tu sais pas? Tu sais pas qui c'est qui est ton boss? Il va se rabattre, c'est même pas le patron. C'est pas qui c'est qui est ton boss? Oh, il n'a rien compris. C'est mon boss, mais c'est le boss, c'est pareil. Oh, il n'a rien compris. Et c'est qui bon, le boss? Je jette l'ancre. Bon. Allô? Oui, allô? Ouais. Ouais, c'est n'importe quoi, il fait plein de conneries. Mais tu fais une blague, là. Mais non. On va le laisser sans bruitage, là, pour voir. On va voir sans bruitage, pour voir s'il va continuer pareil. Bon, bah attends, je vais te passer mon pote, il va t'expliquer. C'est qui ton pote? Je joue mauvais aussi. C'est Michel. Michel? Michel qui? Ouais. Bah attends, je te le passe. Allô? Ouais. C'est Michel. Ça va, Michel? Ça va et toi? Impeccable. Dis-moi, il m'a dit qu'on pourrait éventuellement venir quand on reviendra d'Angleterre, là, pour manger chez toi, là. Bah, si tu veux. Ah, bah, on vient manger alors à la maison, hein. Bah, tu sais où j'habite, moi, on voit. Bah, oui, oui, mais il va me dire, hein, Popeye, là, y'a pas de problème, je viens avec ma femme. Bah, y'a pas de souci. Bon, bah, très bien, hein. Bah, écoute, alors, nickel, tu veux qu'on ramène quelque chose d'Angleterre, là? Bah ouais, bah parce que là on vient de jeter l'ancre, hein, en plein milieu de la mer du Nord là, on est bien là. Ouais, donc tu ramènes à boire et à manger? Ah bah je ramène à boire et à manger, ouais bien sûr, un petit peu de saucisse et tout ça, hein, du thé et puis du thé au lait. Bah du thé, du whisky. Bah très bien, alors bah parfait, alors on fait comme ça, alors whisky et tout. Ouais, bah, mais bon, c'est pour être bien quoi. Donc t'as pas de problème, hein, je peux garder ton frère sur le bateau là? Bah y'a pas de soucis, il faut très faire bosser pour la caisse, hein. Très bien, bah oui, il faut qu'il bosse, hein, pour qu'il ramène. Il n'a rien compris. Pour qu'il ramène, hein. Ouais, et puis il fait faire que la merde, hein, parce qu'il a besoin de ça, lui. Bien sûr, il n'a rien compris. Bon, Romain. Ouais. Oh là là, c'est difficile, ouais, Romain. Allô. Romain. Oui. Tu n'as pas été mauvais, tu as été très mauvais. Ouais. Très, très, très mauvais. Oh là là là là là là. Le frère, Jérémy. Oui. Bon, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. À la base, on devait rire. Bon, on a un peu rigolé. On arrive, on arrive. Ouais, malgré nous, mais on a un petit peu rigolé quand même. Mais non, on était en direct sur Fun Radio. On écoute Fun Radio sur le bateau là. Ok. Voilà, donc on arrive à capter parce qu'on n'est pas encore trop loin des côtes. Ouais, alors. Bon, bah donc ça se passe bien quoi, donc tranquille. Hein. C'est vrai? Bah ouais, on capte là, on écoute. Je dois dire quoi? Bah rien. Non, bah rien, on écoute le son Dance Floor là. Oui, on va gagner un cadeau. Oh, j'adore Fun Radio. Ah bah génial. C'est ma radio préférée. Eh bah c'est parfait. Bon bah salut Jérém, salut Romain. Hein. J'adore Fun Radio, c'est salut. Ma radio préférée. Parfait, ouais. Parfait. Encore une fois? Allez. J'adore Fun Radio, c'est ma radio préférée. Parfait, oh là là. Ah bah on est au top là, on est au top. On est au top. Au-delà, on est au-delà. Ils n'ont rien compris. Mais rien compris du tout. C'est un truc de dingue. Bon, pas grave. Bon, et ça arrive. Mais ah cela oui. dit, ça m'a donné l'idée. Dites-moi si vous voulez l'entendre. Alors, c'est vrai qu'on a fait ça il y a longtemps. Donc, il y a peut-être plein de nouveaux auditeurs qui sont arrivés depuis. Mais il y avait un moment où on avait appelé un père. Il y a Ruben qui nous avait appelé pour faire croire qu'il avait pété un plomb. Enfin, il voulait faire croire à son père qu'il avait pété un plomb et qu'il était rentré dans l'école. Il avait tout cassé. Ah oui. Il avait tout saccagé. Donc, si vous voulez qu'on réécoute celui-là, il était juste énorme. Ici, on vous le remettra tout à l'heure. Bah, vous nous le dites, hein, hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission. Il y a un message de Magda qui dit qu'il était mauvais ce canular. Allez, on en veut un autre. Bah oui, pas de problème, Magda. Il y a la team Mathieu aussi qui dit mais qu'il est mauvais. Bonne Saint-Valentin, la team No Limit. Merci les DB Freaks. Et alors, il y a. Ah oui, je peux pas dire son nom. Qui dit c'est mauvais le canular, mais mauvais comédien sérieux. Et il dit aussi premier autocollant collé à Paris 7ème. Par contre, dites pas comment je m'appelle, je suis pas sûr qu'on ait le droit de les coller comme ça dans les toilettes. Oui, non, effectivement, normalement on peut pas, mais on s'en fout. Manon aussi qui dit trop bien pour les places pour l'expo Star Wars, vous êtes trop les meilleurs. De rien, Manon, avec plaisir. Et vive l'équipe, là j'imagine Toff prendre Salomé par les oreilles et lui violer la bouche, bis de Jordan. Il a pris son numéro en antenne, hein, je tiens à le préciser. Ah, évidemment, d'ailleurs on l'a encore avec nous là, Salomé. Oui. On a trouvé Jean-Charles pour toi, qui va couper sa radio très vite. Jean-Charles. Oui. Jean-Charles, comment ça va, Jean-Charles? Mais ça va. Bon, très bien. J'ai entendu Salomé, je suis toute chaude. Ah bah j'imagine bien, oh Jean-Charles. J'imagine bien ma cochonne. Ah bah oui, moi j'aimerais bien pouvoir lui violer sa bouche. Oh. Et violer son cul. Bon, Salomé. Oh. Calme-toi, Jean-Charles. Du calme, Jean-Charles. Salomé. Oui, bah une seconde, Jean-Charles. Salomé. Oh bah oui, pardon. Oui. Bon, alors, je te présente Jean-Charles. Apparemment, il est intéressé par toi. Il a craqué sur ta voix. Enfin, une histoire de... Ah oui. Allô, Salomé. Oh, j'ai des doutes qu'il ait craqué sur moi. Ah bon, bah pourquoi? Je suis complètement craqué. Oh là là, Salomé. Oh. Allô, Salomé. Allô, Salomé. Allô. Salomé. Oui. Bah alors, qu'est-ce qui va pas? Dis-moi quelque chose, mon chaton. Tu veux que je te suce? Ah oui. Ah oui, suce-moi. Ah, prends mon gros gland dans ta bouche. Fais-moi une gorge profonde. Ah oui. Ah, j'adorerais que tu la prennes bien au fond. Ah oui. Ah, Salomé, vas-y. Ah, enfonce ça au fond de ma bouche. Ah oui, vas-y, prends-la bien profond. Tu la sens bien, là? Tu sens que je te racle les amygdales ou pas? Oh oui. Ah, ça te plaît, hein. Ça te plaît, ma petite salope. Hein, dis-moi que t'aimes ça. Dis-moi que t'aimes me sentir. Trouve-moi petit mec. Prenez-moi 10. Oh oui, on va te prendre. T'as essayé, Julien, avec tes potes, on va te déglinguer. Tu vas nous sentir par tous les trous. Oh, il est complètement bon, fait, Salomé. C'est un canular, toi. Mais c'est pas un canular, c'est du sérieux. Mais moi aussi, c'est du sérieux. Je suis tout chaud, là. Oh là là, je bande comme un mammouth. Oh, arrête de me faire bander. Je sucerai les seins et tout, tu verras. Prends ton clitoris, on va jouer la marraine. Est-ce que tu pourras me faire un baiser à la coque, s'il vous plaît? Tu pourras me faire un baiser à la coque, s'il vous plaît. Allô, Salomé? Bon, Salomé, t'as pas l'air plus ouvert que ça, là. Non, mais il est pas sérieux. Bah, si, comment ça, il est pas sérieux? Salomé, c'est très sérieux. Mais s'il est sérieux, en plus, t'es où, toi, Salomé, de Clermont-Ferrand? Et Jean-Charles, justement, il est pas loin, là. T'es où, Jean-Charles? Tout près de Clermont aussi ou pas, non? Ouais, je suis à côté de Clermont, je suis dans un petit bled, là. D'accord. Moi, j'arrive, je monte sur ma mobilette, je suis chez lui dans 5 minutes. Bon, n'exagère pas non plus, c'est pas 5 minutes, mais bon, bref. Donc, Salomé, t'es pas intéressé, là? Tu cherches pas des mecs? Si, j'en veux 10. Mais voilà, on en a déjà un, c'est déjà pas mal. Je m'attendais pas à ce qu'on en ait un, donc tu vois. Ouais, je viens avec mes potes, on sera au moins 5. Bah, c'est déjà ça. Salomé. Voilà. Oui. Bon, on continue à chercher, Salomé, d'accord? Allez-y. Bon, allez, à tout à l'heure, Salomé. Salomé, j'arrive, je prends la main. Oui. Bon, salut Jean-Charles. Hein. Pour l'instant, je me mets des doigts. Oui. Oui, bah, très bien. Ouais. Je me mets des doigts maintenant dans ma grosse bite. Allez, bon, allez, salut Jean-Charles, Salomé, qu'on va récupérer après. Et on va également parler des vengeances maintenant avec Adrien qui est avec nous. Salut Adrien. Salut. Salut, comment ça va? Ça va l'équipe? Bah très bien Adrien, alors toi la vengeance, explique-nous un petit peu ce qui s'est passé, ce que t'as fait, pourquoi, comment, explique-nous tout. Bah moi en fait, au bout de... j'étais fiancé avec une fille pendant 2 ans. Oui. Et donc ça n'a pas été bien pendant 2-3 semaines. En fait, 2 ans de fiançailles pour 2-3 semaines qui n'avaient pas trop bien, elle a préféré partir. D'accord. Voilà, donc en fait elle est partie avec mon meilleur pote de lycée. Non, pourquoi? Sympa. Ah ouais, grave, ouais. Mais pourquoi elle est partie avec lui? Alors en fait, attends. J'attends. Voilà, c'est bon. Voilà, crache tout ce que tu as dans la bouche, c'est merci. Parfait. Voilà. C'était très classe. Merci. Et bah en fait, genre pour mon anniversaire, elle voulait inviter mes potes, nanana, alors elle prenait tout le temps mes numéros de téléphone, et puis en fait, j'ai compris à force pourquoi elle avait besoin de mes numéros de téléphone. D'accord. En fait, elle est partie avec mon meilleur pote de lycée, qu'elle avait rencontré peu de temps avant et tout. Donc le pourquoi du comment, ça je pourrais pas trop savoir. Après, moi je sais pas ce qu'elle a fait en douce, quoi. Après, ce qu'elle a fait, ça j'en sais rien. Ouais. Et donc du coup, mon petit point de vengeance, c'était que moi je fréquentais beaucoup, forcément c'était mon meilleur pote de lycée, donc on se fréquentait souvent, je venais souvent chez lui et tout, et donc en fait ma petite vengeance c'est que quand lui il est parti à la fac, il retournait plus souvent chez lui. Par contre moi je continuais de venir chez lui, je me suis tapé sa mère. Oh, l'enculé, pas mal. Ah voilà. Bon ça voilà. Ah, ouais. Voilà. La vraie vengeance de connard quoi. Voilà, t'as fait quoi? Bah en fait moi je fais un gros bisou à Béatrice, hein, qui est donc sa mère. Hein, c'est un énorme bisou. Hein, sans déconner. Ça a été la première femme que je me suis tapée qui a des poils quoi. Qui avait des poils. C'était poilu quoi au niveau du pubis. Donc, mais quel âge elle a elle? Elle avait 43 ans. On s'en va, et toi t'avais quel âge? Bah moi à l'époque j'avais 21 ans. Ouais, 21-43, c'est une milf quoi, une bonne milf. Ouais, c'est cool. Ouais, mais c'est la bonne milf à son pote quoi. C'est, ouais, bah oui, mais il a fait de la merde aussi le pote. Non, c'est vrai. Attends, c'est vrai, il l'avait mérité. Non, c'est une bonne vengeance. Il bravo, Adrien, là, give me five. Quand t'es un meilleur pote. Tu me la tapes toujours quoi en fait. Non. Ah, ça veut dire que t'es devenu le beau-père. Bah, en fait, sans mentir, un coup, il revenait de la fac, donc c'était ses premières vacances, et donc il revenait avec mon ex justement, mais ils étaient pas au courant que j'étais là. Et eux, ils revenaient donc les samedis matins, et en fait, moi, je venais généralement les vendredis soirs aller la voir. On avait fait une petite soirée assez sympa, on avait, comme qui dirait, un peu picolé, quoi. Et en fait, quand il est venu voir sa mère, au petit déjeuner, on s'est tous retrouvés, quoi. Et là, je l'ai regardé, j'ai fait ma grosse salope, et j'ai dit, écoute, pour pas qu'il y ait de malentendu entre nous, ce que tu peux faire, c'est que tu peux m'appeler beau papa, il n'y a pas de souci, quoi. C'est bon, donc, ça. Ah, c'est violent, hein, quand même. Hein. Ouais. Donc, voilà. Ah ouais. Non, mais j'ai bien aimé. Non, mais c'est bien, c'est un côté un peu rock'n'roll. Oui, ça va, c'est sympa, je trouve aussi. Ouais. On peut voir ça comme ça, très bien. Ouais. Bah, merci Adrien d'être passé en tout cas. À l'occasion, oui. Moi, je veux bien me mettre en contact avec Salomé, hein, y a pas de souci. Hein. Ah bah il est là encore Salomé, bah attends, on va te garder alors Adrien, là, reste avec nous, là. On va se mettre le son de David Guetta avec Shut Me Down sur Fun Radio, et bah on met ça maintenant, tiens c'est parti. David Guetta, le nouveau Shut Me Down, il est minuit 17 sur Fun. On va vous remettre hein, le canular de Ruben là, quand il avait appelé pour faire un casse à l'école, bref, pour ceux qui n'avaient pas entendu, puisque c'était il y a quand même quelques semaines, voire quelques mois qu'on avait diffusé ça. David Guetta, c'est Shut Me Down maintenant sur Fun. I was 5 and he was 6. Le son de David Guetta et Shut Me Down. Pendant que certains braquent des tirelires, que d'autres s'inventent des vies, Mickaël, lui, tel un justicier, vous donne la parole. Il est plus gros qu'à nous. Mickaël No Limit. Tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Et on va encore faire quelques appels avec Tof dans quelques minutes. Je vais venir, je vais t'enculer ta race de merde, je vais t'enterrer, je vais te mettre ma bite sur la tête, je vais te couper ta croissance toi. Voilà, ça va arriver dans quelques minutes, donc restez là. Devers 45 qui dit tous les soirs vous me tuez à chaque fois, sérieux c'est trop haut. Et DJ Gizmo qui dit Tof t'offre quoi les Be Freaks pour la Saint-Valentin? Un collier de pâtes. Un collier de pâtes, bah c'est déjà pas mal. Il y a Whisktoria qui dit vous êtes des tarés, le porno téléphone sur Fun Radio. Yeah, Manon également, j'ai jamais entendu le canular de Ruben. Mettez-le, l'autre était trop mauvais. Ouais, j'avoue qu'il était pas bon. Oh là là, quelle catastrophe. Oh, les mauvais acteurs. Pourtant, on avait quand même sorti le bateau, les vagues. Ouais, on avait mis les gros moyens et tout. Franchement, moi j'ai galéré, hein. J'ai essayé de le faire venir là et en fait, il parlait comme s'il était. Bah au téléphone en fait, c'est bien ça le problème. Mystique qui dit joyeuse Saint-Valentin mes chouchous d'amour, je vous aime, nous aussi Mystique. Et Let's Be Freaks qui dit ah ouais, le canular de l'école, je veux bien le réentendre. Et c'est vrai qu'on l'avait parmi en plus. Donc le prince Nadia qui dit je te tiens, tu me tiens par la barbichette, j'adore. C'était le nouveau jingle qu'on vous remettra tout à l'heure si vous voulez. Et puis on avait eu Adrien qui voulait parler à Salomé là. Salomé qui est à la recherche de 10 mecs pour faire un gangbang. Adrien? Ouais. Hey wep, tu voulais parler à Salomé toi? Ouais mais j'ai pas envie d'un gangbang, j'ai juste envie d'elle en mode 1-2-1-2-1-2 tout seul. Et c'est un lacet, c'est un mec Adrien. C'est quoi? C'est un mec. C'est un mec Adrien. Il a des yucks, il a une bite et tout quoi. Eh ben, et des poils. Elle a pas une meuf elle. Mais non mais c'est un mec, c'est un cœur. Il a pas une meuf. Non mais Adrien, s'il a envie de comment se taper 10 mecs, je pense que les meufs ne sont pas sa priorité. Est-ce que tu es au courant d'un truc qui s'appelle l'homosexualité? Ah oui non, tu veux une meuf aussi, mais à tes billes Salomé. Ouais, ouais. Ah voilà, mais de toute façon Adrien, toi t'étais en chien, t'auras rien, voilà, c'est tout. Eh, je suis pas en chien moi. Si t'es en chien. Je veux taper la meuf de mon meilleur pote, enfin de mon ex meilleur pote, donc je suis pas en chien du coup. Oui, c'est ce qu'on dit hein. Ouais bah c'est sûr. Mais par contre si tu veux, tu peux te taper Tof hein, Adrien, ou non, Polo j'allais dire non mais ça va pas l'intéresser. Ça marche pas. Non, ça va pas l'intéresser, non, ça va pas l'intéresser. Par contre, je préfère qu'on rappelle Mélissa, elle était plus sympa. Ah c'était hier soir ça Mélissa. Ouais, bah avec le 190D, attends je vous suis tous les soirs, je le sais bien. Non bah attends, et le pire c'est qu'il y en a plein sur le Facebook. Eh hey, mais comment on peut la joindre? C'est quoi son mail, ouais, son numéro? Moi et Mélissa on s'envoie des mails. Waouh. Ouais, waouh. Wow. C'est juste des mails, c'est tout. Et ouais alors, enfin bon toi t'as rien Adrien, voilà. Donc c'est des mails avant d'envoyer. Ouais une mais c'est sa photo, c'est déjà pas mal. Ah oui, je confirme. On l'a tous la photo. Voilà, voilà. Bon, oui en plus. C'est grâce à vous. Eh bah, exactement. Ouais. Bon, merci Adrien, salut à toi. Tu reviens merci quand tu veux. Salut Adrien, ciao. On va parler des vengeances également. Bah, Salomé, il reste toujours dans le coin du coup. Hein. On va parler des vengeances avec Ryan qui est avec nous de Lyon là. Ouh là là, il va couper la radio là. Ouh là là, on va couper la radio, Ryan. Ouais, voilà, salut, impeccable. Comment ça va, Ryan de Lyon? Ça va et toi? Oh, bah ça va. Et Lyon qui a perdu là. Hein. Oh là là. Moi je suis pas trop foot hein. Non d'accord, mais pour tous les autres Lyonnais qui suivent là, bon tu me diras, les autres Lyonnais qui suivent ils sauront hein, mais voilà, bon bah c'est Lens qui a gagné. À la base je suis même pas Lyonnais, je suis Colmar, mais je suis installé à Lyon depuis 3 mois. T'es un étranger? Voilà. Je suis un Alsacien. Un Alsacien, d'accord. Sur Lyon. Tu manges de la flamme cuche. Complètement. Non, voilà. Ah oui merde, putain, on a du mal un peu avec ça. Hein. Bon alors Ryan, toi tu veux nous parler de vengeance. Je voulais savoir un petit peu comment ça se passait au niveau des vengeances chez toi. Qu'est-ce que t'as déjà fait par vengeance? Bah écoute, moi j'étais avec une personne pendant 7 ans. Et vers la fin, elle m'a trompé. Donc quand elle m'a trompé, j'étais mal pris parce que je tenais vraiment à elle. Tu vois. Ouais. Et comme moi, je suis dépanneur de métier, hein, je suis routier, d'ailleurs je suis sur la route, là, je vais sur Paris. D'accord. Et donc j'avais à l'époque, quand j'habitais en Alsace, hein, j'avais un camion avec une grue. Ouais. C'est comme les ferrailleurs, quoi. Ouais. Et je suis parti avec un pote à moi un soir, il m'a accompagné, donc je suis allé vers chez elle, je lui ai pris la voiture, c'est une voiture que je lui ai achetée, une voiture d'occasion, je lui ai achetée pour qu'elle aille au boulot. Et je lui ai pris la voiture, je l'ai emmené vers chez moi et je lui ai broyé la voiture. Ah oui. Oh là là, le mec. Avec elle dedans, évidemment, non? Non. Ah, non, quand même. Je savais qu'elle dormait, je lui ai pris la voiture, donc je l'ai monté sur ma dépanneuse. Et comme j'avais une grue sur la dépanneuse, un peu plus loin, je lui ai broyé la voiture. Mais attends, mais vraiment... et pourquoi tu l'as pas juste vendue? Non, je voulais qu'elle se rappelle de moi. Quoi? Ah, ça va s'en souvenir. Attends, après, juste une question, t'en as fait quoi de la voiture après une fois que tu l'as transformée en cube? Elle la voiture, je l'ai redéposée. Oh, ça c'est génial. J'allais te le dire, t'aurais dû la ramener devant chez elle parce que. Ah non, là je suis d'accord. Ouais, je lui ai déposé devant chez elle, donc ça m'a pris 2 petites heures, je lui ai déposé et je lui ai mis un petit mot sur ce qui restait sur la voiture, quoi. Ah, hein, on voit beaucoup moins bien maintenant. Ouais, voilà, comme je lui ai dit, bah, maintenant prends le train pour aller au boulot, comme elle bossait sur Strasbourg. Elle allait trouver un boulot sur Strasbourg et qu'il lui fallait une voiture. Donc moi, gentil comme je suis, je lui ai acheté une petite voiture occasion. Ouais, mais t'es trop gentil. Ouais, trop bon, trop con, comme on dit. Ouais, bah, c'est voilà, ça. Trop con, trop bon. Et voilà, et donc je lui ai vraiment, mais vraiment bien. Je lui ai rendu en limite en cul de la voiture, quoi. Hein, mais c'est ça qui est bon. Bah, c'est bien, ça lui fait une statue pour mettre dans son jardin maintenant. Exact. Ouais, voilà, quoi. Et comme ça, c'est, en fait, je voulais que le. Bah, j'y étais pas le matin même, mais c'est-à-dire qu'elle descend le matin à 7h du matin. Et voilà, pour aller au boulot, et elle va voir sa voiture en forme de carré, triangle. Je vais vraiment plier la voiture, quoi. Mais oui, mais c'est ça qui est bien. Et juste un truc, qu'est-ce qu'elle a dit? Tu as des nouvelles dès l'après? Ouais, bon, elle savait que c'était moi, mais bon. Ah oui, voilà, ça, parce que qui va mettre une voiture en cube aussi? Voilà, et comme je lui ai dit, t'inquiète pas, je me vengerai tôt ou tard. Donc, je lui ai pas dit comment, je lui ai pas dit avec qui ou etc. Quoi. Elle a cru que j'allais la tromper avec quelqu'un d'autre, mais moi, je sais pas. Hey, mais c'est drôle, ça, le coup de la voiture. Putain, je m'imagine la gueule de la meuf, tu sais, qui s'en va avec ses clés, et puis... Elle regarde à la place, eh ben, j'étais garé là, c'est quoi ce cube là? Et en fait, ben c'est la caisse, c'est énorme, j'adore. Voilà, c'est la caisse, je lui ai plié, quoi. Et comme énorme ça, en fait, pour que... Voilà, comme ça, je voulais qu'elle se souvienne de moi. Ah bah là, c'est bon, là, je pense qu'elle va se souvenir. Et moi, je vais me souvenir, à mon avis, de ce truc-là, hein, parce que mettre une voiture en pièces détachées, enfin, même pas en pièces détachées, en cube, c'est très très fort. Bah merci d'avoir appelé, en tout cas, Ryan. Hein. Voilà, merci, voilà. Et tu reviens quand tu veux, hein. Salut Ryan. Merci, ciao. Ciao, on aura Déborah dans quelques minutes pour parler des vengeances. Déborah, t'es là? Oui, salut Mickaël. Oui, bonjour Déborah, comment vas-tu? Je vais bien. Très bien, reste avec nous, on parle vengeance dans quelques minutes avec toi. Ok, pas de soucis. Très bien, Junior également pour les vengeances. Et Max, vous êtes là tous les trois? Enfin, tous les deux en l'occurrence. Moi je suis là. Très bien, parfait. Junior et Max restent avec nous. On va également récupérer, il y aura Stéphanie, il y aura la colle avec Fabio. On va donner la réponse dans quelques minutes. Je rappelle la question. Tous les voleurs me possèdent, je viens en premier dans la vengeance et je suis le centre de gravité. Qui suis-je? On donne la réponse dans quelques minutes. Il suffit simplement de nous envoyer, enfin, d'envoyer M-I-K-L suivi de la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez jouer aussi sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. On va faire les appels avec Toff? Mais allons-y, je suis chaud. Bah j'imagine. Quelle était la question du jour? J'oublie. Bah la question c'est de savoir en fait si les mecs ou les meufs, ça dépend, préfèrent tromper avec une pute. Exact. Ou plutôt avec une meuf rencontrée sur internet. Et donc si les femmes elles préfèrent que leur mec les trompe avec une pute ou avec une meuf sur internet. Forcément. C'est un bon, une histoire. Forcément. Bon, on y va, on appelle donc. Allons-y. Allez, c'est parti, on y va. On appelle maintenant. Minuit 28. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous préférez tromper votre femme avec une pute ou avec une meuf rencontrée sur internet. C'est un enculé. Enfin monsieur, pourquoi vous me dites ça? Ça, c'est fait. On c'était donc charmant, c'était classe. Il dormait, hein, je pense qu'il dormait, effectivement. Ouais. Oh, bon, c'est pas grave, on il est réveillé. Bah oui, on le rappelle, c'est grâce au numéro que vous nous envoyez sur le mail de Toff, hein, toph@funradio.fr. On appelle ces gens, c'est parti. Ici, abattard. Mais on a été coupé, monsieur. Oh, putain. Ouais, va te faire enculer. Mais pas du tout, monsieur. Je veux juste savoir si vous préférez tromper votre femme avec une pute ou avec une femme rencontrée sur internet. Oh, il est relou là. Pourquoi il raccroche de nouveau? Bon, on le rappelle. Allez hop, je sais pas où on était là, mais on y va. Putain, on n'a pas beaucoup parlé. Ouais, c'est vrai. Il décrochera plus, tu vas voir. Écoute-moi bien, petit, reste tranquille, c'est un conseil que je te donne. Mais je suis tranquille, monsieur. Bon. Bah, je vais rester tranquille alors. Voilà, c'est un conseil qu'il te donne. Je pense qu'il était gentil de t'avoir donné un conseil. Je vais l'appliquer. Voilà, je pense qu'il vaut mieux. Retour avec Max. Je pense qu'on était en Corse. Ouais, je pense aussi qu'on était en Corse là. Bon, on va donner la réponse à la colle avec Fabio qui est avec nous. Allô, Fabio? Ouais. Toujours là, Fabio? Oui. Toujours en forme, Fabio? Oui. Parfait. Bon, on va appeler quelqu'un maintenant qui a la bonne réponse, peut-être, à la colle, qui s'est inscrit ou inscrite par SMS ou via le Facebook de l'émission, pour gagner donc le pack Obad My Crazy Collection, offert par Mesdessous.fr. Allez, c'est parti, on y va. Allons-y. On appelle le ou la gagnante. Si jamais il ou elle décroche et a la bonne réponse, il gagne, tu perds. Si ça ne décroche pas ou que la réponse est mauvaise, c'est toi qui gagne, Fabio. On y va, c'est parti. D'accord. Je te souhaite bonne chance. Merci. Allez. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour, comment tu t'appelles ? Jordan. Jordan, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio, Jordan. Il y a Fabio qui a une colle à te poser. Ouais. Et coupe ta radio, Jordan, s'il te plaît. Oh là là, il s'assied de partout. Oh là là là là là là là là. Voilà. Vas-y, Fabio, fais péter la colle. Tous les voleurs me possèdent. Je viens en premier dans les vengeances. Tu apprends à lire, excuse-moi, en ce moment. Car je suis le centre de la gravité. Voilà. Qui suis-je ? Bon, alors vas-y, Jordan. Tu vas passer la semaine prochaine au C, d'accord ? A, B, C. C, D. Bon, alors Jordan. Ouais. La réponse était V. La lettre V ? Ouais, la lettre V. Fabio ? Wouh ! J'ai gagné. Eh ben voilà ! Bonne réponse et bravo à toi, Jordan. 100 euros, c'est ce que vaut le sous-vêtement, enfin les sous-vêtements que je vais t'envoyer maintenant, offert par Mesdessous.fr. Voilà, de la marque Obad de chez Paris, pardon. Voilà, Jordan, tu vas rester là. C'est pour ta copine, j'imagine ? Ouais, c'est pour ma copine. Bah, j'imagine. Très c'est bien. Sympa, merci à vous. Eh bah, avec plaisir. Salut, passer, Jordan. Vas-y, vas-y, en speed. Et puis, ouais, une seule personne, hein, choisis la bonne. Ouais, je fais un gros bisou à Tony qui est avec moi en voiture et qui est dégoûté parce que on a appelé tous les deux, tu vois, et puis, bah, c'est moi qui. Ah, dommage. évidemment. Bon, bah, salut à toi et on embrasse Tony. À bientôt. Ciao. Salut. Salut Fabio, à bientôt aussi hein. Mickaël, je peux faire une dédicace ? Allez, vas-y, il y a une seule personne, choisis la bonne. Je fais une dédicace à mon pote, mon meilleur pote Quentin qui nous écoute. Très bien, et bien on l'embrasse Quentin. Salut Fabio, salut Quentin. Je peux avoir un pack fun s'il vous plaît ? Ouais, on va te filer un pack fun, tu vas gérer ça avec Sandro Standard, sans problème. Salut D'accord. Fabio, salut Jordan, à bientôt à vous deux. Salut, bye bye. Salut. Ciao. Bon, on va revenir avec vous tous et tous, évidemment, en direct dans quelques minutes sur Fun Radio. Vous toutes et tous. Et puis on va se faire le son de Tiesto également, on sera Red Light. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, no limite. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et avec le canular de Ruben aussi qui va débarquer dans quelques minutes, ce sera après le son de Tiesto. C'est Red Light, il est minuit 32. C'est Mickaël, no limite sur Fun Radio. Everything's faded on your 23h, 2h. Mickaël, nos limites. T'as que ça à foutre, tête de mort. Sur Fun Radio. Fun Radio. En direct sur Fun Radio, bienvenue. Si vous arrivez, il y aura les JO tout à l'heure également. Là. Restez bien sur Fun Radio. Puisque nous allons faire les JO comme on le fait depuis le début de cette semaine, les Jeux Olympiques de saut de ski. J'ai mal. Eh oui, je sais, ouais. Toff s'est quasiment cassé le pied hier. Il y a Ariel qui dit exceptionnel la vengeance de Ryan. Ah ouais, j'ai adoré. Hein. Sébastien qui dit par vengeance, j'ai envoyé la sextape de mon ex à ses parents. C'est bon. Oh, ça c'est drôle aussi. C'est pas mal. On va continuer à parler des vengeances avec Déborah, avec Junior, avec Max. Il y avait également alors attendez, il y avait aussi Mélissa qui avait demandé un message de bienvenue. Alors attends, un message de bienvenue, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Elle a demandé un bien dégueulasse. Ah, j'en ai un. Hop. Tu es déjà culé à ta face de PD, de gay, comme ça t'as pas de rides au PD que tu es, t'as compris? Voilà, bon évidemment ça ne s'adresse pas à une fille, mais on fera avec, hein. Tu feras la conversion. Il y aura Shakira sur avec Rihanna pour Can't Remember to Forget You. Et puis je vous avais parlé du canular de Ruben. Eh ben justement, Ruben est avec nous. Comment ça va Ruben? Bonsoir Mickaël, comment tu vas? Hey, ça va bien et toi? Tranquille, la forme, hein, on est en train de vous écouter, vous motivez. Ah, très très bien, mais rassure-toi, nous sommes là, bien entendu, en pleine forme, grâce notamment. Est-ce que t'as écouté l'émission d'hier soir déjà ? Mais la base. Ah, la base, très bien, donc tu connais, et évidemment, cette grande star qui est... Jean-Pierre Sauzère. Ben oui, je l'adore Jean-Pierre. Ah, et avec In Wonderland. Ah oui, quel grand talent, hein, c'est In Wonderland, c'est Jean-Pierre Sauzère. Il va réussir plus tard. Il va réussir. Oui, grand, ça fait des années. Hein. C'est le hit de l'année 2014. Moi, je l'ai téléchargé comme Sodré. Hein. Ah bah écoute, tant mieux, parce qu'il sera disponible, comme il dit, sur iTunes que l'année prochaine. Ouais, bref, ça sera l'année prochaine. Alors évidemment, pour les autres, hein, Jean-Pierre Sauzère, vous connaissez certainement, pour les plus anciens auditeurs de Fun Radio. Bon, alors, tu nous appelais pas pour parler de Jean-Pierre Sauzère, mais pour faire un canular, je crois.

tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Yes. Et on aura le polo contre le reste du monde, les JO. Et après, bah, c'est le Shakira, c'est Rihanna également sur Fun. Soir sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S. Suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël, la limite. De 23h à 2h sur Fun Radio. En direct évidemment jusqu'à 2h du matin. Et il y aura tout à l'heure Polo contre le reste du monde. On aura les JO qui vont débarquer dans quelques minutes. Il y a Audrey qui dit joyeux Saint-Valentin, restez comme vous êtes. Merci Audrey, gros bisous à toi, bonne Saint-Valentin également. Mélanie qui dit pour moi, pas de Saint-Valentin, je me suis fait larguer. Ah ouais, oh, la pauvre. Ça arrive, ça arrive, oh. Ça arrive. Arrive, même au meilleur. Bon, il y a Déborah également avec nous là pour parler des vengeances. Débo ? Oui. Oui, Déborah qui est de retour, parfait. Comment vas-tu ? Ça va très bien, et vous ? T'avais entendu le canular avec Ruben là ? Ouais, c'était super drôle. Ah, tant mieux, tant mieux. D'ailleurs, si vous voulez en faire un autre, n'hésitez pas. Hein. Bon, peut-être pas ce soir, mais en tout cas la semaine prochaine. 01 42 48 5000, appelez-nous hein, ou 02 851 4x0. On aura des cadeaux pour vous si vous êtes bon. Mais il faut être bon acteur aussi. Hein. Il faut. Ah bah oui. Parce que tout à l'heure, on l'a fait avec le bateau et tout, là, mais le problème de comment il s'appelait ? J'ai oublié. Je ne sais plus. Oh, bref, peu importe. Mais Romain, ouais. Le problème de Romain, c'est qu'il n'était pas très très bon acteur. Parce que l'idée n'était pas mauvaise, le coup du bateau. Mais bon, après, il faut gérer derrière, quoi. En donc, plus, on avait sorti le Titanic. Ah bon, Céline Dion était là. Ah, mais tout était sorti. Leonardo DiCaprio, il était là. Tout... Je suis le maître du monde. Exactement, tout était là. Enfin, on bon. Pleurait et tout. J'ai pissé sur mon surcoff et tout. Déborah. Oui. Alors, c'est quoi ta meilleure vengeance? Alors, moi, je l'ai piraté sans compte Facebook. Mais attends, qu'est-ce qu'il avait fait déjà? Alors en fait il m'a trompé en fait, mais avec plusieurs femmes différentes. Ah ouais, oui, en fait c'est pas une erreur quoi, l'autre il y était comme un bourrin quoi. Voilà, en fait c'est ça. Après un an de relation, en fait, j'ai découvert justement par une fille justement avec qui m'a trompé, qui m'a contacté sur Facebook en me disant voilà, il est temps que tu sois au courant, ça fait déjà un mois que je couche avec ton copain. Ça me rappelle une histoire ça. Quelle histoire? Je sais pas. Ah oui, mais un film, oui. C'est un truc comme ça, non? Non, non, ça doit être l'histoire de taf, à mon avis, hein, je pense. Hein, il doit bien avoir vécu ça. Oui, moi, j'ai vécu une meuf qui a pris tous les numéros de mon répertoire, qui les a appelés. Et elle leur disait quoi? Elle leur disait, ouais, elle faisait, ouais, alors, c'est toi la meuf de Toff? Alors, soit la meuf, elle disait oui ou non, et après, selon, elle racontait son histoire ou pas. Voilà. C'est quoi l'histoire? Attention, je vous laisse évidemment, enfin, je ne vais pas vous laisser deviner parce qu'il n'y a pas de devinette à faire. Il s'en est sorti. Évidemment. Ouais, mais c'est quand même un truc de ouf. Ouais, mais... attends, et ce qui est énorme, c'est qu'il raconte ça à la radio et aucune va dire. Ah non, mais ah, personne, enculé. Ça va mettre la puce à l'oreille à personne. C'était quoi ta pirouette pour t'en sortir à chaque fois? Ah, ça dépend, parce qu'il y a des meufs. Et le mec raconte, c'est ça qui est fort. ça dépend, il y a des. Y a... Attends. Merde, où est-ce qu'elle est? Ah, voilà, la musique de l'explication. Ça dépend, parce qu'il y a des meufs qui savaient vraiment qu'elles étaient pas toutes seules et que c'était, ouais, juste des plans cul, puis il y a des meufs qui savaient pas, forcément. Des Ah bah oui. Ah bah oui, des meufs. T'es une, ça compte pas. Et alors, tu disais quoi? Eh bah, ça dépend, je dis, ouais, non, mais c'est une hystérique qui attaque. C'est une hystérique, elle te raconte ça parce qu'elle a envie de ma bite, mais bon, moi je veux pas lui donner, du coup, elle essaie de faire foirer les trucs entre nous. Et généralement, ça passe crème. Putain. Ouais, la meuf, elle va toujours insulter l'autre meuf. Et c'est ça le pire, c'est que certaines ont rappelé cette meuf qui avait appelé pour l'insulter, quoi. Cet homme est une légende. Mais parce qu'il vient de balancer et il y en a aucune qui va avoir la puce à l'oreille. Ouais, c'est un vrai enculé et tout. Non, non. Non, pire, excuse-moi, avec tout le respect que j'ai pour ta mère. Mais va voir ta mère, enfant de putain. Et pire que ça, il y en a aucune qui te dira. Mais il parle de moi là. Ouais. Non mais c'est ça le pire. Et pourquoi les meufs? Et pourquoi il n'y en a aucune qui va se dire ça? Parce qu'elles sont toutes persuadées qu'en fait elles c'est vont ça. Arriver à le dresser. Que c'est la vraie. Mais un chien, un bâtard qui mord tout le monde. Tu peux dire ouais bon c'est trop tard. Ouais. Si tu le dresses pas quand il est petit, quand il est bébé. Ça sert à rien, ça sert à rien. Ouais, mais enfin. Toi tu connais la responsable après. Ouais, ouais. Bon, Déborah. Oui. Bon, du coup, tu t'es pas intéressé par Toff par hasard? Bah écoute, franchement, pour avoir vu sa photo, moi je dis, il y a pire. Ah, Déborah, combien mesures-tu? Mais c'est où? 1m63. Combien pèses-tu, Déborah? 48 kilos. Quel est ton tour de poids? Ce mec est une légende. Il faut manger, Déborah, maintenant. Hein. Ah, malheureusement, je mange, hein, mais les kilos, ils se prennent pas. Ouais, mais combien ton tour de poitrine? 90B. Et la taille dans les pantalons que tu as acheté? 36. Bah écoute, si tu veux aller manger après l'émission, moi je suis dispo. D'accord, je mange essentiellement tout ce qui est très gras. Mais parfait, moi aussi, ça tombe. conne, qu'est-ce qu'elle est conne, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle est conne, qu'est-ce qu'elle est conne, qu'est-ce qu'elle est conne, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle est conne, oh oh. Non mais c'est ouf, on vient de t'expliquer que ce mec est la pire crapule du monde. Et toi tu vas bouffer avec lui les bras. Mais alors, mais tu sais quoi? Et moi maintenant j'ai décidé de soutenir Toff. Merci Polo. Mens-leur et baise-les. Bon allez Déborah, on va manger un peu l'émission. Mais putain Déborah, oublie-moi. Toff, si tu peux faire une éjaction faciale pour moi. Toff, Polo. Oh, Toff, putain. J'ai pas dit que j'en voulais, j'ai juste dit que physiquement il y avait pire. Mais t'inquiète pas, il va te donner, t'inquiète, il va t'en donner. T'inquiète, je t'appelle après l'émission Déborah, ouais, c'est tout ça. Arrête le cinéma, enfin bon. Bon, et donc du coup, Déborah, t'as piraté son compte Facebook et qu'est-ce que t'as fait avec? Alors en fait c'est simple, son compte Facebook c'était toute sa vie, il y allait tout le temps. Du coup bah je l'ai piraté son compte Facebook en fait. Donc bon j'ai pas fait grand chose en fait, j'ai juste supprimé à vie. Donc c'est juste pour plus qu'il retrouve. En fait, ouais, de supprimer à vie, ouais. C'était très simple. Et comme justement, ben en fait, parce que donc j'ai supprimé, donc j'ai changé des petits trucs au début sur son Facebook, genre j'ai mis des petites conneries. Puis après j'ai supprimé son compte Facebook à vie. Donc du coup j'ai reçu un message le soir avec oh j'ai plus de Facebook et tout, je ne comprends pas et tout. Et il était triste. Ah ben lui il était triste hein, parce que franchement il faisait le tour de tous ses amis, il disait oh je sais pas qui c'est qui m'en veut pour m'avoir fait ça et tout, je comprends pas. Ah bah parce non. Que t'as pas dit que c'était toi, putain t'as plus dit aucun en fait depuis que j'ai mis les... Mais non pas du tout parce qu'en fait moi le truc c'est qu'à la base je suis super nulle en informatique. Donc du coup il est quand même venu me poser des questions et je lui ai dit mais voyons moi je suis nulle en informatique. Mais ouais tu sais bien je sais même pas allumer l'ordinateur alors. Mais oui c'est ça, et pourquoi tu m'accuses? Évidemment je ne peux pas faire ça, c'est impossible. Et du coup, mais il le sait toujours pas aujourd'hui. Bah là il le sait peut-être maintenant. Non, il le sait toujours pas, il me dit oh il y a tellement de personnes qui m'en veut et tout. Il me dit, il va bien forcément y avoir quelqu'un qui a fait ça. Mais moi, il y a quand même un truc qui est dommage, parce que dans une vengeance, ok, c'est bien de te venger, mais c'est quand même aussi jouissif de savoir à un moment que l'autre personne sait que ça y est, tu t'es vengé, que c'est enculé, tu vois, il a payé, quoi. Ah non, pas du tout, parce que le truc qui était encore plus amusant, c'est que pour pirater son Facebook, j'ai dû aussi pirater son adresse mail. Ouais. Donc c'était amusant, donc j'ai découvert plein de trucs sympas, donc j'ai découvert entre autres qu'il était aussi zoophile. Ah, quoi ? T'es sérieuse ? Sérieuse, j'ai trouvé une inscription à un site où tu voyais des vidéos. Ouais, non, alors attention, en parlant d'inscription, tout le bordel, il faut voir si c'est réellement vrai, parce que le nombre de mails que je reçois, bienvenue sur le site, machin chouette, ouais, de trucs de cul, de bazar, gagne de l'argent, fais ci, fais ça, où j'ai jamais mis un pied dessus. Bon, je dis pas qu'il l'a pas fait, mais on peut le bénéfice du doute. Après, voilà, moi ça m'a surpris sur le coup, mais j'ai vu ça, inscription sur le site, bienvenue, machin et tout. Ouais, ne donne pas titre. Ça, et puis après, bon, j'ai découvert plein de photos de Siapoad aussi, donc ça c'est normal. Ouais, ça c'est normal, c'est un mec. On en a tous. C'est ça, ouais, c'est ça, c'est ça. On en a pas assez, mais on en a tous. Et donc, du coup, il y a eu vengeance. Alors attends, parce qu'il y a aussi Max avec nous, là, de Paris, là. Salut Max. Max. Allô Max. Oui, allô. Ah, il est là, très bien. Salut Max. Bon, toi, c'est quoi ta pire vengeance, là? Ah, putain, moi, j'ai un sacré truc à vous raconter. Hein. Ah, et ben, nous sommes tout ouïes. Ah ouais, j'attends depuis tout à l'heure. Ça mijote dans ma tête, là. J'attends que quelque chose, c'est de vous raconter tout ça. Eh ben, on t'écoute. Vas-y, Max. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être très sale. Ouais, je pense, ouais. Alors là, je vais vous expliquer, accrochez-vous. On est accrochés. Alors, j'espère bien. J'étais avec ma gonzesse. Avec ma gonzesse. Et je lui ai dit, allez vas-y viens qu'on va se faire un plan à 4. Ouais, jusque là normal. Je lui ai proposé, je savais pas si elle était ouverte, je me suis dit, j'ai rien à perdre, je lui ai proposé direct. Bon, à la base elle était pas trop chaude, mais j'ai réussi à la convaincre. Mais bon, en fait ce plan à 4, il a mal tourné putain, il a très très mal tourné. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors on cherchait un couple sur internet, ouais. On a trouvé un couple sur internet, sur un site de cul, on a trouvé un couple. Il s'appelle Toff le mec ou pas? Comment? Il s'appelle Toff le mec ou pas? Non, il s'appelle pas Toff. Ah d'accord, ok, on sait jamais. Hein. Oh putain, il s'appelle pas Toff. Et donc après, on a rencontré le couple, tout ça, on est parti chez moi, et on a commencé à voilà, bah, on s'était pas rencontré par hasard, quoi. Ouais. Et donc, moi j'ai commencé avec la nana, c'était un couple échangiste, j'ai commencé avec la nana et tout, je pensais que ça allait bien tourner, mais au moment en fait où j'ai vu que le mec, eh ben, il baisait ma meuf. Alors là, pour le coup, c'est vraiment parti en couille. Ah bah oui, mais mec, mais tu veux faire un plan à 4, il y a maman, il n'y a pas que toi qui dois profiter, hein. Ouais, mais j'ai pas accepté, j'ai dû me bagarrer avec le mec, je lui ai mis un gros coup de tête, c'est archi mal parti. Ah oui, mais attends, c'est pas mal parti là, c'est terminé. Hein, t'es quand même un mec bizarre, c'est-à-dire que tu vas faire un plan à 4, mais tu supportes pas que le mec il baisse ta meuf. Non, en fait, sur le coup, je pensais que j'étais chaud, mais quand je l'ai vu qu'il. Ça t'a redescendu direct. Quand j'ai vu qu'il touchait, ça a fait que monter. Hein. Je lui ai mis un. Ouais, mais on parle pas de la même chose qui a monté, qui a descendu. Oh putain, on doit pas parler de la même chose. Et il commençait à toucher les nichons de ma meuf. Bon, après, je vous passe les détails. Donc, j'ai commencé par un coup de tête. J'ai mis un gros coup de tête. Sa femme, elle a commencé à crier dans tous les sens. Ah, oh, Thierry. J'ai mis gros coup de tête, balayette. On est parti. Mais c'est pas de la vengeance, ça. Ah bah putain, si c'est de la vengeance. Mais t'es pas sérieux, t'y vas quand même de ton plein gré, quoi. C'est ça, à la limite que tu dises, en plein milieu, bon, écoute, j'ai changé d'avis parce que je le sens pas, j'ai plus envie, etc. Bon, bah voilà, mais de là, lui péter la gueule, quand même. C'est ça, le pauvre, en plus, il y est pour rien. C'est ça, il y est pour rien, lui, il est demandeur, enfin, il est même pas demandeur, il a répondu à une annonce à toi. Ok, les gars, vous voulez la vraie raison. Alors, vas-y. Il avait une plus grosse bite que toi. Allez, je vous balance la vraie raison parce que ça semblait une histoire un peu bizarre, je vais vous balancer la vraie raison. J'avoue. Bon, en fait, il était en train de baiser ma meuf. Mais la vraie raison, c'est que quand il a commencé à lui rentrer dans le cul, alors là, c'est vraiment parti en couille, les gars. Mais parce que toi, t'avais jamais pu y aller. Bon, si, j'étais déjà allé fréquemment, mais bon, on va dire que l'odeur était pas très bonne, quoi. Ah oui, mais enfin bon, une sodomie, c'est une sodomie, mec. Mais c'est pas très grave. Il y a une différence entre une sodomie et une sodomerde. Et une sodomerde. T'as déjà testé, toi, Fanny, ou pas, la sodo? Hein? Non, je demandais à Fanny s'il avait déjà testé. C'est Déborah en même temps. Excuse-moi, oui, Déborah, oui, autant pour moi. Oui, j'ai déjà testé. Et t'aimes ça ou pas? Pas du tout. D'accord, ok, mais il a fait ça n'importe comment aussi, Déborah. Ah non, il a fait ça bien, mais... Mais t'as pas aimé? Ça faisait super mal. Ouais, mais c'est ce que je dis, peut-être qu'il a mal fait aussi, c'est possible. Même s'il a fait ça doucement, c'est possible qu'il a été un petit peu trop rapide quand même, ou qu'il n'est pas assez préparé justement, c'est possible. Mais voilà, après t'as le droit. Préparé en anal, comme dirait notre ami Rocco. Alors attends deux secondes, Max, il y a aussi Junior avec nous là, t'appelles d'où Junior? Moi j'appelle Dallas. Dallas, d'accord, ok, c'est à Bruxelles, ça très bien, parce qu'au standard ils ont mis Lost. Je me dis putain, l'outil est sur une île, là il était. Il est perdu. Bon, Junior, alors bienvenue à toi, tu nous appelles par rapport aux vengeances, t'as fait quoi comme vengeance toi? Bah moi en fait j'avais une ex. Ouais. On sortait ensemble normal, puis j'ai appris qu'elle me trompait avec mon meilleur pote. Ouais, normal. Eh ben pour me venger. Eh dis-moi, ouais, il t'a volé tes bonbons aussi? Mais ta gueule. t'es un peu young, hein. Ta gueule, c'est parce que je suis fatigué aussi. Vous étiez... Ouais. Ouais. Non, attends, c'était à la récré, c'est ça? Je connais ça. Bon, attends, laisse-moi d'abord raconter son histoire. Vas-y, continue, puis, Junior. Pour me venger, finalement, je me suis tapé ses deux sœurs. Ah, carrément, toi? Mais en même temps ou chacun à son tour? Non, chacun à son tour. Oh, oui, chacun à son tour, d'accord, ok, c'est bien, c'est pas mal. Et il le sait ou pas? Enfin, ouais. Et quelle va être sa vengeance? Parce que le mec, il va pas en rester là, tu penses bien? Bah, fais attention à tes billes. Oui, fais attention, il peut les piquer. N'importe quoi. Non, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il allait essayer de me tuer dans un truc comme ça. Enfin, j'ai pas fait attention à ce qu'il a dit, il a juste dit qu'il voulait me tuer. Ah oui, bah c'est normal, en même temps t'as touché aux heures, hein. Les deux en plus, tu vois, c'est même pas une seule, t'as carrément tapé dans les deux, toi. Bon, attends, il y aura aussi Maxime dans quelques minutes, là. Bah merci Max, Junior et Déborah, là, pour d'être passé. Hein. Est-ce que je pourrais avoir le numéro de Déborah, s'il vous plaît? Bah écoute, si elle veut, Déborah. Non, parce que Déborah, je l'entendais parler, elle a une voix vraiment charmante. Mm-hmm. Ah, ouais, mais c'est gentil, mais malheureusement, je crois que mon copain, il sera à paradis. Ah oui, bah oui, parce qu'après Max, il va s'énerver encore. Attends, avec ce que j'ai fait, tu peux lui proposer à ton copain, il risque rien. Ah bah oui, proposons un truc à plusieurs. Bon, bah Max et Junior, de toute façon je vous mets en antenne, y'a pas de problème. Déborah, merci à toi d'être passé, je te fais des bisous. Est-ce que c'est possible de gratter un pack au bad ou pas? Ah, c'est possible de gratter un pack au bad ou pas. Attends, laisse-moi réfléchir. Bon allez, vas-y Déborah, c'est bon, on va trouver un, on va se démerder. Ok, merci. Salut, au pire, ciao. Je peux le faire dans des sacs poubelles. Oui, voilà, c'est ça, on va te faire des dessous sacs poubelles. Oui, parce que Polo est un grand créateur de mode. Exactement, ouais. Bon, gros bisous Déborah. Gros bisous Déborah. Je t'embrasse, ciao. Les Jeux Olympiques de Sochi vont débarquer dans quelques minutes. Et avant ça, on s'écoute le son de Showtech, évidemment. Showtech avec We Like to Party. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mikael, no limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te marres tellement avec Mikael No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Ouais, on est en direct sur Fun Radio là. Vous pouvez faire le jeu chez vous si vous voulez à 1h15. Il y a Kevin qui dit si Déborah veut, je suis libre. J'imagine. Ariel qui dit menteur et baisse les bons conseils de Polo. Eh bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, c'est ça. Ouais, si ça va, si je te lance. Polo, étoffe que nous avons, que nous accueillons en direct donc de ces JO. Allô. Allô. Oui, pardon, excuse-nous, oh. on est là. Bah ouais, mais je suis obligé de gueuler alors qu'ils sont dans le couloir, parce que nous, là, on a pas de retour en fait, hein, donc. Bah il fallait prendre la casque, espèce de mongole. Mais on peut pas prendre de casque parce qu'il y en a qu'un pour toi, Mickaël. Ah, parce que bah, c'est pas notre chef vénéré. Mais oui, donc c'est ça mon cul, ouais, t'as raison, ouais. Bon, alors, du coup, les Jeux Olympiques, d'abord la musique, évidemment, hein. De l'hymne bien entendu hein, que nous avons lancé depuis lundi hein, justement. Bon Toff, oui, est-ce que tu peux expliquer ce qu'il va se passer justement? Bien sûr, donc nous allons faire le squeletton. Alors dans cette nouvelle épreuve, le squeletton consiste à normalement à se, c'est en fait c'est du bobsleigh mais en fait sans bobsleigh hein, avec juste les espèces de je sais pas comment expliquer ça, les espèces de ski que tu mets au bout de tes bras et tu te lances en fait dans la descente. D'accord. Bon, donc, comme on n'a pas de descente, on va se débrouiller sans, et donc on va faire avec avec un squeletton sur piste plate. Ouais. Et donc je vais lancer Polo. Et Polo me lancera. D'accord, ok, très bien. Toujours avec le pied cassé alors? Toujours avec le pied cassé, je souffre le martyr. Oh, tout de suite, cinéma. Ah ouais. Je ferai la semaine prochaine le Portugal. Ah ça bah, sera très bien. Dans les Jeux Olympiques. Voilà. Oh. Bon, donc effectivement, Polo est sur une boîte en carton. Et donc, il va devoir être lancé. Le but, évidemment, c'est d'arriver à être lancé le plus loin possible, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Enfin, on va essayer quoi. Très bien, mais toi, tu vas courir aussi en même temps ou tu vas essayer de lancer? Bah oui, faut que je le pousse parce que sinon, comme on n'a pas de descente, le problème, forcément, c'est qu'on peut pas se lancer quoi. Mais jusqu'où tu peux courir? Bah, je cours jusque. En fait, il y a une démarcation par terre. Il y a une petite démarcation par terre. Très bien. Voilà, attention. Comment s'appelle ce jeu olympique? Le squeletton, ça s'appelle. Le squeletton. Mais normalement, on se pousse pas au squeletton. Évidemment. Évidemment. Alors attention. 3, 2, 1, go! C'est toujours la France contre la Belgique et c'est. Il patine! Je peux pas! Il patine, ce con! Il est en train de marcher tout seul en fait et ça n'avance pas. Mais vous avez mis trop de savon de vaisselle par terre. Il y a trop de savon. Vous avez mis trop de vaisselle là par terre, trop de savon de vaisselle. Mais je fais. Bon bah poussez. Pour l'instant la France perd. Hein. Allez. C'est un échec total et cuisant. Total et cuisant. Attends. C'est pas cuisant l'échec là, c'est au-delà du cuisant. Vas-y, donc, essaye de me lancer Polo. Donc je répète en fait, donc peut-être que Polo est trop lourd, je ne sais pas. Donc c'est possible. Bon du coup c'est Toff qui essaye. Hein. Toff se met donc couché sur la boîte et donc Polo lui prend les pieds, va essayer de le pousser. Et attention. Alors, Il a essayé une autre technique mais ça marche pas mieux. Donc attention. Et Polo qui n'y arrive pas non plus, quoique non, Polo qui tombe et malheureusement Toff qui n'a pas été bien loin. Attention le mur et attention. Donc ils sont toujours en train d'essayer de se pousser l'un l'autre. Ça ne fonctionne toujours pas parce qu'ils ont mis tellement de. Ils ont mis tellement de savon par terre que c'est un échec total et cuisant. Voilà, les Jeux Olympiques qui malheureusement sont un échec, ça peut arriver. Bah écoutez, je me suis. Mais c'est le même problème. Qu'en Russie, hein, ils ont pas. Là-bas la neige est il fait tellement chaud que la neige fond, on a le même problème ici. Il y a mis trop de savon, on peut pas pousser. Et trop de savon là par terre, hein, c'est dommage. Bon alors évidemment on vous mettra les vidéos sur le Facebook de l'émission bien entendu pour que vous puissiez voir. Et donc Polo qui prend les pieds de Toff, mais sauf qu'il a le pied qui est à moitié cassé, donc là forcément il le vit assez mal. Donc il réessaye dans l'autre sens quand même. Ouais, Polo parce que réessaye peut-être que ça ira mieux. Voilà, Polo qui réessaye de repousser Toff qui est toujours sur sa boîte en carton, donc hein, pour ces Jeux Olympiques de saut de ski que nous organisons toute cette semaine, la semaine prochaine en direct sur Fun Radio, malheureusement c'est toujours un échec cuisant. Bon Attends, il essaye une autre technique. Bah, il essaie le technique, il le prend par la ceinture. Ouais, ouais, mais il a fait 30 cm, donc autant vous dire que c'est un échec. Bon, et ben merci les gars d'être passés, hein, les sportifs. Hein. De rien. Voilà, c'était magnifique. On a été bons ou pas aujourd'hui? Ah, ben, vous avez été au taquet là. Ah bah quand vous verrez la vidéo, je peux vous dire que vous êtes bon. Essaiera d'être meilleur la semaine prochaine. Ah bah il faudra, je pense, ça c'est clair. Bon, et ben tant pis, c'est pas grave. C'était les Jeux Olympiques de saut de ski et un échec cuisant pour les deux équipes donc qui terminent avec un. Bah, aucune médaille d'or. Hein. Là, aucune médaille d'or, je confirme qu'il n'y a pas lieu d'être. Bon, et ben voilà, ce sont les choses qui arrivent. C'est pas grave, j'arrête la musique. Hop là, on remet l'autre, c'est terminé. Les Jeux Olympiques pour l'instant du moins. On va continuer à parler des vengeances avec Nicolas, avec Stéphane, avec Faisal également. Il y a Alex qui voulait réagir par rapport à sodomie, puisqu'on en avait parlé comme ça en speed. Et on va donc prendre Maxime qui est avec nous de Charente-Maritime. On fera encore d'autres appels avec Toff dans quelques minutes. Bonsoir Maxime. Oui, comment vas-tu? Enchanté, Mika. Eh ben, enchanté toi aussi, dis donc. Comment vas-tu? Très bien. Et vous, enchanté à toute l'équipe aussi. Bah écoute, très bien. Bah écoute, là, il manque Toff et Polo qui sont en train d'enlever le savon qu'ils ont au pied. Mais sinon, tout le monde est là. Il n'y a pas de problème, Maxime. Alors, Maxime, je suis tout ouïe. Qu'est-ce qu'il t'est arrivé? Alors, donc. Enfin, en termes de vengeance, hein, je veux dire, évidemment. On en avait parlé depuis tout à l'heure des vengeances. Donc, c'est quoi la tienne? Donc mon meilleur pote s'est fait sucer dans le lit de ma mère. Ouais. Donc pour me venger, je me suis fait sucer et branler dans le lit de sa mère par sa nièce. Attends. Répète parce que j'ai peur d'avoir zappé un détail. Donc mon pote s'est fait sucer dans le lit de mes parents. Ouais. Donc pour me venger, moi je me suis fait branler et sucer dans le lit de sa mère par sa nièce, qui est majeure. J'espère bien, il manquera plus que ça, Maxime. D'accord, ok. Est-ce qu'il l'a su, lui, à un moment? Oui, je lui ai dit direct le lendemain. Oh, l'enculé. Et alors, il a dit quoi? Que j'étais un grand enculé, que j'étais un enfoiré, mais je lui ai dit qu'il avait cherché. Oui, mais en même temps, c'est... Et qu'elle avait aimé. Ah oui, bah en plus, je crois que c'est peut-être le pire, non? Que lui dire que elle a plus que kiffé, finalement. Non mais c'est vrai, c'est peut-être ça le plus violent en fait dans l'histoire. Et quoi, vous êtes encore potes aujourd'hui ou c'est fini? Non, bon, on fait toujours des crasses et j'attends qu'il m'en fasse une autre et il faut que j'appelle Bruno pour lui refaire encore une plus crasse le matin. Très bien, bah tu peux essayer ça, effectivement, ça peut être une bonne idée ça, très bien. Merci Maxime d'être passé. Merci à vous de m'avoir écouté. Avec plaisir, tu reviens quand tu veux Maxime, à bientôt, ciao. Merci à vous, bonne soirée. Merci, ciao à toi. Il y a Nicolas également qui est avec nous là, 38 ans de la Haute-Vienne. Salut Nico. Salut Miguel, comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, tranquille, ça roule, salut bon. Toute l'équipe. Eh bah toute l'équipe te salue également. Toff également toujours avec son pied cassé d'hier là. Enfin son pied cassé. Super mal. Non mais c'est du cinéma, c'est du cinéma. C'est bah du cinéma. Oui, tu parlais c'est juste bien du coup la porte du couloir. Mais voilà. Ah je viens de les voir, ils sont bien moches quand même. Hein. Ils sont un petit peu cassés, un petit peu, il s'est un petit peu tapé contre le mur, rien de grave. J'ai vu la photo. T'es sûr qu'ils sont pas d'origine comme ça? Ah si, je pense, ouais. Non, mauve comme ça, non, ils sont pas d'origine. Non, je pense. Bon, alors, Nicolas. Oui. Bon, c'est quoi ta pire vengeance, toi? Alors, donc, c'est pas moi directement. J'ai participé, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai participé à la vengeance. Donc, j'ai mon beau-frère qui se faisait tromper et il avait surpris, donc, sa copine avec un gars. Et il voulait absolument se venger, donc, je lui ai dit, écoute, on va y aller. Il trouve où c'est qu'il habite. Ouais. Mon frère, il est pas. Donc on prend deux sauts de peinture chacun et on lui a repeint la porte d'entrée de l'appartement. Et en fait, on repart en descendant les escaliers et puis on croise une personne. Et cette personne-là, c'était un copain à moi, donc je lui dis bonjour et je continue à descendre et mon beau-frère, il me dit putain, mais c'est lui. Ah, c'est bon ça. C'est bon ça. Ah ouais, non mais il m'a jamais reparlé, quoi. Ah, tu m'étonnes. Bah oui, forcément, et qu'il t'a jamais reparlé. Tu croyais qu'il l'avait félicité? Bravo ma gueule, hein, bravo, hein. Mais t'es comme un con, quoi. Bah oui, t'es comme un con, mais bon. Bon, et une petite histoire, mais enfin, bah, sinon ça s'est bien passé après. Hein, mais oui, bon, bah voilà, le principal, c'est que ça se soit bien passé. J'ai perdu un ami, et puis mon beau-frère, il a perdu sa gondresse. Voilà, et en même temps, un ami de perdu. C'était jackpot. Un ami de perdu, exactement, ouais. Bon, attends, il y a Stéphane aussi avec nous, là, du Calvados. Salut Stéphane. Salut. Comment ça va? Bah ça va ma foi. Tant mieux ma foi, oui très bien Stéphane. Alors c'est quoi tes pires vengeances toi? Ah bah moi ma pire vengeance c'est une ex, enfin façon de parler, on était à l'époque ensemble parce qu'on n'y est plus. Donc on était en boîte si tu veux, en soirée quoi, donc elle a rien trouvé de mieux que de se taper un mec en boîte quoi, en gros. Ouais. Pendant que tu étais, vous étiez dans la même boîte? Ah t'es tous dans la même boîte et tout. Faut être gonflé quand même hein. C'est vrai qu'avec moi pour faire des trucs comme ça. Il faut avoir les couilles quand même. J'admets quand même. Ouais. Et moi donc du coup j'ai rien trouvé mieux que de me taper sa mère et sa frangine. Mais c'est dingue. Hey, en fait, vous les vengeances, à part l'autre auditeur, je me souviens plus de son prénom malheureusement, qui nous avait appelé en disant voilà, moi ma vengeance c'est que j'ai mis sa voiture en cube parce qu'il était dépanneur et il travaillait dans une démolition automobile, si mes souvenirs sont bons. Donc il avait transformé la voiture en cube et ça je trouvais ça drôle comme il lui avait fait un César. Ouais, il avait fait un César. Ah, mais... marrant. Ah ouais, franchement ouais. Mais en revanche, le coup d'aller baiser à gauche ou à droite pour. En plus c'est dit hein, parce qu'on avait lancé le truc en disant les pires vengeances parce que on disait justement qu'il fallait éviter d'aller se taper quelqu'un d'autre en allant dire eh, je me suis tapé quelqu'un d'autre. Ah et mais au final, par contre, je précise, la mère et sa sœur c'était tout dans la même journée. Hein. Ah ouais, donc toi t'es vraiment un chaud lapin. Ah ouais, tu rigoles pas toi. Ah ouais, ouais, lui il y va bien. Hein. Ah il y va très très bien Stéphane, hein. Bravo. Hein. Ah et moi je fais pas de cadeau. Ah ouais, je vois ça, ouais, je vois ça. Bah merci Nicolas et Stéphane d'être passé. Ah bah merci à toi. Ouais, pour moi, voilà quoi. Eh bah écoute, merci beaucoup Stéphane. Tu voulais dire un truc, Nicolas, en plus? Ouais, d'accord, c'était parfait. Ouais, super. Vas-y, je t'écoute. Par contre, c'est une petite musique là, parce que hier c'était mon anniversaire et je t'ai envoyé un message, je m'en pas répondu. Ah bon, bah c'est possible, il y en a tellement. C'est quoi le. Ah oui, je m'en promets, il y en a beaucoup. C'était quoi, Nico, que tu voulais? Ah ben, c'était un joyeux anniversaire, ça. Oh, sympa. Bah oui, non, mais ça, y a pas de problème. Alors, après, attends. Si tu veux construire un petit pack de sous.fr pour la femme, je suis pas contre. Alors, attends, d'abord l'anniversaire. Ah, ça y est. Voilà. Ah, j'ai pas besoin de le bon. Ah, écoute, écoute. Oh. Voilà, et ben bon anniversaire. Oui Nico. Merci. Eh ben avec plaisir. Bon Nico, on va te filer le pack fun et puis Stéphane, ben merci de passer, tu reviens quand tu veux. Bah ça serait possible aussi d'avoir un pack fun. Oui, tu gères ça avec Sandro, je te la repasse maintenant. Ok, ça marche. Salut Nico, salut Stéphane, à bientôt tous les deux. Ciao, bye bye. On aura Polo contre le reste du monde tout à l'heure. Ouais. Et alors, je vous disais aussi tout à l'heure que si vous étiez seul pour la Saint-Valentin, j'avais peut-être une solution pour passer la soirée avec une inconnue. Ah, ouais, c'est un site web qui donne les 10 conseils pour ne pas passer la soirée seule. Eh ben, je vous en parle dans quelques minutes. Le temps d'écouter 2000 bateau avec Neon Lights, de faire encore d'autres appels avec Toff sur Fun Radio. On revient juste après ça. C'est Mickaël No Limit et on est en direct jusqu'à 2h. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Cause it's freaking out. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Yes, we can. Toff est père de famille. Polo est un gangster. Et Sandro, un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Et c'est la Saint-Valentin. Ouais. Et vous pensez qu'il va passer la Saint-Valentin avec qui, François Hollande? Avec sa mère. Non, non mais il a sûrement des gonzesses. Apparemment, d'après Frédéric Mitterrand, il baise pas tous les râteliers. Il baise des grands. D'accord, mais je m'inquiétais pour lui, donc très bien. Non, t'inquiète. Et Barack Obama? Bah, il avec va... Beyoncé ou avec... Mais non, c'est pas Beyoncé... prouvé encore. Non, Beyoncé, c'était un fake. C'est un fake. C'est un fake, quoi. Un fake au final. Ah ouais, c'est un mec qui a soi-disant dit ça à l'antenne, je sais plus, d'une radio. Et le mec, tout le monde a repris ça, alors qu'en fait, lui, il disait, mais c'était une vanne. Ah, parce que toi, tu tapes Shakira, là. Oui. On va voir si ça a fait le même buzz ou pas. Mais non, je pense que ça marche. J'aimerais bien, par contre, me taper Shakira. Ah bah, tu m'étonnes. Non, mais en même temps, là, avec Piqué, je pense qu'il est un peu plus osé que toi, genre. Un peu. Et bah, je crois qu'il est vachement plus blindé. Toff, il va faire comme certaines personnes que je n'aimerais pas dans une radio. En fait, il va annoncer qu'il est en train de coucher avec Shakira. Et après, il va faire un démenti. Peut-être aussi, ouais. Et attends, il y a... Non, je crois qu'il y avait une meuf qui en arrivait, mais en fait pas du tout. Non, c'est le stagiaire. C'est le stagiaire. Ah, oui, c'est le stagiaire, effectivement. Qu'est-ce qu'il est chum. Ah, il est pour une meuf, il est quand même bien chum. Ça, ouais. C'est, oh là là, enfin bon. Bon, il y a Ben qui dit, je vous écoute depuis une semaine, vous êtes énorme, continuez. Bah merci Ben, un petit message de bienvenue pour la peine. Je te brise les os, mon gars, je t'encule au passage. Voilà Ben, bienvenue. Hein. Et Let's Be Freaks qui dit, les pauvres orteils de Toff, ils sont violets. Viens, je vais te soigner, mon Toff d'abord de ma vie. Ah oui, viens me soigner. Ah bah oui, et Sophie qui dit, un jour mon ex m'a proposé un plan à 3, je me suis barré. L'amour, c'est à deux pour moi. C'est ton choix, Sophie. Et puis Magda qui dit Toff, quand même. Ah oui, elle est arrivée tout à l'heure, même avec ses doigts de pied tout violet. Et puis un message aussi de Manu qui dit Toff avec Shakira, mort de rire, la bonne blague. Ouais. C'est pas grave, j'embrasse Aurélie qui m'a envoyé des messages. Qui est Aurélie, Toff? Une fille qui m'envoie des messages, bientôt gendarme. Ouais, bah écoute, encore une. Je suis désolé, Aurélie, hein, je te connais absolument pas, donc. Mais si tu continues à écrire à Tof, c'est que t'es vraiment bête. Et Aurélie cumule l'état, elle est gendarme et elle veut sortir avec Tof. Non, mais gendarme, ça peut être bien, une fille en tenue de gendarme et voilà. Tout, ça peut être sympa. C'est juste pour qu'elle vienne m'arrêter. Tof, me passer des menottes et me mettre un coup de matraque. Ou alors, Aurélie, je retire tout ce que j'ai dit. Si tu essayes de taper Tof pour que. M'arrêter. Tu prennes la matraque et. Bah, tu tapes dessus comme pour venger toutes les autres meufs. Là d'accord. Ah non, moi je suis à plus de vengeance, moi je suis d'accord avec Tof maintenant. Bah oui, c'est ça. Mens-leur, Tof, et baise-les. Ouais, il a raison. Ouais. Bon, on va appeler encore Polo. D'autres personnes pour savoir avec qui il préfère passer. Avec qui il préfère tromper les mecs. Donc, Non, avec qui les mecs tout préfèrent mélangé, tromper leur meuf. Avec une pute, oui. Ou avec une fille rencontrée sur internet. Voilà, ou, c'est ça. Inversement, si on tombe sur la meuf, demander si elle préfère avec ça leur compte mec. Pas. Avec une pute, ça compte pas en fait. Bah, si ça compte. Bah non, c'est pas tromper. Bien sûr que non, tu l'aimes pas. Bah, une meuf, moi, il y a plein de meufs sur internet, je les aime pas non plus. Hein. Ouais, oui, ça c'est sûr. Bon, allez, on y va, on appelle maintenant grâce au numéro que vous avez envoyé sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Allez, c'est parti, 1h33 du mat. On est bien là, jeudi, dernière de la semaine. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous préféreriez que votre mari vous trompe avec une pute ou avec une meuf rencontrée sur internet. Mon ex m'a déjà trompé avec une pute, donc voilà quoi. D'accord. Donc vous préféreriez une meuf rencontrée sur internet? Bah je préférerais qu'il me trompe pas du tout en fait. Oui, mais bon, vous savez, les hommes aujourd'hui, vous savez ce que c'est. Hein. Exactement. Ouais. Donc plutôt la meuf rencontrée sur internet. Oui. D'accord, bah je vous remercie madame, une bonne soirée. Attends. Oui. C'est Fun Radio là, ouais. Non, pas du tout. Si. Mais non, c'est, on fait pas ça sur Fun Radio. Mais si. On est pas comme ça. Mais on appelle. Si, j'écoute tout le temps. Ah bon? Bon bah d'accord. Bah alors c'est Fun Radio alors. Bah oui, parce que je passe en antenne donc voilà quoi. Bon, et bah une bonne soirée alors hein. Bah vous aussi. Bon, à bientôt. C'est quoi ton nom, ton prénom? Manon, tu as une très belle voix. Passe une bonne soirée. Merci, vous aussi. Je t'embrasse. Bisous. Moi. Non mais c'est pas possible, jusqu'au bout là il va essayer quand même. Hein. Ouais, bien sûr, moi je bouffe à tous les râteliers, qu'est-ce qu'il y a toi? T'as raison. Attends, moi je suis le François Hollande de la radio. Ouais, bon, c'est ça, ouais. Putain, le François Hollande de la radio. Oh là là, voilà l'exemple. Non, il a bien trouvé. Attends, je suis moche, je mens, mais je sers. Ouais, c'est le Flamby de la radio. Ouais. Pareil, on a le même bide et tout, t'as vu? Ah ouais, j'ai bien vu, ouais. Je crois que même lui il en a un peu. Bon. J'ai encore de la marge. On appelle quelqu'un d'autre du coup, hein, parce que bah oui. Allez hop, c'est parti. Maintenant je t'embrasse. Oui, bon bah c'est bon là. Allez hop, on y va, on appelle un autre. Ou une autre, je sais pas. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je vais savoir si vous préférez tromper votre femme avec une pute ou avec une meuf rencontrée sur internet. Tu veux pas être enculé, connard, il est pédé. Mais enfin, monsieur, pourquoi vous dites ça? C'est bon, va te faire enculer. Ah non, monsieur, pas de ça entre nous. Si, il va y avoir de ça entre vous. Ouais. Bon, on rappelle encore un coup, là, attends, bouge pas. J'ai bien quand même bien aimé. Va te faire enculer, connard, il est pédé. Oui, exactement, ouais. Allez hop. On remet le couvert avant de récupérer Pascal, Fessal, Johnny, Stéphanie. Et Polo contre le reste du monde. Allô? Oui, monsieur, faut pas le prendre comme ça. Moi, je vous appelle juste pour vous poser une petite question. Ouais, bah j'en ai rien à foutre, mon pote. Moi, je suis artisan, d'accord? Je bosse, t'as que ça à foutre d'emmerder les gens. Appelle quelqu'un d'autre, d'accord? Moi, je me lève dans 2 heures. Donc arrête de me casser les couilles. Bah oui, mais enfin, monsieur, maintenant qu'on est au téléphone, vous pouvez répondre à ma question. Mais j'en ai rien à foutre de ta connerie. Toi, tu préfères quoi? Ta meuf ou ta pute? Mais ça a rien à voir, monsieur, c'est juste pour et ça. Bah voilà, bah, moi j'ai ma femme, ça me suffit, voilà, très bien, stop. Oui, mais si vous deviez la tromper, vous préférez prendre une pute ou rencontrer quelqu'un sur internet? Bah rien du tout, voilà, je vais pas tromper ma femme. Oui, mais ça va bien vous arriver un moment ou un autre. Bah non, bon voilà, y a pas de raison. Bah on sait jamais, monsieur. Ouais, bah non, c'est bon. Bon, bah, j'ai pas que ça à faire, bah allez, salut. Il est parti. Bon bah voilà, comme ça au moins c'est fait. Il a pas que ça à faire, Il a pas que ça à faire. Voilà. Bon, on va prendre qui est avec nous. C'est Fessal qui est avec nous là depuis tout à l'heure. Fessal du 80. Salut Fessal, ça va? Je comprends toujours pas pourquoi tu fais pas ça propre. Oh là là. Putain, c'est parce qu'il fait pas le ménage alors forcément. C'est Fessal. C'est ça. Bon, Fessal. Putain, c'est Faisal. Faisal, voilà, Faisal, comme ça. Hop, l'affaire est pliée. Faisal, alors on t'écoute, Faisal. Tu voulais parler des vengeances? Ouais, franchement, moi j'ai fait une jolie vengeance. Dis-moi. Ouais, je suis sorti en boîte avec mon collègue. J'ai serré une jolie, jolie fille. Ouais. Les yeux bleus et tout. Franchement, un missile, un cheval de Troie. Missile, un cheval de Troie. Ouais, c'est quoi le rapport avec le missile et le cheval de Troie? C'était un pétard, la fille. Ah, c'était un pétard. Ah, attends, c'est un pétard. Ouais. Le problème, c'est qu'elle t'a explosé entre les mains, quoi. Bah, ouais. Et donc, je suis parti. Mon collègue, il est allé le voir. Il a dit non, mais lui, c'est pas un mec bien. Il a une copine, etc. Oh, le bâtard. Il m'a cassé mon cou. J'étais pas bien. Il m'a insulté à la fin. Grosse gifle. Ça y est, je vous en parle même pas. Putain, et mais donc, pourquoi il a fait ça, ton pote? Il est con, quoi? Non, il était, je sais pas si... Il était jaloux, il est jaloux. Non, mais il sait pas que les gros, ils sont un peu plus que lui. Parce que je suis gros, ils vivent les gros. Mais bref, comment j'ai fait pour me venger? En fait, je suis arrivé, et j'ai dit c'est plus possible. Je suis arrivé, j'ai regardé le site, Viva Street, j'ai pris sa photo, j'ai mis son numéro de téléphone, et je l'ai fait passer pour un gay. Et comme on habite dans une petite ville, il n'y a pas beaucoup d'habitants, tout le monde se connaît. Ouais. Et mon pauvre, comment tout le monde le regarde jusqu'à maintenant. Et c'est pas fini. J'ai mis une annonce sur le bon coin, une BMW à 300€, avec son numéro, tout le monde la recèle. Ah là, il est mort. Oh putain, je vais faire pareil avec toi, tu as Autolib à vendre. Ah bah oui, oh là là. Voilà, hop, ah, 100€. Les gens vont se battre pour les avoir, les Autolib. Ah bah attends, mais pourquoi pas. Attends, c'est tellement galère d'en trouver parfois. C'est bien d'avoir la propre, d'avoir la sienne, hein. Oui, c'est vrai. T'arrives, tu peux le garer partout, pépère, t'es bien. Ouais, mais ça, par contre, c'est pratique. Hein. Ah, ça, à Paris. Ça, j'imagine. Ouais, pendant que nous, on galère. Ouais. Hein? Bon, après, il y a des connards qui se garent sur les places d'Autolib. Et ça, franchement, ça se fait pas. Ouais, ça, par contre, c'est mal. Ça, effectivement, ouais. Bon, et du coup, la vengeance, Faisal, il est au courant que c'est toi, du coup, qui a tout fait? Franchement, il est pas au courant. Il m'a soupçonné. Il m'a fait vendre comme quoi il avait porté plainte sous X. Et qu'il fallait que je dise que c'est moi, si comme ça, il retire sa plainte. Mais moi j'ai jamais dit et voilà quoi, en fait je savais que c'était des pipons. Bah ouais, mais c'est pas mieux, parce que je pose la question depuis tout à l'heure, mais c'est pas mieux de d'avoir la satisfaction que la personne à qui t'as fait un coup de pute sache que c'est toi, comme c'est une vengeance. Mais non, parce qu'après c'est l'effet yo-yo là. Il va commencer à me faire un coup de pute, etc. Ça va jamais s'arrêter. Ouais, c'est pas faux. Non, c'est vrai, t'as raison. Bon, attends, il y a Johnny aussi qui est avec nous. Peut-être que c'est encore plus lourd là. Johnny, 25 ans du Mans. Salut Johnny. Bonsoir, Michael. Salut, ça va bien Johnny? Ouais, c'est bien. Bon, nickel. On aura Polo contre le reste du monde aussi dans un quart d'heure. Hein, ouais. Si vous voulez participer, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez vous inscrire maintenant. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bon, alors Johnny, c'est quoi ta vengeance toi? Alors voilà, ça remonte à, bon, à quelques petites années, j'ai eu une ex, donc voilà, je sortais avec, tout ça, enfin ça se passait, mais bon, elle était un peu bizarre, la nana, donc elle avait un peu sa vie, enfin j'avais du mal à savoir ce qu'elle faisait. Ouais. Et bref, ça l'a fait l'erreur, c'est de dire à mon voisin qui était aussi mon meilleur ami, qui a voulu profiter de moi. Qui avait quoi? On n'a pas compris la fin. En fait, elle a dit à mon voisin, qui est mon meilleur ami, qu'elle voulait profiter de moi, en fait. Qu'elle voulait me rappeler, tout ça. Déjà que j'avais suspicion qu'il y avait quelque chose derrière et qui s'est... Tu avais suspicion? Ouais, voilà. Je savais qu'il se passait quelque chose. Elle était un peu bizarre, la nana. Enfin, voilà. D'accord. Donc, du coup, je me suis dit, vu que je sais qu'elle voulait profiter de moi, j'ai salé comme ça. Moi aussi, je vais profiter d'elle. Donc, je lui ai fait un petit peu grand jeu, le soir, sa charme, tout ça. Et franchement, j'ai pas pris des gants, quoi. Je l'ai cartonné, mais jusqu'à temps que moi, j'en pouvais plus. Ouais. Elle s'est endormie dans les bras. J'ai attendu qu'elle s'endorme bien profondément. Je me suis levé. J'ai pris ses clés. J'étais dans sa voiture. J'ai ouvert son capot. Et en fait, dans la famille, j'ai réussi à obtenir de l'oxyde de fer. C'est des petites particules de ferraille. Ouais. C'est ça bleu. Donc voilà, je lui ai versé à peu près 2 kilos d'oxyde de fer dans son moteur. Dans le réservoir ou dans le moteur? Dans le moteur. Direct, toi tu t'as pas rigolé. Direct dans le moteur, je me suis dit, elle va pas faire en feu. Et du coup, donc voilà, une semaine après, j'ai su qu'elle m'avait trompé, j'étais bien content, j'ai su que 2 ou 3 semaines plus tard, sa voiture était en rade, le moteur éclaté. Sans déconner, évidemment. Oh là là. Donc voilà, oh là là. Je l'ai tiré là, et elle a jamais su que c'était moi, elle a pas compris ce qui s'était passé dans son moteur, et... Ouais, et c'est voilà. Ça, en fait elle doit se dire ouais putain c'est putain, de la merde, mais quelle voiture. Ouais, alors que non, ça va être pas, c'était vraiment voilà, j'ai cartonné, elle s'est endormie, je me suis levé discrètement, hop, j'ai fait ma petite affaire avec sa voiture, je suis revenu dans la maison, je me suis rallongé, je l'ai pris dans mes bras, je me suis endormi, hop, comme si rien n'était. Oh l'enculé. Chérie, je t'aime. Ça c'est bon, ça. Voilà, je t'aime moi non plus. Ah ouais, effectivement. Bah, merci Johnny en tout cas d'avoir appelé. Hein. Y'a pas de problème. Et tu reviens quand tu veux. Salut Faisal, bon week-end à vous deux. Salut, bon, je peux faire une petite tarte peut-être. Vas-y, vas-y Faisal, à une personne, a choisi la bonne. Vive les gros. D'accord. D'accord, ok. Bah, Toff est ravi, hein. Eh oui, gros power. Voilà, pas de problème. Salut Faisal, à bientôt. Salut, ciao. Ciao à toi, bye bye. Il y aura Pascal aussi pour terminer. On aura Stéphanie. Et puis Polo contre le reste du monde, hein. Ce sera pour terminer l'émission, évidemment. Ouais. Et on va se faire le son d'Afrojack aussi. C'est dans quelques minutes, ça, sur Fun Radio. Dans quelques secondes, même, avec The Spark. Tous les soirs, sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, là. Bienvenue si vous arrivez sur Fun Radio. C'est Mickaël. Nos limites, on est en direct sur Fun jusqu'à 2h. C'est sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde. A little bit of misfit dance, a little bit of JoJo dance. Mickaël, nos limites. Tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. En direct sur Fun Radio, allez, bienvenue, c'est la dernière ligne droite de l'émission avant le week-end. Yeah. Oui, il y a Gwenaël qui a envoyé son message également. Putain, je me marre tellement que j'ai zappé ma sortie d'autoroute en camion. Merde, putain, ça m'est déjà arrivé, c'est aussi de rater la sortie là, putain. Surtout quand tu rentres vers. Alors pour ceux qui font la route, hein, moi je vais souvent vers Bruxelles forcément. Et quand tu t'es sur la 1 et puis à un moment tu vas switcher sur la 2. Alors quand tu rates, évidemment, t'es dans la merde parce que ça te fout. Ça te fait chier quoi en fait, hein, parce que tu fais un détour de psychopathe. Donc ça m'est déjà arrivé Gwen, bah bon courage à toi. Il y a Manu qui dit putain il a vraiment la dalle Toff, il a toujours la dalle. Et moi j'ai Noisette, toujours faim. Ouais, Noisette qui dit coucou à toute l'équipe, moi c'est Fanny, mon mari oublie généralement de me souhaiter la Saint-Valentin. Un petit coup de pelle s'il vous plaît pour lui, ça va faire 13 ans qu'on est ensemble et 13 ans qu'il oublie. Bisous à toute l'équipe, bien sûr, ah ouais, avec plaisir. Non je pense pas qu'il oublie. Ouais, je pense qu'il y a ouais, au bout de 13 ans, ouais. Ouais, au bout de 13 ans je crois qu'effectivement effectivement il le fait exprès. Bon, Polo contre le reste du monde, c'est dans quelques minutes sur Fun Radio et on va n'appelez plus pour Polo contre le reste du monde, c'est fou, il n'y a plus place. Ah oui, là c'est complet, c'est complet. Ah bah c'est complet, on a déjà refoulé du monde. Hein. Ah, on a déjà refoulé, jean, basket, baggy, tout ça c'est pas rentré. Voilà. Éventuellement, si des filles appellent, on peut virer des mecs. Ah oui, il y a pas de problème. Ah oui, les filles, priorité. Voilà, priorité sur les filles, évidemment. Et on a une boisson. Bon, je vous parlais tout à l'heure de la Saint-Valentin là, et donc j'avais une solution pour passer la soirée avec une inconnue. Et c'est un site web qui donne les 10 conseils pour ne pas passer la soirée seule. Alors, il faut choisir une tenue attirante, hein, donc évidemment, prenez l'avis de vos copines pour voir. En deux, allez dans un endroit où il y a un maximum de filles, magasin, ciné, je sais pas moi, salle de sport. En 3, il faut évidemment séduire du regard. Ce que Toff n'arrive pas à faire puisqu'il ne regarde jamais les gens. Ouais. Chaque fois il regarde par terre. Je sais pas pourquoi il fait ça. Non, c'est vrai, on est. Mais c'est vrai ou faux? Arrête. Non, mais je avec les filles, tu regardes jamais. Avec quoi, avec les filles? Non, Toff, c'est avec tout le monde. En fait, parfois, il a un problème, c'est-à-dire qu'il regarde à côté ou en bas. En fait, je sais pas si t'as un problème de vision. Non, c'est un problème de concentration. Ouais, et en fait, il regarde et puis je le sais, c'est-à-dire que si je veux regarder quelqu'un fixement. Ta gueule! D'accord. Le pauvre. Moi ça m'intéresse, vas-y, tu vois, finis Toff. Ah mais je ne veux plus. Christophe. Donc j'essaie d'expliquer que si je veux regarder quelqu'un fixement, je suis obligé de me concentrer. D'accord. Sinon, j'observe tout ce qui est autour de moi, en dessous, en bas, à gauche, à droite. D'accord, ok. D'accord, pour regarder quelqu'un fixement plus de 10 secondes, faut que je me concentre, un truc de ouf. Bon, alors, donc, sinon, il y avait aussi. Enfin, pour regarder quoi que ce soit, plus de 10 secondes, faut que je me concentre. Bon, il y avait séduire du regard, il y avait choisir une bonne phrase d'approche et éviter les trucs ringards, genre on se connaît, vous avez l'heure, etc. Et, d'ailleurs, tout à l'heure, il y a une meuf Star Wars, quand on était à Star Wars Identities. Oui. Ouais. Une meuf qui arrive. Il y avait plein de jolies meufs. Ouais, mais justement, elle était mignonne et elle arrive et elle dit. Excusez-moi, vous avez l'heure? Je dis, vous êtes sérieux? Elle dit oui, je lui donne l'heure, puis il se barre. Donc en fait, elle voulait juste l'heure. Et puis, sinon, bah ouais. Pensez, vous êtes où? Bah écoute, non, mais parce qu'on parlait de l'heure, justement. Et en 5, donc toujours avoir un compliment à placer. Donc faut bien réfléchir à un compliment qu'on pourrait éventuellement placer. À tout moment, ça peut servir. Bon, on va où est-ce qu'il est? On va prendre Stéphanie, qui est avec nous, là, pour terminer. Stéphanie. Bonsoir. Comment ça va? Ah bah j'ai cru que tu m'avais oublié. Bah non, pourquoi? Bah parce que ça fait un peu 2 heures que j'attends. Bah oui, mais il y a du monde, hein, Stéphanie, il y a du monde, oh là là. T'es blindé. Et bah dis-moi, t'as qu'à écouter des émissions où il y a personne qui écoute, comme ça tu passeras plus vite. Dis-moi, t'as pas d'amis toi? Voilà. Ça aussi. Alors là, non. Ah bah ça m'étonne pas. Bah, je présente. Bon, alors, toi t'as déjà fait des trucs de vengeance toi ou pas? Non, je me venge pas, je quitte moi. Ah, toi, tu quittes carrément, d'accord. Ouais, mais c'est, ça sert à rien, ça. Mais sinon, tu nous appelles pourquoi, du coup, si t'es pas pour la vengeance? Bah, à la base, c'était pour le monsieur qui voulait faire un plan à plusieurs, que sa femme lui proposait. Ah oui, Victor, et on parlait de ça il y a 6 jours, effectivement. Ouais, voilà. Bon, bah alors, vas-y, alors, nous sommes tout oui. Non, mais lui dire de pas le faire s'il en ressentait pas l'envie, parce que ça va foutre la merde dans le couple, en fait. Ah oui, mais ça, on avait déjà dit. De voir sa femme se faire toucher par un autre mec, s'il en a pas envie, bah voilà. Ah ben, on l'a eu d'ailleurs, voilà. On a eu un autre auditeur qui lui a mis une patate au mec. C'est-à-dire que le mec, pour ceux qui étaient pas là tout à l'heure, on a quand même un mec qui voulait réagir au truc. Et donc il arrive. Ah non, c'était même pas par rapport à réagir à ça, il voulait réagir à la vengeance. Il n'avait pas trop d'idées. Et donc il passe une annonce lui-même sur un site de boules pour faire un plan à 4 avec sa meuf et donc un autre couple. Et au moment où sa meuf, bah forcément, se fait ploter par l'autre mec. Il voit rouge et il lui met une patate et il défonce la tête de l'autre mec. Non, apparemment, après, il nous a expliqué la vérité, c'est qu'en fait, elle était en train de se faire enculer, quoi. Et il a pas kiffé. Puisqu'il a parlé d'une sauve merde. Oui, oui, non, mais d'accord, ok. Mais bon, à un moment, si tu veux faire un plan à 4, soit tu mets des règles dès le début, soit tu le fais pas si t'as pas envie de le faire, tu vois. Il faut jamais le faire. Bah ouais, je dirais ça aussi, c'est sûr. Bon, il y a Let's Be Freaks aussi qui dit priorité aux femmes pour Polo against the rest of the world. Yes. Of course. Et Magda qui dit si les filles appellent Polo, on vire les mecs. Bah oui, normal. Ah oui, ah, c'est normal. Moi, je vire tous, moi je Ah bah bien sûr, et Polo priorité aux. Tout ce qui a du poil, des grosses boules et une bite, ça te dégage. Bah attention. Les filles peuvent avoir du poil aussi. Hein. Ouais, mais ça a pas de boules normalement. Ça n'a pas de boules normalement, effectivement. Ouais. Ah, on dégage tout ça. Nous. Voilà. Bon, Stéphanie, bah du coup, encore un truc à ajouter? Ouais, on entend quand Jean-Pierre Sauzère là? Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on a plus de nouvelles de Jean-Pierre, dis donc je m'inquiète. J'espère qu'il n'est pas décédé. Tu veux que je te raconte un truc, Michael? Non. Non. D'accord, vas-y. Tu vas savoir. Oh, tu parles pas comme ça, Michael. Bon, parce que sinon, je suis obligé de. Je vais venir, je vais t'enculer ta race de merde, je vais t'enterrer, je vais te mettre ma bite sur la tête, je vais te couper ta croissance, toi. Voilà. Un homme charmant et sympathique. Bien, évidemment, c'était une nouvelle connaissance de Toff cette semaine. Oh, j'adore. Très gentil. Hey, Stéphanie, tu veux pas qu'on te fasse ça là? Non. Je vais venir, je vais t'enculer ta race de merde, je vais t'enterrer, je vais te mettre ma bite sur la tête, je vais te couper ta croissance, toi. Voilà, non, gentil. Ça va aller. Ah bon, d'accord, ok. Bon, alors du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, depuis le patio vendredi, je n'arrête pas de chanter Jean-Pierre Wonderland. Ah bah c'est normal. Au pays des merveilles, le chapelier fou, je suis Jean-Pierre, au pays de mes rêves. Oh pardon. Eh ouais, et Toff qui était le lapin blanc d'ailleurs le week-end dernier. Un très beau lapin blanc. Trop beau comme ça. Ah oui, mais que comme ça. C'est alors, bien le seul moment où il était beau de la soirée. Voilà. Mais non, ce soir il s'est mis en Chewbacca, il a réussi à ploter les filles. Ouais, grave. Ah t'as arrivé. Il y a que comme ça qu'il arrive à ploter. Bah oui, en lapin et en Chewbacca, ça marche les deux. Ouais, voilà. Parce qu'en plus j'ai bien remarqué, hein, il y avait une petite blonde qui. C'est-à-dire qu'elle voulait pas que je parte quand j'étais en lapin. Et après, hop, je suis revenu la voir quand j'étais pas en lapin, elle me fait t'es qui toi. Elle était plus là. Exactement. Bah elle était là, mais bon, elle a pas capté. Alors que Polo lui s'est mis en Dark Vador, ça marche beaucoup moins bien que les filles Dark Vador. Ouais, mais c'est pas grave. Moi, je préfère dominer l'univers et détruire des villes. Mais oui, mais tu as raison. Moi, le reste, je m'en fous, les femmes. Et bah, Stéphanie, bah passe une bonne soirée, hein, Steph. Hein. Bah merci, bon week-end à vous. Toi aussi, ciao à toi, Steph. Bye bye. On va t'arrêter ta croissance. Bah oui, mais évidemment. Bon, et pour terminer, on va filer un dernier pack au bad, là, maintenant, offert par... Mesdessous.fr, mais j'ai plus de... Voilà, c'est ça. Il a failli vomir. Eh oui. Je voulais tousser, en fait. Ça arrive. Allô? Bonjour. Allô? Bonjour. Comment tu t'appelles? Marjolaine. Oui, Marjolaine. Est-ce que tu aimes les hommes avec des imperméables? Je suis dans ta queue. Non, tu as déjà vu un monsieur tout nu? Je suis dans ta queue. Marjolaine. Oui. Est-ce que tu as déjà vu un monsieur tout nu? Eh, Marjolaine, il te faut combien de temps pour faire un pull? C'est drôle, ça. C'est nul. Toff, tu valides ou pas? Je te soutiens moralement, mais je valide. Bon, Marjolaine, t'as quel âge, dans quelle ville, dis-moi? Tricoté. Moi, je vais avoir 22 ans. D'accord, et tu es dans quelle ville? Je suis vers Angoulême. D'accord. Tu es seul dans la vie? Hein? Tu es seul dans la vie? Ah non. Ah bah dans ta gueule, Toff. Bon, et Marjolaine, toi tu nous appelais parce que tu voulais choper le dernier pack de Obad. Donc hein, c'est la marque des sous-vêtements qu'on offre toute la semaine. Le pack My Crazy Collection, offert par Mesdessous.fr. Et on va te l'offrir, Marjolaine. Ça vaut 100 euros quand même, on va t'offrir ça, tu vas pouvoir être toute belle pour ton mec. Ouais, voilà, c'est ça. Salut Marjolaine. Oui. Gros bisous Marjolaine. Ciao Marjolaine. Bon bah voilà. Il y en a eu pas mal du pack qui est parti cette semaine là. Non, c'était bien. C'était bien, c'était beau. Qui va pouvoir s'habiller à nos frais. Ah ouais. Je confirme tout ça. Bon, Polo contre le reste du monde. Ouais. Polo against the rest of the world. Mais d'abord, évidemment, jingle. Pour bien comprendre, Mickaël No Limit, c'est. Excusez-moi, on a été coupé, madame. C'est moi qui ai coupé, allez au diable. Et c'est aussi. Bah, moi je vous emmerde et tu nous fais pas chier si on fait la barbée. Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, ouais. 3h, 2h sur Fun Radio. Et puis les dernières 5 minutes sont bien entendu pour notre ami Polo against the rest of the world. Bienvenue dans Polo contre le reste du monde. Je tiens à saluer, je sais plus comment il s'appelle, que j'ai rencontré tout à l'heure, Vajiwara ou je sais pas quoi, ce jeune homme qui était fan de Toff. Voilà, je t'emmerde. On va commencer tout de suite. Je salue Indul Piu-Piu, que je trouve assez mignonne. Voilà, et puis on va commencer maintenant avec Kevin. Bienvenue dans Polo contre le reste du monde, Kevin. Polo. Ouais, Kevin. Je suis ton père. D'accord, merci Kevin. Quentin, dans Polo contre le reste du monde. Ouais, on t'écoute. C'est moi. Ouais. Alors, c'est pour vous dire que sur Fun, vous avez tous des petits bides, vous savez pourquoi ? C'est vrai, t'as raison. L'imitateur dans Polo contre le reste du monde. Ouais, Polo. Ouais. Ouais, je t'appelle parce que je suis imitateur. Vas-y, imite. Je peux faire tout ce que tu veux. Bah, tu sais quoi ta spécialité ? Je sais pas, tu demandes, moi je fais tout. Imite Toff. Ok, attends alors. Salut, c'est Toff. Ah, c'est pas. Ah, c'est, mais c'est mauvais. Imite Jean-Pierre Sauzère. Attends. Salut, c'est Jean-Pierre Sauzère. Mais on dirait Patrick Bruel là que t'imites. Attends, je peux faire Patrick Bruel. Vas-y. Salut, c'est Patrick Bruel. Oh putain, qu'est-ce qu'il est mauvais. Karine dans Polo contre le reste du monde. C'est Jean-Pierre au pic du Hervé. Ya, ya, ya. Ok, merci Karim. Tarlouse dans Polo contre le reste du monde. Vous êtes sur Fun Radio. Polo, j'ai envie de ta queue ce soir, Polo. Je veux que tu me casses la rondelle. Je suis pas te veux à moi, Polo. Ouais, mais Tarlouse, c'est pas mon genre, en fait. J'aime pas faire ça. Mais je te veux à toi, mais Polo. Pas moi, non. Mickaël dans Polo contre le reste du monde, je t'écoute. Ouais, je voudrais trouver une fille. De quoi ? Je voudrais trouver une fille. Tu veux quoi ? Trouver une fille. Je suis pas. C'est pas une agence matrimoniale, Mickaël. Lucas dans Polo contre le reste du monde. Ouais, allô, Polo. Salut, Lucas. Ouais, Polo, je comprends pas. À quoi tu sers ? À rien. Kevin, le retour dans Polo contre le reste du monde. Polo, ton père a des gros seins, il lui faudra un paco bat. Ah bah il va le voir, appelle-le, il sera sûrement ravi que tu lui fasses un cadeau. Parce que moi je lui en ferai pas. Chien dans Polo contre le reste du monde. C'est très intéressant, mais je ne parle pas le chien. Vous êtes toujours dans Polo contre le reste du monde, vous êtes sur Fun Radio. Kevin. Oui, vas-y, tu me l'offres ce paco bat. Non, t'es pas une meuf. Quentin, de retour. Ouais, énergie, ouais. C'est le meilleur. Ouais, c'est super, merci Quentin. L'imitateur. Ouais, alors qu'est-ce que tu veux que j'imite là? Je peux imiter qui tu veux? Imite Jacques Chirac. Salut, c'est Jacques Chirac. De Funès. Attends. Salut, c'est Louis de Funès. Imite Mickaël. Salut, c'est Mickaël. Mais t'es mauvais en fait. Attends, tu rigoles ou quoi? Je fais des spectacles, c'est toujours blindé. Ah ouais, bah c'est bizarre. Karim dans le Polo contre le reste du monde. C'est mon Batman-Pent, et mon Batman-Pent. Ah, Jean-Pierre, au pays des merveilles. Merci Karim. Tarlouse dans Polo contre le reste du monde. Polo, c'est pas Tarlouse, c'est Arnold. Arnold. Arnold. Arnold. Arnold. Arnold. Arnold. Arnold. Arnold. Arnold. Arnold. Mickaël dans Polo contre le reste du monde. Ouais, j'aurais bien trouvé une fille. Ouais, bah, je peux rien pour toi, arrête de me saouler. Lucas, le retour. Ouais, Polo. Ouais. Non, parce que là, j'écoute ton émission. Ouais. Mais j'arrive pas à t'identifier, quoi. Bon, bah, c'est pas grave. Le chien dans Polo contre le reste du monde. Arnold. Ok. Kevin, le retour. Coé, Guillaume, vous puez. C'est bien. L'imitateur. Allô. Ouais, l'imitateur. Je suis en train d'imiter du blanc pour voir. Du quoi? Du blanc. Vas-y, imite du blanc. Voilà. Ah, c'est pas mal l'imitateur, Karim. C'est Jean-Mohamed au pays de la merde. Arnold. Polo, j'adore ton émission. Merci, Lucas. Ouais, non, parce que Polo, moi j'écoute là. Ouais. Mais je comprends pas c'est quoi le process. Y a pas de process. Le chien, le retour. Super. Kevin, pour terminer ce Polo contre le reste du monde, je t'écoute. Kevin, les meilleurs. Ouais, ok, ouais. Allez, salut. L'imitateur pour terminer. Ouais, alors, mais qu'est-ce que tu veux que je t'imite? Bah, imite. Bah, je t'imite, là, mais donne-moi un nom. Bah, je sais pas, Bah, cherche, voilà. George Clooney. Salut, hello, it's George Clooney. Brad Pitt. Hello, this is Brad Pitt. Angelina Jolie. Angelina Jolie. Bon, hey, l'imitateur. Ouais. Ouais, tu m'as gonflé, t'es mauvais. Arrête le spectacle, fais autre chose, deviens boucher ou charcutier. Karim, pour terminer. Viva Fun. Merci Karim. Tarlouze, Arnold. Arnold. Arnold. Arnold. Karim, Arnold, pour terminer. Arnold. Arnold. Viva Fun Radio, viva Mika. Merci. Tarlouze ou Arnold. Arnold. Arnold. Arnold. Arnold. Arnold. Arnold. Merci. Le chien, pour terminer. Arnold. Je comprends pas ce qu'ils ont avec ce Arnold. Mais bon, écoutez les gars, c'est votre problème. Et pour terminer, monsieur Lucas, je vous écoute. Ouais, non mais je comprends pas. Explique-moi. Là, t'es à l'antenne. Ouais, c'est ça. Et là, tu prends des auditeurs. Et c'est ça. Mais comment tu fais? En fait, en face de moi, j'ai ce qu'on appelle un standard. C'est un écran. Et il y a des numéros, tu vois. J'ai plusieurs lignes. Attends, j'appuie sur la ligne et je fais passer le mec. Non, attends, je comprends pas. T'as un écran. Ouais. Et il y a des mecs dans l'écran. C'est et ça. Après, tu leur parles. C'est un écran tactile. Mais attends, parce que je comprends pas. Les auditeurs, ils sont dans l'écran. Non, ils sont chez eux. Mais ouais, mais tu viens de me dire qu'ils étaient dans l'écran. Oui, mais parce qu'ils sont chez eux et là, ils sont virtuellement dans l'écran. Non, attends, je comprends rien. Je comprends pas, explique-moi. Bah, là, écoute... T'es à l'antenne. Tu prends les auditeurs qui sont chez eux. Ils sont chez eux, ils téléphonent, ils sont dans le standard, j'ai un écran tactile et j'appuie sur l'écran tactile. Je les fais passer à l'antenne. Ouais, mais ils appellent où? Ils appellent où? Quoi, ils appellent où? Ils appellent au standard. D'accord, et alors... Toi, t'es au standard et tu mets les auditeurs à l'antenne. Non, je suis pas au standard, je suis au micro. J'ai un standard en face de moi, j'ai un écran tactile. Ouais, mais alors qui les met au standard? Bah, Sandra. Donc, attends. Donc, bon, vas-y, perçois, tu m'as gonflé. Ainsi se termine Polo contre le reste du monde. Merci à tous ceux qui ont participé. Et merci aussi. De près ou de loin. À ceux qui n'ont pas participé. Voilà, je m'en vais. Surtout à eux, effectivement, ouais. Bon, et ben voilà, une bonne semaine qui se termine, là. Pépère, tranquille, à la cool. T'as vu? Hop, on revient nous dimanche à partir de 20h. Exactement, ouais. On revient dimanche nous à partir de 20h. Arnold, on va se faire. C'est vrai que j'en ai pas parlé ce soir le top tweetos, hein, mais bon après on va offrir à ceux qui en ont l'habitude. Alors il y a plus de pack au bad. Il en reste un. Bon, très bien. Non, alors c'est bon, on va terminer avec le top tweetos. Et donc on va offrir au numéro 1, sauf si le numéro 1 a déjà gagné. Bah, il a déjà gagné, évidemment. Alors numéro 5. Cédric. Numéro 4, parce qu'après le 5 c'est 4. Le prince Nadia. Numéro 3. Fred S34. Numéro 2. Magda. Et numéro 1. Let's be freaks. Évidemment. Ouais, évidemment. Eh oui. Donc du coup, le gagnant ou la gagnante là, c'est. Le prince Nadia. Qui n'a pas encore gagné effectivement son prix. N'avait pas décroché. Ah oui, c'est vrai, en plus, putain, elle a de la chance là. Bon, et bah bravo à toi en tout cas. On se retrouve. Bah merci déjà à tous ceux d'avoir été connectés ce soir sur le Facebook, sur le Twitter, d'avoir suivi l'émission bah, comme tous les soirs. En tout cas, merci beaucoup. Merci aux nouveaux également qui ont débarqué. Et merci aussi aux anciens qui ont fait la promo. Grâce à ça, les nouveaux ont débarqué justement. Merci beaucoup et rendez-vous dimanche à partir de 20h sur Fun Radio. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Yes, we can. Toff est père de famille. Polo est un gangster et Sandro un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h. Ah c'est original ça, dis donc. Ah bah oui, ah, ils sont bien ces nouveaux jingles. Non non, c'est pas mal, mais en fait si tu veux j'en ai mis un. Sauf que c'est pas celui-là qui devait être dit qui si c'était. Il y avait pas le bon nom et il y avait pas le mauvais jingle. Enfin, c'est bizarre. Hein. Il se passe des trucs à JB. Attends, j'essaye un truc là pour voir. Ah bah non, ça marche pas. Hop, j'essaie encore un truc pour voir. Attends, je vais essayer, attends. Dans une autre dimension. Ah bah non, ça marche pas. Non, c'est pas celui-là que je veux. C'est dingue ça quand même. Qu'est-ce que c'est que ce truc de merde? C'est l'ordinateur, il te fait des petites blagues. Je l'ai mis tout à l'heure en plus, jingle là, c'est la barbichette. Attends, j'essaye autre chose. Excusez-moi, j'essaye. Dans une... Mais c'est un truc de ouf. C'est pas celui-là que je veux, il s'appelle Barbichette et il parle de dimension. Mais bah passe l'autre peut-être. Bah attends, je vais essayer avec l'autre alors. Ah, il est malin comme un lapin. Attends, attends. Dans une autre dimension. C'est pas celui-là. Il y a du sabotage en l'air. Ouais. C'est JB. C'est JB, c'est JB. C'est pique JB, t'as rien. Il va falloir que je te donne des cours quand même. Attends. Hein, parce que franchement, animation. Attends. Zéro. Pour bien comprendre, Mickaël, nos limites. Ça c'est bon. Ah. Alors j'essaye. Moi bon, je fais mes tests en live. De toute façon, on s'en fout, on est dans la tranche de JB là. La merde. Pendant que certains braquent des tirelires. Ça c'est bon. Ouais. Là c'est l'autre là. Dans une autre. C'est un truc de dingue quand même là, putain, ça me rend ouf. dans une autre. Bon bref, ça m'a saoulé hein. Hop, JB dans un instant. Bah même tout de suite. Au taquet, bah, très bien. Allez hop, c'est parti, on y va. D'accord, bon. Non mais j'avais un dos sur ouais, Polo. Ouais, attends, générique d'abord. Ah quand même. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, te sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton nom. Y'a vraiment que mon gars, donc comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Car ton nom, t'es un enculé. Tu ne peux plus demander ou bien manger car t'encules ton nom toute la journée. Quel talent. Je vais venir, je vais t'enculer ta race de merde, je vais t'enterrer, je vais te mettre ma bite sur la tête, je vais te couper ta croissance, toi. Ah, il était classe, lui, hein. Quel poète. Grand poète. Je vais te couper ta croissance. Quelle cochonnerie. Quelle cochonnerie. Christophe est un enculé. Je te brise les os, mon gars, je t'encule au passage. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi le JB. Ferme ta gueule de merde, toi le JB. Tu suces des bites, off te sucer, toi l'enculé. T'aimes tellement ça te faire enculer, toi JB, t'es un enculé. Ah oui. Oui, tous les JB, on est les enculés, c'est vrai. Eh ben bon, merde, putain, celui-là. Oh là là, bah alors, qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais attends, tu m'as dit que t'as acheté des pieds sur Polo là. Achète-toi des brancards. Ouais, bah toi, tu ferais bien l'acheter pour hier soir, mais enfin, j'expliquerai. Bon, alors, va. Pourquoi? Ouais, t'inquiète pas. Bon, alors, c'est quoi le dossier sur Polo? C'est quoi? Ouais, t'inquiète, on en reparlera. Non, c'est quoi, c'est quoi le dossier sur Polo? Qu'est-ce que ouais, ouais, des bras, ouais. Pas de bras, pas de chocolat. Bon, alors. Sur Polo, c'est quoi le dossier? Enlève ta main. Non, mais justement, il a pris ma main pour la mettre entre ses deux jambes. Et j'ai... Non, parce que je cherchais un porte-couille et j'ai trouvé JB, puisqu'il sert à rien. Donc j'ai pris sa main, j'ai posé mes couilles dessus. Faire. Ouais, bah. On se touche. D'accord, bah, on se touche. Là là. Bon, le teuf qui allez, est dégoûté. Bon week-end. Bruno dans la radio à partir de 6h sur Fun Radio, comme chaque matin. Ouais. Et puis bah, bon courage, c'est JB jusqu'à 6h. Ça va bien se passer, vous allez voir. Ah oui, oui. Non, bah, faut y. On commence avec quoi? Britney Spears. Oui. Je l'ai pas du tout en programmation là. C'est vrai? Non. Bah t'as peut-être la mauvaise. Hein? Non non, vendredi 14. Ouais ouais, bonne Saint Valentin. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mikael, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio.